Voilà ce morceau. Merci Sopra. Je traduis aussi tous les messages qui arrivent. Merci Sopra pour ce son. J'adore cette chanson. Roule, magnifique son. Merci Sopra. Merci aussi de la part de l'équipe de Skyrock, parce qu'on pense évidemment à Momo. Eh oui, c'est lui que j'ai pensé tout à l'heure. Voilà, donc on pense aussi à Momo ici. Et voilà. Merci pour ce morceau qui s'appelle Roule. Voilà, une grosse dédicace à tous les enfants qui sont à l'hôpital, qu'on voit tous les jours, qui nous donnent qui le sourire. Qui se battent au quotidien, ouais. Ils ont plus le sourire que nous. C'est vrai. D'ailleurs, faut dire qu'il y a le concert là, organisé pour par l'association SIA Espoir. Le 17 décembre 2016 au Moulin à Marseille. Donc voilà, les billets sont déjà en vente. Donc voilà, restez connectés. Il va y avoir plein d'artistes, plein d'animations. C'est le 17 décembre. Ouais. 17 décembre. Ouais. Voilà. 17 décembre. Voilà. Eh bien, merci à vous aussi, les psychiatres, d'être passés ce soir dans l'émission. Merci à Lance. Je peux rajouter un truc Bien sûr, mais vas-y. Parce que quand même, j'oublie pas le dôme d'Alonso. Le 26 novembre. Donc voilà, tous les vaillants, évidemment, rendez-vous. Allez-y sur l'application, ayez l'info. Allez-y sur l'application, les avec bons. Un show avec Spike Miller et Alonso. On reçoit plein de messages en plus. Il y aura beaucoup de gens qui vont se déplacer. Ouais. C'est une grande fête. Et c'est le 26 novembre au Dôme. Et ça risque d'être Marseille. Très chaud au Dôme de Marseille. Exactement. Le 26 novembre. C'est un concert unique, parce qu'habituellement, je fais beaucoup de showcase en fait. Je fais que des showcase et c'est vrai que voilà, on a pour habitude sur chaque album de donner un grand concert à Marseille, donc voilà, vous êtes tous invités. Et je crois qu'il faut aller vite parce que les places s'arrachent, donc allez-y. Ça va très très vite. Allez-y très rapidement pour récupérer. Moi, j'ai un band sur l'application directement. Merci Vince d'être passé aussi. On rappelle Oncle Phil, chez Oncle Phil, l'application à télécharger pour tout le monde, pour tous ceux qui habitent en Belgique, Suisse, au comment et même au comment, quelque chose. Moi, je fais les envois, t'inquiète pas. Transit, on fait les envois. Et surtout, je voulais juste annoncer qu'au magasin, mercredi prochain, donc ça sera mercredi, si je dis pas de conneries, quelqu'un m'aide 19. Mercredi 19, et l'AMS sera en séance de dédicace chez Oncle Phil. Mercredi. Je suis l'AMS le 19. Donc voilà, donc rendez-vous chez Oncle Phil. Restez connectés. Et l'AMS toujours dans les bacs. Merci à vous, merci Sopra demain. Juste un dernier truc quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandaient pour des séances de dédicace, on est en train de caler ça. Samedi, on est au Carrefour Antibes à 15h. Mercredi 19, on a Fnac de Bercy à 18h. Samedi 29, on a Cultura au Bagne à 15h. Samedi 5 novembre, on est à Auchan-Béziers, 15h. Je crois que j'ai tout dit, on m'a laissé la feuille là. Et c'est quand que tu es chez Oncle Phil? Et chez Oncle Phil, à la base, devait être le 26 novembre. Mais on a décalé, on sera bientôt, on cale une date. Il faut aller voir sur l'appli, il y aura toutes les informations. Exactement. Et une grosse dédicace à Monsieur Papou. On pense à toi, le frérot. Et on fait une grosse dédicace à Jamal l'incontournable, quand même. Merci, oui, merci à vous tous. The man of the men. Merci à vous. On se retrouve demain un petit peu avant 20h. Oui, je suis très à la bourre. C'est pas grave, Fred. Non, on arrive tout de suite. Et puis un rendez-vous que t'as oublié de donner, Sopra, demain 20h. Demain 20h aussi, ouais. Demain, voilà. Demain encore un invité surprise. Une surprise par jour, mais c'est le père Sopra, le père Noël. Est-ce qu'on trouvera l'info chez Oncle Phil? Exactement. Chez Oncle Phil, il y aura des indices. Je vous fais tout ça. C'est ça, ce soir, allez, ce soir, vous avez tout. Et demain, 8h, c'est bon. On vous embrasse, les petits 4. Sopra, à demain, 20h pour Planète Rap. Et là, c'est parti. On arrive dans 2 minutes pour la Radio Libre. 2 minutes, montre en main. Et on est là. On est ensemble. 01 53 40 30 20. Et on reste ensemble jusqu'à minuit. Ciao. Salut les gars. Ils ont tous gagné 1 500 € en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. La seule radio qui t'offre 1 500 € toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Non. Oh purée. Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le Morning Daddy Fool sur Skyrock. Je refais là. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Est-ce que pendant votre service civique, vous avez les études à côté ou pas du tout, Abderrahim? Non, j'avais fini ma licence, c'était en attendant de faire un master. Clément? Ce qui est pratique, enfin pratique entre guillemets chez les pompiers, c'est que c'est une garde. Moi j'ai choisi de faire 24 heures le week-end, donc comme ça pose aucun problème vis-à-vis des études. Et surtout, on n'est pas obligé de faire ses études en même temps. Il y a beaucoup de jeunes volontaires qui ont choisi de faire une dans leurs études, d'accord, y compris autour de cette table, de faire une année de service civique pour souffler, pour faire une pause et parfois pour réfléchir à leur orientation. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. The Morning Show! Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1 500 € toutes les demi-heures dans le Morning Daddy Fool. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec Inanna. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS ? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Concert. Écoute, hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un journal de l'instruit. Sniper revient sur scène. Sur scène, ils ont choisi Skyrock. SNIPER, papy. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert, unique. Sniper en concert avec Skyrock. 22 novembre, Zénith de Paris. Toutes les infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Eh oh, eh oh, tu m'entends de l'autre côté du poste? Eh, fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax, S-M-A-X, Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça, ça compte, non ? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Miniservice. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. Et Radio Libre sur Skyrock, il est 21h01. Allez, c'est parti, on y va. Romano. Moi, je crois que je vais directement lever mon slip et faire tourner mon sexe. Ouais. Diffoul. Tu veux pas qu'on se fasse un petit truc dans ta maison, mais sans caméra? Non, même pas. Cédric. Salut les filles. Cédric, hein. Marie. Des râteaux. T'en as pris, Marie, des râteaux, toi? Non, mais en général, j'arrive à mes fins. Hein. Samy. Non, pour jouer au billard. Des grosses boules. Et Karim. Pourquoi Cédric, il a un A? La lettre A brodée sur son oreiller? Eh ben, c'est pour pas oublier son texte quand Romano l'encule. Diffoul Radio Libre. Soir sur Skyrock. Et salut tout le monde, c'est parti Radio salut, Libre. Salut. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. La journée se termine avec Sky comme tous les soirs jusqu'à minuit, on est là. Bienvenue donc à tous ceux qui sont là, toute l'équipe également. Bonsoir la Marie. Bonsoir tout le monde. Salut Karim. Salut les man. Salut Samy. Salut tout le monde. Romano, ça va? Ça va bien. Et Cédric, on prendra des nouvelles dans la soirée. Bon, bienvenue à tous ceux déjà qui sont là avec nous sur Mais lui savait pas dit qu'il viendrait ce soir, cette salope. Si, ben on l'attend. On l'attend, autrement on l'appellera Romano, mais je suis sûr qu'il va pas venir moi. Bah, il va bien falloir qu'il revienne à un moment. C'est pas demain son rendez-vous chez le chirurgien. C'est demain. Chez le véto. Bon, toute l'équipe va bien, vous l'entendez. Bonjour à ceux qui sont déjà avec nous. Je disais sur les messages, bonjour à Jérémy. Bonjour Jérémy, bienvenue à toi. Chloé, la youtubeuse. Bonjour Chloé. Une question, sera-t-il Cédric là avec vous au téléphone? Sans doute Chloé, reste bien avec nous. On est là jusqu'à minuit. De toute façon, on n'a pas besoin d'appeler. On va l'appeler, ouais. Salut la MIF. Salut la MIF et salut Calzone. Yann vient d'arriver. Bonjour Carmelo. Jules du 02, on te salue. On salue également Jordi du 51. Twix qui nous écoute à New York. Emlix Twix à New York. Ouais, je viens de voir le message. Ah, j'ai pas vu, putain, ça défile tellement vite. Eh, vous êtes déchaînés ce soir, ça fait plaisir. Leïla, on te fait un gros bisou. Bon rétablissement à Cédric, elle nous dit Leïla, on lui transmet, il écoute, hein, de toute façon. Le masturbateur est là, G-Unit aussi. Stanislas qui nous attend depuis ce matin. C'est bien, Stanislas. Nous aussi, on vous attend depuis ce matin. Ça y est, on est arrivé. Le mec, il n'a pas bougé, tu sais, de son poste. Faut rester sur Skyrock toute la journée. Skyrock H24. Pendant 3 heures, attention, une grosse soirée avec votre FIFA à choper, FIFA 17. On va traduire tes bugs, Romano, aujourd'hui. Ah ouais. Oui, on va faire traduction de bug pour gagner FIFA 17 aujourd'hui. On aura donc besoin de vous. Et oui, on fait des devoirs le soir, c'est bien. Hein. Comme au bahut, même chose. Ouais. Les devoirs de la soirée. C'est ça. Une petite traduction. on va s'occuper de vous. Bonjour à Trai qui nous fait salut les filles. Salut les filles. Salut les filles. Bonjour d'Algérie, de Nas. Salut l'Algérie. Cool, girls. Bon, qu'est-ce qu'on fera d'autre ce soir? Les traductions de bug et FIFA. Ah, j'ai une grande nouvelle à annoncer à l'ensemble de l'équipe qui va faire plaisir à tout le monde et notamment à Samy qui est derrière moi. Dis-moi tout. Une super nouvelle pour toi, Samy. Ah ouais, un truc que tu kiffes trop. Qu'est-ce que ça peut être? L'OM, gros. L'OM. Vendredi, on fait l'émission en direct du Vélodrome avec Fred. Voilà, l'OM, le Vélodrome. Alors pour l'instant, on est sur l'OM et le Vélodrome. Ça sera peut-être plus de ce monde. Et toute la semaine. Pourquoi? Parce qu'on a une surprise. Une bonne surprise pour l'équipe. Hein? On en reparle tout de suite, vous inquiétez pas. Je sais pas, on va se faire péter la gueule. Non, mais. Ouais. On va voir. Vraiment, si tu veux. Si tu demandes. On peut demander, j'ai 2-3 parisiens qui écoutent l'émission le soir. Si ça marche. Ils sont dispo éventuellement. Bon, donc petite surprise pour l'équipe dans un instant à vous annoncer. Et Et puis les familles du double appel, on s'est bien marré hier en fait. C'est, on avait commencé un double appel et en fait on est parti dans une conversation de 10 minutes avec une famille corse qui était super. Ouais, ouais. On remercie les Corses qu'on a eu hier au téléphone. Et dans un instant, on va attaquer le double appel. Faites une petite sélection sur les numéros que vous nous avez laissés là depuis une petite semaine. On a gardé tout ça, même plus d'ailleurs. Hein. On en a plein. On garde tout ça, on les met en contact. Et dès qu'on est prêt, on vous fait signe. Double appel à suivre. Vous tous en direct, il y avait Soprano et les psychiatres de la Rime qui étaient là dans Planète Rap ce soir. Ouais. Moi, ça m'a donné envie d'écouter le son d'Alonso. On va se faire Binta pour démarrer la soirée. Ah, Binta. Et si vous avez envie d'écouter d'autres trucs, je vois qu'on demandait du Sadek et du Gradur. Bah pourquoi pas, c'est bien Sadek Gradur. On peut se mettre du PNL ouais. aussi ce soir. Faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'écouter un son, 41759 skyrock.fm et avec l'appli Skyrock, téléchargez l'appli Skyrock. Vous pouvez nous envoyer des messages toute la soirée, des photos aussi, on aime bien. Et puis vous pouvez réagir à n'importe quel moment de la radio libre. Les messages arrivent directement sous notre nez, là, dans le studio. Moi, j'écouterais bien un son, moi. T'écouterais bien quoi? J'écouterais bien Daboudi Dabouda. Toi, t'as écouté le morning ce matin, Karim. Hein ouais, j'étais là. Bah, ah, oui. Je suis désolé de vous le dire, ça s'appelle comme ça. Hein. Ce matin, on parlait des sons dans l'émission. C'est marrant parce que Soprano, il avait dit qu'il aimait bien qui? Balavoine. Ouais, Balavoine, lui. Ouais. Balavoine. On parlait des sons. Ouais, c'est un grand fan hein, de Balavoine. Des sons qu'on écoute, mais qu'on n'ose pas trop dire qu'on écoute parce qu'on sait qu'on va se faire charrier par les potes. On sait qu'on va nous dire, ouais, oh, c'est de la merde. De la merde. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair. On sait que c'est. Bon, Romano, lui, c'était Daboudi Dabouda. Daboudi Dabouda. Un son que Romano aime bien écouter, mais qu'il n'ose pas dire. Bah, il nous l'a dit ce matin. C'est I'm Blue que ça s'appelle. FL65. Daboudi Dabouda, ouais. Daboudi du Boudin, dédicace à Cédric. Et du Boudin, Cédric est un Boudin. Et Daboudi. C'est pas mal ça, tu vois, Romano, j'ai fait des paroles pas mal. C'est sympa. Cédric, Romano, te dédicace ce morceau, la version française. Donc, on parlait des sons qu'on aimait écouter. Daboudin. Mais qu'on avait un peu honte d'écouter, on en a parlé avec vous. Attends, celle-là, ils l'ont sorti. Hein. Oui, bah, ça sort tous les deux ans, c'est remixé Dance. Ouais, ils font un remix Dance de ce truc tous les deux ans. Alors que l'original est tellement belle, Romano. Hein. FL65. Non, on a parlé de ça parce qu'en fait, c'est MHD qui a lâché une vidéo, qui a donné une interview, et MHD disait qu'il écoutait du dev. Donc, c'est vrai qu'avec FL65, il n'y a encore pas un niveau de dev. Quoi. Donc, MHD, tiens, j'ai la petite interview si ça vous branche, si vous ne l'avez pas entendu. On l'a fait tôt ce matin, on l'a fait à 6h20. On en parlait ce matin à 6h20 de MHD. Écoutez bien MHD. MHD, on a parlé aussi à 7h50 déjà. J'écoute de tout, franchement j'écoute de tout. J'écoute de tout, après t'as la liste. J'écoute des sons même de Bollywood, j'écoute des sons c'est pop, MHD. J'écoute du Booba. Après j'écoute du Michel Fugain, après j'écoute du Salif Keita, après j'écoute du MHD, après j'écoute du Alonso. Ouais, et le pire c'est? En ce moment, juste pour faire le rouleau dans la voiture un peu, j'écoute Dev. Du côté de chez Swan. Ouais. Dalila tatata. Ouais, c'est Dev. Donc on s'est dit. Tu vois, à la limite, je préfère mon Daboudi Dabouda, moi. Ouais, bah, à choisir, moi aussi, plutôt que Dev. Dev, ah, c'est... choisir. Dev, c'est dur. Mais enfin, on a bien noté, la prochaine fois que tu viens nous voir, MHD, on fera un duplex avec Radio Nostalgie. Ouais, sans problème. Tu vas voir, ça sera super. Skyrock, Radio Nostalgie, même combat. Et c'est vrai, on a tous des sons comme ça. Dites-nous d'ailleurs s'il y a un son que vous avez honte d'écouter, vous dites pas aux potes. Et en fait, vous écoutez ça. Moi, qu'est-ce que je vous avais dit ce matin? Ah oui. Claude François, parce qu'il me fait rire avec sa perruque blonde. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Karim, c'était tragédie, toi, c'est ça? Est-ce que tu m'entends? Karim, t'écoutes ça, toi? Karim, c'est lui qui nous a fait découvrir PNL, Niska. Et il écoute tragédie. Tiens, moi j'écoute Michael Jackson, nous dit le portugais. Ah, même Michael Jackson, ça va, c'est la base, Michael Jackson. C'est bien, c'est bien. Il y a Callaghan, il est fan de. De qui? Vas-y, balance-le. De Michel Fugain. Moi, comme un MHD. Comme l'oiseau. C'est un mytho parce que des fois, il m'envoie des snaps, il écoute les L5. Les L5. Wow. Ouais, tu sais, là, toutes ces crames de table. Ouais. Et... Ah ouais, putain, ça. Moi, il m'est arrivé d'écouter les Poetic Lovers. Waouh, chaud les Poetic Lovers. Ouais, pareil Lovers. Aussi. C'était quoi leur truc? Darling, faisons l'amour ce soir. Il y a Nas, lui, qui écoute des dessins animés à l'ancienne. Moi aussi, j'aime bien les musiques pareil, de dessins animés à l'ancienne. Quoi. Ouais, c'est pas mal, ça. J'ai déjà écouté du Robbie Williams, mais mes potes le savent pas. Bah, faut pas leur dire. Hein. C'est Meteor Space qui nous laisse un message. Enculé, Karim, je savais pas. Bon, on en parlait ce matin et on remercie donc MHD qui était le winner du jour parce qu'il a osé avouer qu'il écoutait Dev. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile à assumer, hein, c'est vrai. Moi, j'écoute Camaro, mais on a eu plein des Camaros ce matin, là. Ouais. Donne-moi ton corps, bébé. Les United, non, les United Kids, ça c'est dur, ça. C'est quoi? C'est Ben de Vernon. Ah ouais, les gosses là. Mais Kids United, c'est pas United Kids. Ouais, c'est Kids United. Ah ouais, ça c'est. C'est les gosses qui chantent des chansons. On écrit sur les murs. Voilà, voilà, c'est ça. Dans une, boutique, il y avait ça à tue-tête. Je voyais la gueule des serveuses, elles en pouvaient plus. Sorti, non? Ah si, j'ai les Poetic Lovers. Les Poetic Lovers. Envoie un mot. Ambiance-nous, ouais, c'est dur. C'est pour les ladies. Ah ouais. C'est pour les ladies. C'est pour les ladies. Non, mais on a tous des sons comme ça. C'est dur, hein. Bon, et sinon, bah, ce soir, on aura ça à écouter. Ah. Au PNL. Le son de PNL avant minuit, puisque je vous l'ai promis. Je vous ai promis également Alonso qui arrivera ce soir. On écoutera Alonso. Il était dans Planète Rap tout à l'heure avec Fred. PNL, super album. Hein. Et l'album de PNL, vous l'écoutez sur Skyrock, comme Alonso que vous avez découvert sur Sky. Attention, attention. Binta, binta, écoutez ce soir sur Skyrock. Moi, j'écoute les Backstreet Boys, très bien. Moi, je passe ma vie à écouter du Bob Marley, mais j'écoute en cachette quand mes parents me prennent pour un drogué. Ah, d'accord. Bob Marley, c'est bon, hein, Bob Marley. Hein. Bah ouais, c'est pas parce que t'écoutes que tu fumes pas mal. Mais voir les Poetic Lovers, là, je pense que ça leur fera. Vas-y. Ah, c'est ça. Ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dur, ça. Bon, alors on aura du bon son sur Skyrock. Hein. Bon, c'est fini pour les Poetic Lovers. Allez, les 10, elles sont quand même à l'écoute. Allez, 20 secondes de Poetic Lovers. Ça nous fait notre soirée, ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, allez, c'est parti en direct sur Skyrock. Dès que vous avez un truc à dire, dès que vous voulez faire les cons avec nous, vous nous appelez. On se dit tout hein, sur Skyrock, même les trucs qui foutent la honte. Hein, n'hésitez pas. Donc, vous nous passez un coup de fil, vous débarquez ici si vous avez besoin de nous, si vous voulez faire les cons en direct. Si vous avez un truc à dire, eh bien, vous profitez de cette soirée jusqu'à minuit, évidemment. C'est sur Sky que ça se passe tous les soirs. Les réseaux sociaux sont en route. Hein. Vous allez sur Facebook, vous allez sur Snap, ça ébulle. Donc vous allez sur Snap, sur Insta, c'est Skyrock FM hein, pour nous joindre partout. Et puis le diffool.skyrock.com aussi pour ma téléphoto et tout le reste, tout ce qui se passe le soir en direct sur Skyrock, bien sûr. Vous avez essayé de joindre Cédric? Passez-lui un petit coup de fil. Même, il faut encore partie de l'équipe, hein, quand même. Bah oui. Même si ça fait un mois et demi qu'il est plus là. On commence à l'oublier. Bah oui, Cédric. Mais c'est qui? C'est Frédéric. Non, c'est Cédric, c'est lui. Non, c'est Cédric. Ah ouais, c'est vrai qu'il adore dire Cédric, qu'on va retrouver tout à l'heure pour puisque vous avez demandé des nouvelles, on en profitera évidemment tous ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ah oui, les doubles appels et les familles. Et puis il y a des trucs dont je voulais vous parler. Les fringues au bahut, on va reparler. Victoria, 18 ans du 13, elle est avec nous. On va lui dire bonjour. Bonjour Victoria. Ouais. Salut l'équipe. Salut ma chérie. Salut Victoria. Comment va Victoria? Bah je vais bien, et l'équipe ça va aussi? Bah écoute, nous ça va, on a l'air plutôt en forme ce soir, la Marie est belle, sensuelle. Oh merci, c'est gentil. Romano est très sexy ce soir, on peut le dire. Terriblement. Très terriblement sexy. Je suis un peu Poetic Lover. Ouais, Karim c'est un arabe sexy aussi ce soir. Et puis nous d'accord, et Pamela elle est sexy? Pamela est toujours sexy, oui, elle est toujours là. Bonsoir. Bonsoir Pamela. Je traînais dans le coin. J'ai vu mais je t'avais pas vu, dis donc. Bonsoir Victoria. C'est vrai que Pamela est toute petite, donc on la voit pas tout le temps. Hein. Et oui, mais j'étais là cachée. Tu étais cachée. Dans l'ombre. Ouais. Cachée. Elle marchait, donc quand elle marche, elle est tellement petite qu'elle est toute cachée. C'est ça. Donc une équipe sexy, et puis bien le plus sexy, il est là. Bonjour Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde. Comment? J'ai entendu que Romano, je lui manquais terriblement et voulait que je vienne le voir ce soir. Ben oui, tu nous avais promis d'être là ce soir, mais une fois de plus, c'est une promesse que tu n'as pas tenue. Heureusement qu'on n'est pas comme ça tous à Skyrock quand même. Cédric a un mytho, votez Romano. Si tu veux, tiens, ce soir, t'as qu'à voter pour qui tu veux. Ah, je vote pour moi. Romano, lui, il vote pour lui-même quand il n'y a pas de clash. Je vote pour moi. Bon, ben nous, on va tenir nos promesses. On vous offrira du FIFA tout à l'heure. On aura du Jules. Les concerts de Jules à gagner dans la roulette. On fera tourner tout à l'heure. Si vous voulez aller voir Jules, c'est sur Skyrock que ça se passe. Et j'aime bien la voix timide de Victoria. Et Victoria, tu fais déjà un carton. Très belle voix l'auditrice. Alors ça, c'était qui? C'était Blue. Juste avant, ta très belle voix l'auditrice de Rabi Renana. Bonjour Rabi Renana. Salut à toi. Ah, il y a Trilouf qui demande Cédric, il est encore en vacances? Oui. Elle fracasse. Ah, quel feignasse, celui-ci, ah, c'est dingue. Hein. Non, mais ton cirque, ça va durer combien de temps? Peut-être que demain, c'est terminé, mon pote. Hein. Demain, c'est terminé, sauf si le mec te dit qu'il t'opère. Ah, mais s'il t'opère, t'es dans la merde. Demain, vigile chez le chirurgien pour la clavicule cassée, on en saura plus demain soir. Attention, attention. Alors, on va vous poser une petite question, parce qu'on en parlait ce matin dans le morning, on avait promis d'en reparler ce soir dans la radio libre. Victoria, est-ce que t'es encore au bahut, toi, ou alors est-ce que tu travailles déjà à 18 ans? Non, j'ai arrêté les études. T'as arrêté les études. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec tes fringues, toi, Victoria? Non. Les fragots au bahut. Parce qu'on en parlait ce matin et on a vu que ça posait quand même quelques petits problèmes, les fragots au bahut. On en parlait même hier matin dans le morning. Ouais. Avec l'histoire du jogging, des joggings qui sont interdits. À Limay, dans les Yvelines, au lycée Condorcet. Il y en a d'autres en France, comme on disait. Hein. Interdiction du survêtement en classe. C'est interdit. Ouais, il y a peu de survêtement, il y a peu de jogging. Ah, terminé, ouais. Qui l'a dit? C'est interdit, moi. Mais qu'est-ce qu'il en a à branler qu'il soit en jogging ou qu'il soit pas en jogging? Bah ouais, en plus les élèves vont dire tous les jours en jean. Tu sais, j'entendais un beauf sur notre radio, il était là. RMC, non? Non, parce que beauf, radio, RMC. C'est ça? Et ouais, c'est ça. Et voilà, quand il prend un taxi, Romano, les taxis, il y a pas mal de taxis qui écoutent RMC. Ouais, c'est vrai. Ouais, beaucoup, ouais. Les Uber, les taxis, ils écoutent Skyrock, mais aussi RMC. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il disait, le gros beauf? Et il était là. Les auditeurs d'RMC disent, bah, excusez-nous si vous êtes, ça vous arrive, nous, ça nous arrive de tomber dessus, on zappe comme tout le monde. Non, mais là, c'était même pas un chroniqueur, c'était un mec. Non, mais je parlais des auditeurs, oui. Non, c'était pas un auditeur, c'était un chroniqueur là. Ah mais ils sont pareils. Et le mec qui était là, c'est peut-être mieux les jeans à trous. Ah oui, parce que les jeans à trous, ça pose des problèmes aussi dans certains cas. Et t'es outré. Et les jeans à trous, on trouve ça bien? Est-ce que ça devrait être autorisé? Et le mec, 2 minutes après, t'expliquait, ouais, on devrait être tenu comme dans les entreprises, genre en pantalon limite à pinces. Bien sûr. Regardez-nous, on est tous en pantalon à pinces ce soir. C'est comme ça que ça marche à Skyrock. Moi, je suis en jupe. Bah, Cédric, tu as le droit de venir en jupe. Tu es mignonne, tiens. Non, je suis en caleçon. Oh non, c'est. Il vaut mieux être une jupe. Mettre une tenue décente pour nous parler. J'ai le ventre à l'air. Ah, le ventre à l'air, comme c'est sexy, Cédric. Cédric, j'ai des photos de toi. Oui. T'es au courant, j'imagine. Vas-y. Allez, dossier. Des petites salopes. C'est quoi, parce que. C'est quoi, je vais appeler ta meuf direct. Parce qu'en fait, Cédric fait des FaceTime avec Cariole, mais ce con oublie que c'est du FaceTime. Et genre, il y a des photos. Ah ouais, il vit sa vie normale, quoi. Non, mais genre. Ouais, t'as walpé, en fait, t'as gardé mon ventre. Déjà, il y a une photo. Ça, non, il y a une photo. Mais Cédric, il y a une photo que Cariole a prise, donc tu sais, elle prend des... Ah ouais. Elle prend des photos, elle fait des screens. Des captures d'image, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Et il y en a une où, genre, le Belge, il a les cheveux gras, mais tu sais, tout collé sur le front. Ah. Et il y en a une où il est torse nu, à walpé, tu sais, avec une serviette autour du bide, mais... Je vais relancer le hashtag d'hier soir qui a cartonné, le hashtag qui t'a mis en tété mondiale, Cédric. Cédric est sale. Mais non, j'étais pas, je sortais de la douche. Hashtag Cédric est sale. Ah ouais, mais regardez, c'était sale. C'est en tout cas, si un jour tu me casses les couilles, dis-toi que les photos, n'oublie jamais que je les ai. Eh ouais. Pourquoi je vais casser ton téléphone à toi, tu vas voir. Oh, il les a mis, il les a stockés quelque elles part. Elles sont en sécurité. T'inquiète. Elles sont sur mon cloud. Les bourrelets à l'air mort de rire, nous dit Paolina. Il y en a qui veulent les photos aussi. Ah ouais, non mais. Mais les photos, et je vote à toi, rigolé. À vie au clash de la drague, message de Julien là sur SMS. Ah mais je peux pas, non, ça se fait pas, franchement. Les bourrelets à l'air, magnifique, Cédric. Ah non, vas-y, en voilà, gros. Toujours avoir des dossiers sur les potes, on sait jamais. Bon, on revient au fringues au bahut, si vous avez déjà des problèmes, vous nous faites signe. Moi, je me ramène en jogging, je m'embalèque, je nique le game avec mes claquettes, nous dit Tristan, 16 ans. Bon, après c'est vrai qu'il y a des limites. Si t'arrives en plein milieu du mois d'octobre en short claquette, ouais. C'est vrai qu'au bahut ça fait un peu balade. Déjà tu vas te geler le cul, quoi. Et déjà tu risques d'avoir froid. Déjà, ouais. Commencer. Interdit de jean à trous dans mon lycée. C'est à Dunkerque que tu nous, je sais plus qui nous envoyait ce message, que tu ne, c'est à Dunkerque que ça se passe. C'est Kaoten qui nous laisse le message. C'est pareil, mais les mini jupes aussi. Kaoten même. Ah, maman, il y a pas de problème. Moi, vu que c'était un truc militaire, t'as mis en militaire. Mini jupe, toi, pas possible. Donc on voulait faire un petit sondage express rapidement ce soir. Enfin, sondage express. On voulait vous demander votre avis. Surtout vos témoignages, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec votre look au bahut ou alors au boulot? On a des auditeurs ce matin qui nous expliquaient qu'ils allaient au boulot en jogging aussi et que ça posait pas de problème. Bah, après, tu dépends le taf que tu fais, quoi. Par exemple, si t'es banquier, en jogging, je suis pas sûr que ça passe. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai que si tu fais un autre taf, bon, pas obligé d'être en costard non plus. Hein. Après, au bahut, t'as pas mal de taf où t'as pas le droit d'arriver en jogging quand même. Ah ouais, non mais c'est clair, oui. Les trucs avec contact avec la clientèle en général. Ouais, puis même dans un bureau, tu viens pas. Oui, non, c'est clair. Jogging mais cravate en haut. Bas de jogging, chemise, cravate. Ouais. Non, le short à fleurs est interdit au short dans mon collège, porté au peps. Ah, t'façon les shorts là, c'est un peu fini. Non, puis short à fleurs, c'est vrai, vaut mieux que ce soit interdit parce que ça craint, je pense. Ah non, nous c'était pas interdit les shorts comme ça, genre l'été quand il faisait beau, short à fleurs. Et t'en mettais un? Hein? Tu devais être trop beau gosse. J'en avais, ouais. Waouh, ok. J'en avais un jaune, moi. Wow. Un moyen, là. Ouais, jaune, ouais. Beau gosse. Et tu venais en shorty et en jupe, Cédric, quand t'allais au bahut, toi? Cédric. Ah bah ça y est, le mec est parti. Ah bah voilà, voilà. Ça a coupé. C'est un poulet. Ce gars, mais un vrai, hein. C'est incroyable. C'est vraiment Poissman. C'est vraiment voilà. Non mec, aussi peu de chance, j'ai jamais vu ça. Voilà, ça a coupé. Bon bah ça tombe bien, on va prendre Victoria alors. Victoria, toi tu nous appelles pour un rendez-vous que t'as demain toi, c'est ça? Ouais voilà, c'est ça. C'est quoi le rendez-vous que t'as demain? Bah en fait genre je me suis inscrite sur l'application Smack. Ah t'es allée sur Smack. Et du coup bah, genre j'ai sympathisé avec un mec et tout. Ouais et quand ça cherche du mec, une meuf sur Snap elle le trouve. Bah, en général ça va. Ouais sur Smack elle le trouve. C'est vrai que c'est plus simple pour les nanas en général. Ouais ça va vite. Donc t'es un mec. Ouais. Et puis au final c'est nous qu'on fait le tri en fait. Enfin plutôt moi. Ouais c'est vrai que c'est vous qui décidez. Ouais. Tiens j'aimerais bien être une fille une journée rien que pour aller sur les réseaux de rencontres parce que tu y mets 10 minutes et si tu veux pas t'as une centaine de mecs qui te laissent des messages. Transforme-toi en fille. Qui a envie de baiser. Oui mais Marie ce n'est pas possible. Oui non mais juste pour aller draguer. Oui c'est ça Marie. Bien sûr et après je me ferai enculer aussi. Voilà, ouais, éventuellement. Non, mais voilà. Ça va aller. Cédric, voilà, tu fais ce que tu veux avec ton cul. Je vais venir vite si tu te manges. Non. Non, mais c'est vrai que les filles, vous avez de la chance sur les réseaux. Ah, c'est vous qui décidez au final. Donc, t'as trouvé, t'as choisi, t'as fait ton tri parmi les mecs et t'as trouvé un mec à aller voir. Ouais, voilà, j'ai fait le tri, on va dire. Et du coup, j'ai sympathisé. Oui. Et du coup, il a proposé que, on se rencontre. Et du coup, je voulais savoir, avoir des conseils et tout, parce que, c'est la première fois qu'on va se voir, et du coup, voilà, quoi. Ouais, ça dépend comment tu vas. Tu as déjà vu sa photo, au moins? Ah ouais, j'ai vu sa photo. Ouais, ça, c'est important. T'es sûr que c'est lui? Oui, je suis sûr. Faut lui demander une photo dans laquelle il te fait un truc spécialement pour toi. Par exemple, tu lui dis une photo. Tiens, fais-moi un doigt. Fais-moi une photo, tu me fais un doigt, par exemple. Non, c'est vrai, faut demander. Parce qu'on sait jamais, il peut récupérer. En direct. Oui, il peut récupérer une photo sur le net. C'est vrai que c'est une bonne méthode, ça. Oui, on ne sait jamais. Après, tu as la photo d'une super meuf, tu vas la voir et tu tombes sur Mamouta comme Romano, par exemple. C'est ça, surprise. Et là, ça te fait une petite surprise. Et qu'est-ce que tu veux comme conseil, toi, Victoria? Bah, je sais pas, voir, si, parmi l'application, il y avait du monde et tout, qui avait. Vous voyez pourquoi? On va en toute amitié ou c'est prévu que vous baisiez? Ça dépend pour elle ou pour lui. Quand même. Ah non, mais des fois, tu t'as rendez-vous, c'est pour baiser. Bah, le mec pense qu'à ça, la meuf en général, non. Donc, c'est vraiment une différence qu'on a entre vous les filles et nous les garçons. Non, mais éventuellement, si ça se passe bien, Victoria, est-ce que tu serais prête à te faire niquer? Comme c'est joli, non, non, y a pas moyen, mais, non. Alors, on va changer la demain. Question. Est-ce que tu serais prête à faire l'amour? Non, voilà. Après, au long terme. Au long terme. Mais ce que t'appelles long terme, c'est-à-dire au niveau durée. Je sais pas, si je m'entends avec la personne et qu'on finit par être en couple, là, ouais. Donc, d'accord. Bon. Donc le mec, si tu nous écoutes, tu te mets en couple dès demain et après, on sait jamais. Bon, c'est open. Il y a moyen. Bon, dites-nous si vous avez déjà fait des rencontres sur Smax, sur les réseaux de rencontres, les sites de rencontres, les applis de rencontres. 41759 avec l'appli Skyrock. Ah mais monsieur, tu vois moi quand j'avais rencontré la magnifique belle, Mamouta, princesse, l'engin quoi, princesse de Marseille. Elle est de, oui, elle est comme toi Victoria, de Marseille aussi. Hein. Et nous c'était prévu, c'était pour baiser. Hein. À tout de suite. Non mais tout de suite, on n'est pas des bêtes, mais. On n'est quand même pas des bœufs quoi. Non mais je vais payer un verre, tu vois. Bon alors vous, c'était prévu. Non mais quand on se parlait au téléphone, voilà, c'était conclu qu'en gros on allait baiser quoi. Bon vous êtes déjà rencontrés par une appli de manière virtuelle, on va dire en général. Vous nous racontez comment ça s'est passé, que ce soit bien ou mal passé. Dans un instant, je vous redonnerai les vêtements qui posent le plus de problèmes au bahut. On en reparlera avec vous et avec vos messages, puisque j'ai vu qu'il y avait plein de messages que vous avez envoyés là depuis tout à l'heure sur les problèmes qu'on peut avoir au bahut à cause des fringues. Ouais, mais Marie, tu t'es déjà fait niquer toi via les réseaux? Parce qu'on aimerait bien ton témoignage. Non, jamais, non. Réfléchis, jamais, Marie. Je sais pas comment ça marche. Ah merde. C'était une jolie question. Non, mais c'est pour savoir. J'ai jamais rencontré quelqu'un sur la réseau. Eh ben, inscris-toi. Tu veux pas que je suis en couple déjà. On t'a écrit sur Smack, à mon avis. T'as 10 000 mecs qui t'envoient des messages ce soir. Bien sûr, ouais. Allez, on s'en occupe après Alonso. On en reparle. Et puis, le double appel arrive aussi sur Skyrock. Les familles du double appel, elles ont le droit à la parole. Comme tout le monde, c'est la plus grande radio libre de France. C'est ouvert et c'est jusqu'à minuit sur Sky. The Morning Show! Dans le Morning de Default sur Skyrock, elle t'offre 1500 euros toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock! Eh ben, c'est gagné. Bravo! C'est gagné, Fabien! Ouais, Fabien! Bravo, Fabien! On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une. Une supérette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. Vous me donnez 200 euros, on n'en parle plus. Eh ben, tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle, moi. On se fait de nouveaux amis. C'est Soprano. C'est qui, Soprano? Soprambaba. Non, mais vous êtes un des

consulte son portable. Ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. On écoutait Alonso. Difool. Radio libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Ouais, la radio libre sur Skyrock jusqu'à minuit en direct avec vous au 01 53 40 30 20 sur le 41 759 pour vos messages, sur l'appli Skyrock pour vos messages aussi et pour vos photos. Salut le penseur Camélia qui nous parle des fringues au bahut. Camélia qui nous dit un jour j'ai mis un t-shirt avec un doigt d'honneur dessus, j'ai dû terminer la journée avec le t-shirt à l'envers car la directrice m'a vu. Elle t'a demandé de mettre le t-shirt à l'envers parce qu'il y avait un doigt d'honneur. Mais tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui nous disait l'appareil, une fille qui avait une galère avec un vêtement et toute la journée, il lui avait filé une blouse. Oui, tu avais une très belle blouse, t'étais super swaguée. T'as dû te faire traquer par tous les potes, là. On parlait des vêtements qui posent des problèmes au bahut. Il y en a plein. Ouais. Et ouais, parce que ça dépend des bahuts, en fait. Les proviseurs, certains proviseurs, en tout cas, sont au taquet. Ils n'en peuvent plus. Ils sont très énervés. Les jeans à trous, ils en ont marre. Les jogging, surtout, ils en ont marre. On parlait de Condorcet. On salue d'ailleurs ceux qui nous écoutent au lycée Condorcet à Limay, dans les Yvelines. Fini le survêtement en classe. Terminé. Voilà, il faut s'habiller correctement maintenant. La prochaine fois, vous mettez un pantalon à pinces ou un pantalon en velours. Ça, c'est la classe. Ah ouais. Je suis sûr que ça plairait aux proviseurs. Et des chaussures à glands. Ah, vous êtes super bien habillé aujourd'hui. Très beau le pantalon à velours. Ah, magnifique. Magnifique. Et les chaussures à glands, j'adore. Vraiment. J'ai les mêmes à la maison. Vraiment super. Mais c'est vrai. C'est ils veulent quoi, les proviseurs? Que vous habillez comme eux? Hein? Bah ouais, c'est pas possible. Hein? Moi, j'ai pas le droit de mettre de casquette dans mon bahut. Ah, on peut prendre une heure de colle à cause d'une casquette. Mais où? Dans la cour ou en salle de cours? A priori, dans le bahut, ça doit être dans tout le bahut. Hein. En salle de cours, on avait pas le droit, mais. Ça, c'est normal, normalement. Mais dans la cour, on avait le droit. Lui, a priori, c'est dans tout le bahut, d'après ce qu'il nous dit. Vos messages, allez-y au 41759 et sur l'appli. On va revenir aux rencontres aussi, des rencontres qu'on fait sur les réseaux. Et on a le message de l'inconnu qui nous dit « Bon signe, Victoria. Victoria, tu nous as appelé pour savoir comment se pouvait se passer la rencontre que tu avais. » C'est demain, ouais. Demain que tu rencontres le gars. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Rencontré sur Smax. Et rencontré sur Smax dans le 13 à Marseille. Donc avec l'appli, t'as dragué, t'as trouvé, t'as fait ton choix parce que t'as eu... j'imagine, t'as eu combien de mecs qui t'ont contacté sur Smax? Oh là là, ben en fait ça fait 4 mois que j'y suis. Oui, ah quand même. Et il y en a beaucoup en fait, donc je peux pas les compter. Et là le mec que t'as choisi, là, il a quel âge lui? Il a 22 ans. 22 ans. Victoria, t'as 18. Ça va. Alors le message que je voulais te dire qui va sans doute te faire très plaisir, j'ai rencontré une meuf sur Levoux. On a parlé pendant une semaine et quand on s'est rencontrés, on a fini par baiser le premier soir où on s'est vu, c'était dans la voiture. Waouh, ça c'est bon ça. Pondus. Tu voulais des témoignages? Absolument, attention. Ouais. Il vient en voiture demain, Victoria? Ouais, en plus. Aïe. Fais très attention. La banque est arrière. Fais gaffe. Ah ouais. Peut-être même le capot. Tiens, il y a Oasic du 13. Qu'est-ce qu'il nous dit, Oasix du 13? 17 ans. Bah là, je vais aller voir une meuf que j'ai rencontrée sur Tinder. Elle a l'air bien. Bah tiens-nous au courant, donnez-nous des nouvelles. Si vous avez fait des rencontres comme ça, des rencontres virtuelles, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages pour nous appeler au 01 53 40 30 20. Il y a Samy, il y a Karim et il y a la Marie qui vous attendent. Ouais, ouais, ouais. Et sur tous les réseaux, vous nous laissez vos messages et notamment sur le 41759 et sur l'appli Skyrock. Bon, les vêtements qui posent des problèmes aux bahuts, je vous donnerai le grand sondage. Et puis, Romano, on va découvrir tes bugs. Le premier à traduire dans pas longtemps. Et à gagner FIFA 17, c'est ce qu'on va vous offrir ce soir. FIFA 17 à gagner encore une fois sur Skyrock, bien FIFA sûr. FIFA 17. Oui, FIFA 17 à gagner sur Sky. Ça fait un mois qu'on vous le file. On continue et ce soir en traduisant les bugs de Romano. Mais tout de suite, direction les familles. Un double appel. Oui. Ben, vous êtes dans un hôtel, monsieur. Alors pourquoi vous m'appelez ? Je ne vous appelle pas. Mais si, là, ça fait déjà deux fois que vous m'appelez. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, je sais pas, moi ça vient de sonner, je décroche. Ah ben moi aussi, ça fait trois fois que vous m'appelez. Moi j'en ai marre-le-bol, vous dérangez pour rien. Le double appel de Default sur Skyrock. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? C'est marrant comme la dame elle est gentille et comme le monsieur elle est vénère. Bah il y a rien que m'appeler. Moi j'adore. On met en contact des gens qui ne se seraient jamais rencontrés sans Skyrock quand même. Ouais c'est vrai. Et ça c'est quand même bien. Je ouais trouve. C'est vrai. On va donc y aller tout de suite. C'est parti. Vous nous envoyez les numéros hein, si vous voulez. On les prend hein, de toute façon. Vous inquiétez pas. Donc vous nous envoyez les numéros de personnes que vous avez envie qu'on appelle. Je sais pas, de la famille, des amis, des gens que vous connaissez, des profs également. Il y a pas mal de profs dont vous avez trouvé le numéro et dont vous nous envoyez les numéros de téléphone. Eh bien on y va tout de suite. C'est parti et c'est parti. Chez qui, Samy ? Chez Virginie et Anne-Gaëlle. Virginie et Anne-Gaëlle, deux filles, donc on va mettre en contact. C'est Sophie qui nous a donné deux numéros. Merci Sophie pour les numéros. Je crois que c'est des tantes et je sais pas, des tantes à elle. C'est la famille ? Ouais, c'est la famille. Virginie et Anne-Gaëlle. Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô ? Oui, c'est pourquoi ? Ben, c'est vous qui m'appelez, hein ? Non, pas du tout. Ah, ben si. Bon, ben. Allô ? Désolé. Allô ? Oui. Allô ? Oui, comment vas-tu ? Oui, comment vas-tu ? Comment ça va ? Comment ça va ? C'est qui ? Moi, je suis Patrick, hein. Ouais, c'est bien. C'est Patrick ? Absolument. Allô ? Il est en... Vous savez que... Allô, madame ? Oui, vous savez que c'est 9h30 du soir ? Non, 9h36, vous n'avez pas l'heure. Oui, précisément 9h36. Et... Il faudrait arrêter de nous appeler, madame. Ouais. Oui, on en a marre du téléphone qui sonne. On en a marre, madame. Oui. Moi, je suis décaloté complètement. Oui. On ne le dira pas deux fois. Et en plus, on a un ami, il est décaloté complètement. Vous l'avez mis à bout de nerf, il est obligé de se décaloter. Il est à bout de nerf. Il voudrait vous demander quelque chose. Est-ce qu'il peut vous mettre un petit truc Tu vois, dans la chatte, là. Tiens, voilà, on y va pour le doigt dans la chatte. Elle est partie. Elle est partie. C'est dommage, elle est partie, elle était super. Ah ouais, ouais. Elle avait l'air de très bonne humeur. Elle a dû passer une très bonne journée. C'est vrai. Il est 9h30. Vas-y, ça m'y fait maison plein là. Vas-y, j'en appelle plein. Vas-y, bah, je vois que t'as plein de numéros. Allez, vas-y, on va la sauce. Allez, on va du lourd. Bon, maison déjà deux là, et puis après on verra. Prends celui-ci là aussi. Là, je vois Pierre. Olivier. Qui, Maxime. Allô ? Ah. Allô ? Allô ? Oui ? Oui. J'écoute rien. Allô ? Allô ? Oui. Allô ? Qu'est-ce qu'il y a sur cette ligne ? Eh ben, ah, mais il marche pas. Et si ça marche ? Ça marche pas. Eh bien écoutez, moi je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas bien, non ? Allô ? Allô ? Oui, on est trois sur la ligne. Ça fait quatre fois qu'on m'appelle, moi aussi. Ah bon ? Oui. Bon. Avec appel masqué, masqué, ça fait quatre fois que je te décroche et j'ai deux personnes en même temps. Alors, eh bien oui, moi aussi. Et vous êtes de quelle région ? La Chapelaude. Eh bien, moi aussi, je suis à la Chapelaude, là. Et moi aussi, je suis sur la Chapelaude qui a des problèmes. Oui. Allô ? Allô ? Et deux, trois. Allô ? Oui. Eh bien, oui, vous voyez, il y a une troisième personne. Hein. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui. Bonjour, monsieur, oui. Oui, eh bien, c'est vous qui m'appelez, non ? Ah non, non, moi, on vient de m'appeler, ça fait trois fois que le téléphone sonne, eh ben, c'est pareil. Écoutez, madame, moi aussi, et vous êtes de la Chapelaude aussi, la non ? La Chapelaude aussi. Eh bien, oui, ça fait la troisième personne qui m'appelle, enfin, ça fait quatre fois qu'on m'appelle, et je réponds, il n'y a personne au bout, et là, je viens d'avoir deux personnes. Eh bien, moi, la même chose, les deux premières fois, j'ai décroché, il n'y avait personne au bout, et puis j'écoute deux personnes parler à la fois, voilà. Eh bien, moi aussi. Donc, Bon, bah, écoutez, on va raccrocher, puis on essaye. Allô ? Allô ? Vous n'avez pas d'ordre de faire chier le monde, là ? J'écoute pas bien, là. Non, mais écoutez, bon, on raccroche. On raccroche. Allô ? Allô ? Et ça commence à bien faire, hein. Vous allez m'emmerder toute la soirée, comme ça ? Vous savez que je travaille ? Bonsoir, ça va, bébé ? Oui. C'est Michel au téléphone. Ouais, et ben, vous savez quoi ? J'ai basculé sur la gendarmerie. Ouais, super. Ah bah voilà. Eh ben, ah bah voilà. Eh ben merci à Cédric pour sa participation involontaire. Eh ben, bravo. Eh ben, et la dame faisait pareil d'ailleurs. Eh ben, vous savez que je travaille. Eh ben oui. Exceptionnel. Ah, exceptionnel. Elle a une vie de fou. Vous imaginez le truc qu'elle fait dans sa life, la dame. Eh ben, vous imaginez que je travaille, moi. Elle va bosser. Elle va bosser. Eh oui. Ouf. De dingue. Eh ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. Magnifique. Bon bah voilà, c'était bien ça, dites donc là. Merci à celui qui nous a envoyé le numéro de téléphone. C'est excellent là. C'était excellent, Patrick. Hein. Alors c'est qui nous a envoyé le numéro? Il nous a filé tous ses voisins. Bah oui, mais c'était Léo, je crois. Attends, bouge pas ici. Ouais, vous êtes de la Chapeloude. Bien vu, Samy, c'était Léo. C'est Léo, on a appelé tous ses voisins. Ouais, Chapeloude. Eh bien, laissez-nous les numéros de tous vos voisins. N'hésitez pas, allez-y. Vous nous je pense qu'on a eu le village entier, là. Ouais. Oui, ouais. C'est vrai. Je sais pas où c'est ce truc, d'ailleurs. Je sais pas, la Chapeloude. Léo, dis-nous, c'est eux qu'on a appelé, là. Merci, Léo, pour les numéros. Vous les envoyez au 41759 et avec l'appli Skyrock. N'hésitez pas, vous nous envoyez tout ça. Bon, on va parler fringues ce soir. Comment on est habillé dans l'équipe? Jean pour Samy, jean pour Karim, jean pour Romano, jean pour toi, jean pour moi et shorty pour Cédric. Shorty et Marie, rose jean pour aussi. Cédric et ouais, Marie. En noir. Jean, jean noir. Ouais, aussi. Exactement. Marie, elle est tout en noir aujourd'hui. Ouais, je suis tout en noir avec des baskets noires. On est jean et la chapelote, c'est dans l'Allier. Merci Théo. Très bien, salut l'Allier. Merci Léo pour le pour Léo, les numéros. Pardon, oui. C'est Léo. Bon, il y a Dylan, tiens, on va justement reparler des fringues dans les bahuts. Dylan en direct avec nous, t'as 15 ans et t'es dans le 29. Ouais, allô? Salut à toi. On a offert 1 500 € dans le 29 ce matin. C'est Aurore qui a gagné 1 500 €. Je sais pas où t'es dans le 29. À Quimper. À Quimper, elle est. Vers Quimper, ouais. Et ben voilà. À une voisine. On a fait des heureux. Vous aussi, gagnez 1 500 €. Répondez Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. Skyrock, Skyrock, Skyrock. Prenez du temps, hein. Tranquille. On vous appelle. On vous demande quelle est votre radio préférée. C'est Skyrock et c'est 1 500 € dans la poche. Ouais, envoyez 1 500 au 720. Ouais, 1 500. C'est vrai, Romano. Multipliez vos chances de gagner. Vous pouvez mettre sur répondeur aussi. Et vous pouvez mettre Skyrock sur le répondeur si vous êtes au bahut ou en train de bosser. Ça, t'es tranquille. Ouais. Alors, Dylan, dis-nous un peu, toi, c'est par rapport aux fringues au bahut, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des proviseurs? Vous trouvez que c'est normal qu'un proviseur, il décide de comment s'habiller dans son bahut ou alors que c'est pas normal? T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est pas trop normal. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est... On devrait s'habiller comme on veut. Non, mais ce qui est terrible, c'est souvent les proviseurs et les profs, ils sont quand même très, très, très mal habillés. Moi, j'en avais qui étaient habillés, mais vraiment comme des sacs, tu sais. Truc. Ouais, mais ils sont habillés de leur âge. Souvent, ouais. Ils sont habillés de leur âge. Et les mecs te donnent des conseils, genre, faut pas t'habiller comme ça, faut pas t'habiller comme ça, faut pas t'habiller comme ça. Non, mais c'est dans le règlement. Et enfin. T'as envie de leur dire, mais t'as vu ta gueule comme t'es habillé avec tes fringues? Ah, t'as vu comme t'es vilain avec tes fringues? Ça dépend des bahuts, hein. Il y a des bahuts, tu t'habilles comme tu veux. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'avais un prof, il avait une chemise, il la gardait du lundi au vendredi, oh, une chemise blanche. Bah alors, elle était écolo, monsieur. Dégueulasse. Et à la fin de la semaine, la chemise autour du col, c'était noir. Il avait une trace marron. Non, mais c'est qu'à un moment donné, je pense que le mec, même en l'avant, ça revient pas blanc, quoi. Et il avait des, grands, comme des pelles à tarte, les cols. Les grands cols, là. Le col de chemise, le truc, c'était... Ah, mais c'était les années disco, quoi. Et toujours une petite cravate. Non, non, il paraît qu'il est toujours habillé pareil. Ah, merde. Non, non, il a pas changé. C'est les années disco, toujours. Il doit être dans un état, sa chemise. Oui. Ah, ouais, il a la même. C'est vrai. Bon, qu'est-ce que... Donc, toi, tu penses qu'on devrait s'habiller comme on veut. Il y a pas... Ouais, moi aussi, je suis comme toi, Dylan. Liberté, égalité... Égalité et fraternité. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça? T'as eu des problèmes déjà avec le bahut par rapport à tes fringues? Ouais, parce qu'en fait, le lundi, on arrivait tous et on était à deux à être en jogging. Ouais. Et là, il y a le prof d'économie qui commence à péter un câble. Oh la chelou, la tête en jogging! Non, il dit, ouais, le jogging, c'est pas. Il est pas dans le règlement. Si c'est tout le monde en jean, je vais aller voir le directeur, vous allez voir. Et puis, bah, du coup, s'il a dit, la prochaine fois, vous allez être viré si vous revenez en jogging. Le jogging, c'est que le soir après les études et tout. Tiens, il y a Lucas qui nous dit, ma mère m'a raconté qu'à son époque, le jean était interdit dans son lycée, tu vois. Comme quoi, les époques changent maintenant et toi, ils te demandent de venir en jean. Comme quoi, ça progresse quand même. Hein. Bah, à l'époque de nos parents, déjà, ils étaient en blues. En blues. Ah ouais, les jeans, bah c'était ouais, moi, les j'ai rebelles. Blues aussi, hein. Marie, t'as une blues. Ouais, ouais. J'ai fait 2 ans de bahut, on avait une blouse. Tu as quel âge, Marie? Non, non, mais c'était au collège. Mais c'est quoi, t'es une visiteuse quoi? Ah ouais, c'est clair. C'était pull bleu marine et blouse en cours. Marie. Ouais. On était tous en blouse en cours. Ah putain, ouais, c'était encore pire que moi avec mes treillis militaires, quoi. Ah ouais, non, mais oui, oui. Non, moi je m'habillais comme je voulais, moi. Jean, tranquille, à l'arrache. Ouais, ouais, pareil, ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, toi, Dylan? Bah, du coup, vu qu'on est à l'internat, la plupart, on a dû être obligé d'aller à l'internat, prendre nos valises, tout sera habillé normal, parce qu'on est arrivé en jean, en t-shirt normal et tout. Ah ouais, vous êtes allé vous changer à l'internat et vous êtes retourné en cours habillé comme il voulait le proviseur. Ouais, il fallait se mettre en polo et en jean et alors tout. Alors vous avez mis un magnifique polo, alors le jean, vous allez l'enlever, on va prendre le pantalon à pince. Ouais, ça va pas du tout. Mais le pantalon en pince en velours. Ouais, magnifique. Ouais. J'avais des profs qui s'habillaient avec des pantalons en velours, moi, des pantalons en velours vert kaki. Côtelé. côtier. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai mon pantalon ouais, de chasse pour le week-end. Mais c'est ça en plus. Quand je vais chasser le sanglier. Et le mec qui avec le barbeau. Il faut pas mettre de jogging. Ouais, mais pourquoi ça les dérange le jogging? Parce que c'est un truc pour faire du sport peut-être. Parce que ça leur va pas, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. C'est une tenue décontractée alors que t'es à l'école, il faut. Ouais, c'est des compagnons. Enfin, je sais pas, j'imagine mais que ça. Bonjour, campagnard. Bonjour, campagnard. Qui nous écoute du lycée de Dylan. Et les filles, elles ont jamais eu des problèmes parce que je vais vous donner les. Ouais, parce que les meufs aussi, genre les jupes trop courtes, tout ça. Ah ouais, ou les décolletés, ça fait pas. Mais ouais, nous, il y avait une meuf, elle était venue en mini short. Pareil, elle a été obligée de se changer. Alors, vous savez ce qui pose le plus de problèmes au niveau du look au bahut? Eh ben, justement, tu viens d'en parler. C'est le mini short et la mini jupe. Mini short, mini jupe. Ouais, les profs. Ah, ça nous excite trop. Les proviseurs, tout ça, ils aiment pas. Ah, ça m'excite. Ah, gros. Pervers. Vas-y, gros pervers. T'aurais pu dire gros pervers. N'hésite pas, vas-y, vas-y. Il s'est arrêté en cours de route. Donc, les filles, mini jupe, mini short, ça passe pas. Après, les strings qui dépassent du jean, ça non plus, ils aiment pas. Mais je pense que ça les excite. Ah ouais, c'est normal. Non, c'est trop énorme. Bah, ouais, tu vas pas. Ouais, Dylan. C'est ça. Du coup, nous, en fait, ça faisait une semaine, on avait pas de prof de maths. Ouais. Et là, il y a une prof de maths, elle arrive et dit ouais, bonjour et tout. Et tout le cours, elle avait son string qui dépassait, elle avait l'étiquette en rose. Et souvent, les remplaçantes, elles sont plus jeunes que les profs officiels. Elles sont sympas. Enfin, sympa, mignonne. Du coup, elle était trop géniale, on s'est tous foutu de sa gueule, elle comprenait pas. Et puis, bah, du coup, c'est qu'à la fin du cours, on lui a dit, elle était trop géniale. Ouais, ton string, il dépasse. Mais putain, elle est devenue toute rouge, non? Non, on lui a dit, madame, vous avez un truc gros qui dépasse. Non, ouais, mince, merci. Ah, c'est désolé. Mon string, excusez-moi. Et alors, elle a rigolé ou elle l'a mal pris? Bah, elle était un peu rouge quand même, hein. Elle était gênée. Elle a dû avoir honte, un rire gêné, quoi. Alors, le string dépasse du jean en deux. Après, casquette. Et les gars, attention, casquette, bonnet, etc., capuche aussi. C'est en trois. C'est les trucs qui posent des problèmes au niveau du look au bahut. Après, les filles, c'est plus pour vous ou pour Cédric également, les décolletés trop profonds. Ah ouais. Ah, quand vous montrez, un bout de poitrine, c'est pas bon. Et après, vous vous dites, mais où est passé le baggy? Eh ben, il est là. Le baggy. Bah, c'est vrai qu'il y en a moins, quoi. C'est moins la mode, les baggy. C'est moins la mode qu'il y a une époque, quoi. Le pantalon qui laisse voir une partie de l'arrêt du cul, par exemple. Le pantalon bas, ouais. Ouais, pantalon taille basse. Tout ça, ça passe mal. Ah, dans ton froc. À égalité avec les survêtements qui posent des problèmes. Et les leggings. Ah ouais? Ah bon? Les leggings pour vous, les filles. Ouais, bien moulant, là. Ouais, bien moulant. Moi, j'aime bien, moi, les leggings. Aïe, aïe, aïe, comme tu dis, hein. Après, on trouve le short, le bermuda, le pantacourt. Mais on peut rien mettre, en fait. Bah, en fait, faut venir en combinaison, en fait. Ah, et on en parlait tout à l'heure, le t-shirt avec le doigt, par exemple, le doigt fuck, ouais, quoi. Fuck, ouais. Les t-shirts parodiques ou avec des inscriptions. T'arrives avec un t-shirt, par exemple, avec du cannabis. Comme bah, si la tendinite de Diffoul qui a nous envoyé une photo, en fait, lui, il avait mis un t-shirt, les poumons, en gros, c'est, t'as un dessin de poumons, mais c'est des têtes de bœufs. Bah, a priori, dans son bahut, ils ont pas aimé. L'année dernière, j'étais au collège, il y avait un mec qui était venu avec un t-shirt, avec une meuf, les seins à l'air, je crois, un truc comme ça. Du coup, ils ont tout appelé sa mère et votre fils est pendu. Non, mais c'est scandaleux, en plus, il est marrant, ce t-shirt, parce que c'est les mecs qui le mettent et en fait, t'as des seins à la place de, au niveau des pectoraux, quoi. Non, mais tu sais qu'à la base, même dehors, t'as pas le droit de te balader avec un t-shirt avec une feuille de canard, hein. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Moi, j'ai un ex comme ça qui s'est fait choper par les flics. Tu tombes sur des cons, au commissariat, ils ont gardé son t-shirt. Et en sortant du commissariat, du coup, il était torse nu. Il s'est refait arrêter par des flics parce qu'il était torse nu. Ah bah, c'est pas de chance, oui. Non, mais la journée de merde. Ouais, bah là, le mec, il était coulé 3 heures et il a plus le droit de porter ce t-shirt et tout. Gros bordel. 3 heures pour un t-shirt, moi, je trouve que ça sert à rien. Ah ouais. Faut mieux de te mettre 3 heures quand on me branle pas une, par exemple. Au moins, c'est utile de cette petite idée à bosser après l'histoire de fringues. C'est le retour d'une uniforme, nous dit Robert 3 Niro, 16 ans sur SMS. Ouais, t-shirt cannabis, c'est mal pris. Il y a déjà des bahuts où il y a l'uniforme. Et ouais. Et ils en reparlent, parce qu'ils ont rien d'autre à foutre que de nous parler de mettre des uniformes aux élèves. Et nous, on n'a pas le droit au jogging, on n'a pas le droit des capuches non plus. Sinon, on se fait baiser. C'est Foutreur, 16 ans, qui nous laisse un message. Pas de jogging, pas de capuche pour Foutreur. Nous, c'est jogging et jean troué aussi, c'est la même. Ah, jean troué, ils aiment pas non plus. Oh là, les jeans à trous. Ouais. Un jean un peu usé, il laisse, mais quand il y a vraiment un gros temps, oh là, dedans, il y a un trou. Non, mais c'est troué. Vous les mettez mal à l'aise. Vous les mettez mal à l'aise, les profs, en leur disant, oui, eh bien, oui, mon jean, il a des trous parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter d'autres jeans. Et là, regardez la gueule du prof, vous allez voir la tête qu'il va vous faire. Après, il va sentir mal. Excusez-moi. Oui, on n'a pas d'argent dans la famille pour acheter des jeans sans trous, c'est comme ça que ça marche. Bon, bah, très bien, je vais vous envoyer les assistantes sociales. Ah merde. T'es content, t'as la tasse et tout qui débarque chez toi. Ouais, ça fait plaisir. Merci Dylan du coup de fil, en tout cas. Ouais. Et puis bah, tu reviens quand tu veux, on salue tout le 29. Bravo à Aurore ce matin qui a gagné les 1500 euros. Et puis on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison d'Ilan, c'est parti. D'accord, merci. Salut à toi et tu reviens quand tu veux. Salut Dylan. Salut à tout le bahut, salut à tes potes. Comment il s'appelle ton bahut? Rue Magotte. Mais juste, est-ce que vous vous souvenez de moi? J'étais déjà passé à l'émission, à la Coupe d'Europe où il n'y avait pas d'ambiance là où j'étais. Ah, je me souviens qu'on avait suivi un match avec une ambiance de folie en Bretagne, mais c'était toi. C'était toi, l'ambiance de ouf. Eh oui. C'était le feu. Bah, salut Dylan, merci à toi. Ouais, salut. Ciao Dylan. Et passez-nous un coup de fil pour réagir à ce qu'on dit dans l'émission, puis à nous parler de tout ce que vous voulez dans un instant. Opération rencontre. Les rencontres après, après une drague virtuelle. Donc sur Smax, par exemple, sur tous les réseaux, on a la pub Mythique qui passe. Je sais pas, peut-être qu'ils sont allés sur Mythique. Mythique. Eh bien, vous allez pouvoir réagir pour Victor qui se demande comment ça va se passer demain. On aura Marina qui nous a contacté sur le snap de Skyrock, Skyrock FM. Moi je pense que le mec il a envie de baiser. Moi je pense aussi, mais on va voir avec Victoria. Salut Marina. Salut Marina. Marina, 21 ans dans le 95. On va demander aux mecs qui sont avec nous. Il y a Julien de Nice qui est là. Bonjour Julien. Ouais, salut. Oh, salut. Coucou. Julien, en voiture Julien. Ouais, j'y vais là. Eh ben c'est bien. Alors, Jérémy sera là aussi. Et ben, après Nice, on ira faire un petit tour à Toulon. Salut Jérémy. Salut Diffoult, la clique, ça va bien, la clique va bien ce soir. Salut. Toi, t'as fait plein de sites de rencontres, donc tu vas nous raconter. Julien, il a des conseils à donner à Victoria. Tu vois, Victoria, ils sont tous là pour toi. Et Marina, toi, t'as déjà. Tant mieux, c'est sympa, merci. Et Marina, elle a fait comme toi, elle a fait une rencontre sur Smax. C'est ça, hein, Marina? C'est ça, absolument. Contacté sur Snap pour une rencontre sur Smax. Eh bien, tu vas nous expliquer si ça s'est bien passé ou pas. Absolument, oui. La révélation et vos témoignages. A priori, ça a l'air d'être. Voilà, oui. Aïe, génial. Très mal. Bon, allez, on y revient avec Marina, avec vous, avec Jérémy, avec Julien, vos réactions aussi, tous les messages que vous avez laissés. Les rencontres sur le net et le premier bug à traduire ce soir pour gagner FIFA 17, c'est pour vous. C'est sur Skyrock, FIFA 17 a gagné. Oui. Un bug à traduire, bah c'est dans un instant, vous bougez pas sur Sky. La saga des places de concert continue sur Skyrock. Après Maître Gims, Soprano, c'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jules. Jules en concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jules en concert avec Skyrock. Et écoute Skyrock toute la journée. Et envoie roulette par SMS au 72020 pour gagner Jules en concert dans la ville de ton choix. Je suis fier de mon parcours, je suis pas le brigandé. 200 places de concert Jules sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock, premier sur le rap de Jules. 65 centimes plus coût du SMS. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Avant toute chose, question basique, qu'est-ce que le service civique, Monsieur Blanc? Comment nous l'expliquer le plus simplement possible? Le service civique, c'est une mission qui peut durer entre 6 et 12 mois, qui est effectuée par un jeune volontaire qui a entre 16 et 25 ans. Cette mission, elle doit porter sur un projet d'intérêt général. Elle peut se dérouler dans une administration, un établissement public, une collectivité locale ou une association. Pendant cette mission, il touche une indemnité de 577 € par mois et il a toute la couverture sociale. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. Travis Scott, le prodige du rap US. Découvrez son nouvel album featuring Kendrick Lamar, Kid Cudi, The Weeknd. Inclus Pick Up The Phone featuring Young Thug. Album déjà disponible. Hey, oh, tu m'entends de l'autre côté du poste? Fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça, ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Miniservice. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. Y'all know the name. Rock.

Alors, vous appelez pour Victoria qui a une rencontre demain. Donc, elle a rencontré un mec sur Smax. Elle voudrait des conseils. On a vos réactions qui arrivent. Vous tous en direct aussi pour tout le reste. Hein, si vous avez besoin de nous à n'importe quel moment, vous nous appelez. Vous nous laissez vos messages aussi au 41759 et sur l'appli Skyrock et sur le Skyrock.fm. Attention. Vous allez avec tous ces numéros également pouvoir gagner FIFA 17. On va vous l'offrir avec la traduction d'un bug de Romano dans un instant. Bon courage. Oui, bon courage à vous. L'équipe peut jouer également. FIFA 17, c'est pour tout le monde. C'est ça. Vous allez pouvoir traduire tout ça. Attention. Accrochez-vous. Et sur les fringues au bahut, vous êtes d'accord? Vous avez envie de vous habiller comme vous voulez si vous êtes au bahut. Et même ceux qui y sont plus sont d'accord. Hein, il faut. Ah ouais. Si on a envie d'y aller en jogging, on y va en jogging. Vaut mieux avoir un jogging. Bah, c'est vrai, ça, c'est bien vu ça. Vaut mieux avoir un jogging propre qu'un pantalon sale comme deux de mes profs. Mon prof de physique et mon prof de maths sont des gros crados. Ils puent. Eh bien, ça, c'est bien dit. Mais on a tous eu des profs qui puent, ça. Merci à Seb qui nous a envoyé son message. Et des amis qui puent aussi. Également, nous avons des amis qui puent. Salut les filles. Ce qui nous empêche pas de les aimer quand même. Eh oui, bonjour les filles. Salut notre ami qui pue. J'ai même eu répondre kikou les boys and girls. Oh, c'est gentil. Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Bon, vous êtes prêts? Oui. Allez, on commence par les rencontres et juste après on fait le bug, d'accord? Allez, c'est parti. Et on a du PNL à écouter aussi qui arrive. PNL, ils arrivent tous les deux. On écoutera Na et du Designer et du Sadek et du Gradur et du Daft Punk et The Weeknd. Tout ça avant minuit. Sur Skyrock ce soir, c'est pas beau ça, Julien? Ouais. C'est magnifique. Hein, Jérémy, c'est pas beau ça? Ah nickel. Ah oui, t'étais à Toulon, c'est pour ça qu'il y a un peu l'accent de nickel. Là. Complètement, c'est ça. Alors, bon, on est à Nice, on n'est pas très loin non plus avec Julien, donc toi t'es à Toulon et puis Marina, elle est dans le 95, c'est bien ça? C'est ça. Et Victoria, elle est dans le 13 et demain Victoria, t'as rendez-vous avec un mec. Tu le rencontres à quelle heure? Tu le vois où? On nous a demandé à Marseille. Il y en a qui veulent venir à votre rencontre pour assister à tout ça, dis donc, tiens. Tu le vois où, Marina? À Marseille. Et tu le vois où? Mais j'habite à Marseille, j'habite à Arles. Ah ouais, excusez-moi, donc tu le vois à Arles. Ah oui. Bon, on reste dans le 13. Le vois à Arles. D'accord, donc à Arles. Et Arles. Alors, comment ça s'est passé vos rencontres? On est galant, on va commencer par Julien, tiens. Ah bah ouais, c'est vachement galant. Ouais. Julien, ouais, tout à fait. Non, parce que t'as des conseils pour Victoria, toi, Julien. Ouais. En fait, parle bien dans ton téléphone parce que t'entends quand même super mal, Juju. Ouais, ben je suis sur la route en fait. Là, j'y vais. Donc c'est pour ça. Mais moi, en fait, je suis célibataire depuis un mois à peu près. Mmh. Et du coup, je me suis inscrit là-dessus et. Tu traînes sur Smax. Enfin, franchement, là, non, pas sur Smax, sur Tinder. Sur Tinder, ok, pareil. Ouais. Et Smax, c'est un peu mieux. Franchement, il y a bon, t'as un peu de tout. Hein, t'as des filles qui se disperment, qui veulent pas de relations sérieuses ou autres. Ouais, là tu mais les, tu non mais attends, elles veulent pas relations sérieuses, mais c'est très bien ça, non? Non, ouais, toi, mais franchement, ouais, faut pas se leurrer, on est là-dessus, c'est pour s'amuser, c'est pas pour l'amour. Après, bah elles veulent pas des relations sérieuses, donc elles veulent se faire niquer les meufs. Ah oui. Ouais, c'est ça, après... Bah nique les. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, c'est ce qu'il fait, non, ouais, non, très bien, ok. Non, bah. Non, mais parce que tu dis ça, t'as l'air au bout du bureau, du rouleau. Alors que Romano, il est d'explique. Non, mais c'est par rapport à ce qu'elle a comme attente. Après, on sait pas trop si jamais elle veut vraiment retrouver quelqu'un. Non, mais je pense que moi, le mec, il a envie de baiser, moi. Ouais, pareil, ouais. Moi, je suis. Allez, les mecs, dites franchement, parce qu'on peut tous dire entre nous, c'est quand vous allez sur ces sites, quand vous allez sur ces applis, est-ce que vous y allez pour trouver l'amour de votre vie ou alors pour vous vider les couilles? Dites-le franchement, hein. 41759, skyrock.fm, on attend vos réponses. Tous les mecs qui sont allés sur des applis, on a besoin de vous, vos réactions tout de suite. Grand sondage express qu'on lance. Je fais un petit tour de table d'ailleurs. Romano, toi, quand t'allais sur les applis ou sur des réseaux téléphoniques ou des trucs virtuels, est-ce que tu y allais pour trouver l'amour avec Mamouta ou alors pour faire l'amour à Mamouta étant donné qu'elle avait un corps si beau? Ouais, quoi, faire l'amour, baiser quoi. Oui. Non, mais c'était pour baiser. Bah ouais, moi pour je sais pas. Bah ouais, tu vas pour Ken à la base. Non, mais après tu peux tomber amoureux. Oui, non mais au début. Non mais l'histoire peut se créer par la suite, mais au départ tu vas pour Ken. Ouais. Camille, j'ai rencontré mon copain sur Smax et maintenant ça fait plus de 6 mois qu'on est ensemble. Comme quoi. Ah bah tu vois, il y a une vraie histoire. On sait jamais. Ouais, mais t'as peut-être bien Ken au début quoi. Je sais pas, Camille, envoie-nous un autre message, on a besoin de compléments. J'espère quand même qu'il t'aide bien aussi maintenant. Romano a besoin de compléments, il veut en savoir un petit peu plus. Non mais savoir si ça a démarré sur du cul ou si ça a démarré genre histoire d'amour dès le début quoi. Il y a une histoire d'amour qui est née sur Periscope et ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble, c'est passé par hasard. Je sais plus qui m'a envoyé le message tout à l'heure. Ah ouais. Ouais, mais, si c'est Carpe Diem Elise. Salut Carpe Diem Elise, on te fait un bisou. Karim, toi, quand tu traînes sur des réseaux, c'est pour du cul ou pour l'amour de ta vie? Ah moi c'est pour Ken, moi gros. C'est pour Ken, d'accord. Première étape, faut que je la Ken. D'accord. Après, faut que je la requenne. Et après? Et après, je la requenne encore. Encore, et voilà. Samy, toi, c'est quoi? Bah, c'est uniquement pour Ken. D'accord, les mecs sont francs, hein. Julien, réponds franchement. Ah, moi, c'est pour Ken. D'accord. Allez. Jérémy, réponds franchement, Jérémy. Ben, moi, c'était pour Ken, et un jour, j'ai trouvé un peu l'amour entre parenthèses, on va dire. On a une jolie photo aussi. Et là, on va et là, le couple qui s'est rencontré, comme ils sont mignons. C'est Matt, ils se sont rencontrés sur Adopte un mec. Adopte un mec. Et ça dure depuis 4 ans. Et ben, tu l'as bien adopté. Tu l'as adopté, ton mec. Elle ne doit pas se prendre la tête pour sa rencontre. Oui, c'est vrai, Victoria. Et Victoria, toi, t'y allais, c'est pour trouver l'amour de ta vie ou pour Ouais, ben, justement, j'ai une question pour tous les mecs qui disent, je viens ici pour Ken. Mais combien de râteaux ils se sont pris, en fait? C'est ça beaucoup. En fait, c'est parce que Jérémy, c'est parce qu'il n'y a pas toutes les filles qui veulent Ken. Peut-être les garçons ils viennent ici pour, mais les filles, on verra, non, on verra, on sait jamais. Certaines, oui, mais enfin, la plupart, enfin moi. Non, en fait, voilà. Donc, on va voir avec notre sondage express dans un instant si les mecs sont comme ça ou si seulement bah, ceux qui ont répondu à la question, c'est-à-dire Romano, Karim, Samy, Julien et Jérémy, sont des obsédés 100% du sexe. Quoi. On verra. Moi, j'y vais pas sur ces sites parce que l'amour est déjà présent dans ma vie. Ah, c'est beau. L'amour, il fera pas sa porte tous les jours, Ouais, tous les jours, il y a des meufs. Non, mais je suis comme un con. Je me suis inscrit sur Periscope. Je vais sur Péri, mais je m'appelle Difool. Et donc, forcément, chaque fois que je vais quelque part, chaque fois que je débarque, Difool, Difool. Donc, impossible de serrer. Logique. Marina, tiens, on lui a pas demandé. Appelle-toi beau gosse du 9-2, quoi. Ou c'est du 4-2 même, du 4-2. Ah ouais. Beau gosse de Roche-la-Molière. Beau gosse de Saint-Chamond. Pas mal comme pseudo. Merci Romano, je me rappelle à toi si j'ai besoin d'un petit blaze comme ça. Béjit Saint-Chamond. J'ai besoin d'un name. Non, mais n'hésite pas. Ouais, ouais. Marina, toi, quand tu y allais, c'était pour trouver l'amour? C'était pour tirer un coup? C'était pour quoi? C'était pour rien de tout ça. C'était juste pour discuter. Puis finalement, j'ai trouvé l'amour de ma vie, en fait. Ah ouais, donc moi je pensais que ça s'était mal passé ton histoire, mais elle s'est pas mal passée du tout. Ah non, du tout. Non, mais à la base, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble maintenant. À la base, c'était du cul, non? Non. Romano, t'es obsédé par la ah ouais, par la chatte et la bite. Tu veux que baiser, Romano? Ouais, Romano, c'est ça. Non, mais il est chaud ce soir, il est chaud. On a tous dit la même chose. Tu t'es pas branlé aujourd'hui? Non. Eh ben c'est peut-être ça. Ah, t'as vu, tu l'as senti. Il est tout excité. Je vais peut-être me branler là, tiens. Non, mais quand il se branle pas, il est tout excité. Ouais, non, je le connais un petit peu. Je sais comment il fonctionne, là. Non, mais les sites de rencontres, hein, je pensais que ça avait démarré, comme on disait tout à l'heure, des fois, ça peut démarrer par du cul et déboucher sur une histoire d'amour. Ouais. Et toi, histoire d'amour, mais donc sur Smax aussi, hein, toi, Marina? Oui, c'est ça. Et depuis 2 ans, t'es avec lui. Et depuis 2 ans, c'est l'amour fou entre vous. C'est ça, absolument. C'est mignon. Ouais. Très bien. Et donc toi, t'as 21 ans. Lui, il était là pour baiser, comme tous les mecs qu'on a eu depuis tout à l'heure, ou il était non plus. Non, lui, il était là pour trouver l'amour, en fait. Oh. Bah vous êtes bien trouvé. Il a voulu te ken. Le mec est doué. Ah, il est fort. Non, mais respect, il est fort. Ouais. Respect. Tiens, il y a Ophélie aussi qui est avec nous, qui a 25 ans, qui est dans le 60. Salut Ophélie. Salut l'équipe. Salut à toi. Et donc toi, tu es allé sur, un site et tu as. Bah, moi j'ai. Bonne ou mauvaise surprise. Il y a 2 ans et demi, je me suis inscrite sur le site Badou. Badou. Et après une séparation de 6 ans, et en fait, depuis 2 ans et demi, c'est rencontre sur rencontre, mais j'ai dû rester une fois avec un mec de 2 mois et demi. Quoi, ah, juste ticket, toi. Ah, c'est c'était que ça, sinon. Olé. Ah ouais, bravo, ça s'envoie du large. Mais genre, tu t'en es tapé combien En tout? En douzaine. Ouais, allez. Franchement, une quinzaine de rencontres. Ah oh, ah ouais, quand même. On salue tous tes ex qui nous écoutent. Il y en a au moins 15 là déjà. Ah non, mais je suis pas sortie avec, j'ai rien fait, mais bon. Ouais, juste Ken. T'as rencontré 15? Non, même pas. T'as même paniqué avec? Ah pas non, bah on reprend nos applaudissements. Ah ouais, Et est-ce que t'es déjà tombé sur des rencontres un petit peu bizarres avec des mecs un petit peu chelous qui t'ont fait flipper? Ah ouais, c'est une surprise. Absolument, oui. Ou que t'as trouvé très très vilain, ou qui ressemblait pas à la photo, je sais pas. Une fois. Tu vas une fois, le mec, ouais, il était un peu. Absolument. Il ressemblait pas trop à la photo, mais non, les autres, non, c'était. C'était en vrai. Mais imaginez les filles, vous avez une rencontre et. Salut les filles. Il arrive. Ouh. Ah merde. mais quand tu dis t'as paniqué, mais t'as fait quoi avec eux? Bah, on allait au resto, on faisait des ciné. Ah, c'est sûr que ça me faisait sortir, hein. Ça me faisait payer des restos, des ciné, mais voilà, après. Mais c'est quoi, t'as mis chelonné en fait? J'espère qu'ils t'ont invité, oui. Ouais, j'ai gratté des restos et des ciné. C'était le seul positif de la soirée. Mais toi, t'as jamais flippé avant un rendez-vous? Je faisais toujours en. Oui, il y avait du monde en fait. Ouais, mais ça c'est bien, c'est des bons conseils. Victoria, il faut que le mec tu le rencontres dans un lieu public. Hein. C'est ah ouais. Genre, ouais, genre il t'emmène pas au fond des bois avec sa bagnole quoi. Oui, alors je te donne rendez-vous au fond du parking de l'usine désaffectée qui se trouve dans la zone industrielle désaffectée également. Ouais. Très horrible. Non, non, mais bon, c'est jamais, tu vois. Après, on jamais. Ira dans une carrière. Mais les mecs. Et dans une cave. Ouais. Tiens, Jérémy et Julien, vous qui êtes des professionnels des réseaux. Mais tu sais, les meufs, il y a des putes, non? Quoi, mais des vraies putes. Ouais. Ben, moi, j'ai rencontré une cougar, on va dire. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment. Ouais, mais t'as pas demandé deux ailes, quoi. Non, en fait, c'est passé que pendant une semaine, elle m'a chauffé, en fait. La cougar. Ben, beau visage, tout ça, quoi. Et le jour, pour aller la voir, le soir, quoi, elle faisait un mètre de moins de taille et un mètre de large de plus, quoi. Ah, c'était trompé. Il y avait un problème sur les, c'était trompé dans les sur mesures. La prise des mesures. Oui, il y avait un petit souci. Elle avait menti sur sa taille et son poids, quoi. Donc, comme voilà. Mamouta avec Romano. Bah non, moi Mamouta, elle avait oublié quand même des gros détails. Des gros détails. Elle avait oublié qu'elle faisait 1m90 pour une fille. C'est vrai que c'est étonnant, mais de haut et de large aussi. Ouais, c'est ça, ouais. 1m90, t'as un carré la meuf. J'étais un peu surpris quoi. Et surtout, vous connaissez Romano, 1m54, vous imaginez Romano avec une meuf d'1m90. Ah ouais. Non mais à vrai dire, je m'attendais pas du tout à ça. Mais t'as dû halluciner quand tu l'as vu, non? Ah non, mais je me suis dit alors. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bah, en fait, je me remets-toi, suis dit. Remets-toi dans la situation. J'étais en scooter, je lui avais donné rendez-vous sur un espèce de rond-point où il y avait un McDo. Je lui avais dit, tu te mets là. Et là, je passe en scooter, tu vois, j'avais donné là pour pouvoir passer sans qu'elle me voie. Plusieurs tours. Et tu sais, je ouais, passe. Au cas où, ouais. Et je la vois, et dans ma tête, je lui dis, oh non, putain, c'est pas ça, quoi. Déception. C'est pas ça. Putain, je fais, oh non. Mais t'en, là, avais deux, t'en avais deux pour le prix d'une. Ouais. À la taille et au poids. Ah bah là, j'avais l'impression d'être en partout avec elle. Oh non, mais, et là je fais un deuxième tour, je fais un an, c'est chaud. Et là je t'as bite, t'as rattrapé, deuxième là. Tour et demi, peut-être troisième tour, je dis ouais vas-y je m'en fous, je vais la ken. Je vais ken. C'était un peu, comme, fait, t'étais un peu comme aujourd'hui, t'étais surexcité partout. Tu t'es chauffé en trois tours de rond-point, quoi. Ah, c'est ça. Ouais. Non, mais je me suis dit, ouais, tour, allez, vas-y. Laisse tomber. Ah, non, mais je me suis dit, ouais, laisse tomber. Deuxième, tu te montres quand même, hein. Non, deuxième, je me suis dit, non, laisse tomber. Troisième, ou je t'ai dit deux tours et demi, trois. Je me suis dit, ouais, vas-y, tant pis, je vais la ken. Allez. Je pense. Genre, je me sacrifie, quoi. Quel sacrifice, ah ouais. Bravo, t'es trop bon. Pour la nation. Ouais. Pour ta bite, ouais. Les filles, Ophélie, Marina et Victoria, écoutez bien. Voici les résultats du sondage que j'ai lancé il y a un instant. Merci pour tous les votes, les gars. On a demandé aux gars, quand vous allez sur des sites, vous y allez pour trouver l'amour ou alors pour niquer? D'après vous, ils ont répondu quoi? Bah, pour niquer. Pour niquer. Alors, à combien de pourcents? Je sais pas. 80. Pas mal. 70. Pas mal. Qui c'est qui a dit 80? C'est moi. Marina, tu as dit 80, c'est 82%. Ah, bien joué. Ouais. 82% des mecs qui sont sur les sites de rencontres, il y en a qui y sont d'ailleurs actuellement. Hein. Ah, je suis pas surpris. Hein. Je suis en train de ferrer, nous dit Antoine, là, pour l'instant. Bah, faire. 82% pour niquer, 18% pour trouver l'amour de la vie. Bip, bip. Ah, beau bip, bip. Vous êtes contents, les gars? Vous êtes majoritaires. Vous avez vu, Jérémy, Julien, pas mal, hein. Parfait, mais c'est normal. Parfait. Est-ce que vous avez un petit conseil pour Victoria là, avant sa rencontre de demain, Ophélie, Marina, Jérémy, Julien ou les autres? D'ailleurs, vous qui nous écoutez, vous envoyez vos messages. Petit conseil. Prends des capotes. Ça, c'est pas mal, ça. Prendre des capotes, on sait jamais. Tu prends les capotes, Victoria. Conseil de Romano, peut-être Victoria d'y aller, mais de lui donner rendez-vous là où il y a plein de monde. Ça, c'est le conseil que j'ai donné il y a 5 minutes, vous avez rappelé. Non, ouais, c'est pas toi qui l'a donné, non. Mais si, j'ai dit endroit public, tout ça. Ah ouais, genre. Donc, non, c'est Maria qui l'a dit. Non, oui. On sait jamais si Ophélie, c'est un pervers. Bah, non, qu'elle se fait payer un resto aussi, ça serait bien. Ah, ça c'est la méthode d'Ophélie. En fait, Ophélie, elle est sur les réseaux pour se faire payer à bouffer, elle. Ah bah, à fond. Eh, tant qu'à faire. Bah, pas le choix. Romano, tu serais une fille, tu ferais la même chose. Ouais, mais ça fait un peu michto quand même. Bah, t'en auras rien à foutre. Non, mais j'y suis plus sur Badou, donc c'est bon. Tu finis Badou. Non mais est-ce que quand même tu passais une bonne soirée ou vraiment genre les mecs c'était tu pouvais pas ils t'attiraient mais pas du tout mais t'y allais juste parce qu'ils payaient bouffer. Ah non, il y en a certains en fait, en vrai c'était pas du tout ça quoi, donc en fait ils parlaient pas de la soirée, donc je dis bon vas-y laisse tomber. Bon bah moi j'ai bouffé pendant ce temps. Oh, mais c'est naze. Tiens, il y a Dios qui est étonné, il dit je suis sur Smack, c'est un mec, il a 18 ans et je galère pour trouver et pourtant là on m'a smaxé. C'est l'effet Skyrock. Ouais, c'est ça, direct. Ouais, putain, ouais. Grâce à Smax, je vais me marier. Ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble. Le canapé de luxe de Romano, elle s'appelle comme ça, et elle a 22 ans, et à 18 ans, elle a trouvé quelqu'un, et là, elle va se marier avec. C'est mignon, hein. Moi, j'y vais pour trouver l'amour, nous dit Momo. Il y a quand même des gars qui sont, Non, mais il y a plein de couples qui se forment sur les réseaux. Ouais, bah, je suis persuadé qu'à la base, en tout cas, des côtés des mecs, bon, de toute façon, le sondage parle, c'est que souvent, ça démarre par un truc de cul. Ouais, échange de cul, ouais. C'est la bite, la bite qui nous dirige. Hein. Ouais, on est d'accord tous. Mais d'ailleurs, je pense que Marina, bon, le mec, évidemment, maintenant il est amoureux de toi, il va pas te le dire, mais je pense qu'à la base, c'était sans doute pour du cul aussi. Bah oui, il voulait juste Ken, lui. Mais c'est bien. Non, non, mais il me l'a confirmé parce qu'il vous écoute et il m'a dit non, non, c'est pas vrai du tout. Non, non, chercher l'amour. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Écoute pas. Il y en a qui cherchent l'amour. Grâce à Smax, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Encore, putain, mais Smax. Kevin, histoire de 2 ans grâce à Skyrock. 22 ans, Kevin. Super. Moi, j'y trouvais que des cassos, mais parfois, elles me sucent. Et c'est déjà pas mal. Bah, c'est mieux que rien. Hein, bonjour, Mo. M-O-H. Salut, Mo. Bienvenue à toi, Mo. Bon, ouais. Écoute, c'est déjà ça. Tu vois, il y a Gabi qui va pour trouver l'amour, mais il a toujours pas trouvé. Il dit. Ah, ouais, mais tiens. Vas-y, baiser, tu vas voir. Baiser, tu vas peut-être plus facilement. Tu verras, tu vas trouver. Bon, petit conseil, un dernier petit conseil, Ophélie, peut-être, non? Tu t'es payé à bouffer, t'avais dit, toi, ici. Marina, peut-être un petit conseil, un dernier? Moi, je sais que... Bah, vas-y, vas-y. Pour la première rencontre, j'avais ma meilleure amie qui était dans le coin, qui était venue avec nous. Ah, okay. Mais avoir une amie pas loin, au cas où. Oui. Ça peut toujours servir. Sinon, je peux aussi demander à une copine de téléphoner, tu vois. Tu lui dis, bah, appelle-moi dans une heure, comme ça, je vois s'il y a moins que je m'échappe. Tu sais, ça te fait un plan, genre, putain, attends, il y a ma pote qui m'appelle, elle va pas bien, je dois te laisser. Enfin, ah, au cas où, Ouais, mais un réveil, faut que ça fasse. Moi, je serais toi, tu vois, déjà. Moi, je suis un peu parano, hein. Mais Victoria, moi, je monterais pas dans la voiture du mec, moi. Non, allez boire un coup. Ah, Victoria, la voiture. Depuis qu'on a lu le message tout à l'heure où ça a baisé le premier soir dans la voiture, attention. Hein. Non, mais c'est vrai. Une fois que t'es dans la voiture, le mec quelque part ici, tu sais, il bloque les portes, il peut t'emmener n'importe où. Ah non, hein. Mais c'est clair. Oh, ma voiture est coincée, les portes sont bloquées. Non, bah, tu sais, ouais. Et t'imagines, il t'emmène dans un endroit glauque. Non, vaut mieux, ouais, pour boire un verre en terrasse. Tu lui dis, ouais, voilà, on se donne rendez-vous dans un bar. Le mec garde sa bagnole, t'as pas à prendre la bagnole avec lui. C'est vrai, faut faire attention. Et les gars, donc j'ai bien retenu le conseil, mettre des capotes. Ouais. Prévoir les capotes. Et les prendre, ouais. Ça peut servir. Ah, tu laisses dépasser du sac, comme ça le mec il s'est direct. Ah bah super. Bon, merci Jérém. C'est quoi le meilleur site de rencontre pour toi, Jérém? Toi qui en as fait plein. Moi j'ai fait le meilleur, c'était Badoo. Après, Lovo et Tinder, ça marche bien aussi. Très bien. Le Julien, le meilleur site de rencontre pour toi? Lovo, c'est celui de Cédric. Tinder. Le Tinder. Tinder. Ah, Tinder. C'est, au moins, c'est, les filles, elles sont plus jolies là-dessus. Les sur Badoo, il y a que des cassos. D'accord. Voilà, bah, c'est sympa. Big up à toutes celles qui sont inscrites sur Badoo. Bonjour les filles de Badoo. C'est cool. Vous avez une petite dédicace de la Côte d'Azur, là. Pas mal. Bon, merci Juju. Merci Jérém. Ouais, ciao les filles. On vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Merci les filles aussi. Merci. Allez, Marina. Gros bisous, Marina. Bonne soirée. Et t-shirt Skyrock qui va être magnifique avec. Salut les filles. Tu changeras ta photo de profil. Salut les filles, oui. Salut les filles. Salut à toi aussi, Ophélie. On te fait de gros bisous. Merci, moi aussi, je vous fais gros bisous. Bonne soirée. Victoria, demain, on prend des nouvelles. Où tu nous racontes, où on raconte comment ça s'est passé. C'est à quelle heure ta rencontre? D'accord. J'ai rendez-vous à 15h. Ah bah 15h, bah 21h on se... Bah vas-y, on t'appellera demain soir. Tu seras peut-être coincé dans sa voiture demain à 21h encore. Oui, libérez-moi. Ah merde. Aidez-moi les gars. Libérez-moi. Bisous bah, Victoria, bon courage pour demain. D'accord, merci. Et tu vas voir, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Merci. Salut à toi, ciao. Ah tiens, en parlant de fringues et des t-shirts Skyrock, on va te l'envoyer aussi à toi, Victoria, t-shirt Skyrock à Arles. Les t-shirts Skyrock sont interdits dans certains bahuts. Dis-nous où. C'est sympa. XRW Gaming YT qui nous envoie le message. Skyrock donne des t-shirts, mais on n'a pas le droit de les porter en cours, les t-shirts Skyrock. Mais ils sont graves. Pourquoi? Bah, c'est les bahuts, on en parlait tout à l'heure. Les bahuts, ils sont... Non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien sur les t-shirts. Dessus, ouais. Tu sais, il n'y a pas une bite dessinée en plein milieu. Et puis on va en faire un avec une bite le prochain, tiens. Mais non, parce que tout à l'heure on parlait des t-shirts avec les seins et tout, bon. Oui, mais des t-shirts avec du canard dessus aussi. Ou Legalize It, par exemple, écrit dessus. Oui, il y a des logos, tout ça, c'est pas, y a rien de vulgaire. Ouais, hein. C'est rien de. Et ouais, mais dans le bahut ça passe pas. Merci ouais, de. Skyrock, un pote chez nous, monsieur. Merci de ton message. Et c'est mieux d'être une fille pour draguer. Une fois, je me suis fait passer pour une fille, nous dit Jason. Et ça a super marché. J'ai plus de 100 mecs qui m'ont contacté. J'ai bien rigolé quand je leur ai dit que j'étais un mec. Ah, ah, ah, ah. Ça doit vénère, ça. T'es un mec, tu dragues une meuf, elle t'envoie une petite photo, mais c'est pas la sienne, évidemment. Oui, parce que c'est forcément, un mec. Ouais. Et là, tu te dis, waouh, elle est trop mignonne. Et au bout d'une heure, t'as discuté pendant une heure avec la meuf, et elle te dit, eh ben, je suis un mec. Ouais, je suis un cum. Et ah ouais, t'as les nerfs. Et je me suis bien branlé sur ta gueule. Ah ouais. Là, t'es dégoûté. Ouais, je pense. Surtout si tu lui as envoyé des photos en plus à la meuf. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Bon, allez, on y va pour la suite. Il y a Manu W, lui, dans son bahut, là, il y a 14 ans, les t-shirts avec un dessin animé sont interdits dans mon bahut. Ah putain. Genre tu mets Mickey, t'as pas le droit. Mais où va la liberté? Où va la France, comme dirait notre ami Gilles Verdez? J'ai mal à ma France. J'ai mal à ma France. Ah, Mais ça, il le dit plus, ce con. Mais alors, Gilles Verdez, redit, j'ai mal à ma France. Ah, il s'engueule avec la mamie, là, Maureen Ibos. Ah, il s'engueule. Ah ouais, ouais, il lui dit, ta gueule. Mais il se traite comme ça. Il lui dit, ta gueule. Elle gueule aussi. Ah ouais, mais lui, elle aussi, elle lui dit, ta gueule, la vieille. Ta gueule, tu dis n'importe quoi. Il s'embrouille, quoi. J'ai mal à ma France. Ouais, ta gueule, Gilles. Voilà, ta gueule. PNL arrive, mais tout de suite, voici le bug à traduire. C'est l'heure de traduire ton bug, Romano. Ouais, pour gagner un FIFA 17. FIFA 17 à gagner. Aujourd'hui, on vous l'offre avec la traduction du bug de Romano. Je sais, c'est pas facile, mais soyez plus fort que le défi que je vous donne maintenant. Ça se mérite, FIFA. C'est exactement ça. Ouais. Ça se mérite. FIFA 17 à gagner et ce bug à traduire. Écoutez bien. Mais Est-ce que vous avez compris? Putain, c'est balèze là, non? C'est ni oui ni non. Non. Alors, écoutez. Mais elle a un mognon. Elle a un mognon. Ouais, non, c'est pas ça. Vrai, c'est ça. Ouais, ouais, mais c'est pas ça. Elle a un mognon et tu parlais de Pamela avec ses trois doigts. Mais oui. Par main, bien sûr. Bien sûr, quand même. Ça fait six doigts sur les deux mains et 12 avec les pieds, comme je vous disais. Donc, qu'est-ce que veut dire ça? Mais elle a un mognon. Alors, il y a soit elle. Alors, je lis les messages. Tiens, les messages que vous envoyez, vous allez donc au 41759 et sur l'appli. Le premier qui trouve, la première qui trouve, gagne FIFA 17. Samy, tu me dis, parce que moi j'ai pas la réponse Putain, mais c'est dur, non? Soit il a, qui nous dit, elle a 18 ans, soit il a, elle est dans le 37, et elle nous dit, mais il est mignon. Mais elle est mignon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Elle a un mini-oignon, nous dit-moi, Ligue de Plose. Elle a quoi? Un mini-oignon. C'est bizarre. Ska Skyrock nous fait, mais elle est nue. Non, c'est pas ça. Alia disait la même chose, mais elle est nue, c'est pas ça. Ni oui ni non pour John McCoy. Il y a Jirawa qui dit elle a une nounou. Elle est nounou. Mais elle est nounou. Grenichon, elle a mangé un oignon. Ah. Non, c'est pas les oignons, c'est pas les rognons, on me dit aussi. Ouais, c'est pas les mognons non plus. J'avais justement trouvé les nichons, elle a des grenichons. Non. Elle a pas de nichon également pour Kopocha. Il y a Lucas aussi, elle a un nichon. Elle a un seul nichon. Oh, la pauvre. Ouais, oui. Un nichon au milieu, comme ça. Elle a un saucisson, c'est pas ça. Mais est-ce que ça finit en on? Elle a un bouton. Non, ça finit pas en on. Ah, bah, aucun. Pas de chance. Parce que là, vous terminez tout par on. Elle a de mauvais goût, Marie me dit, c'est pas ça, Marie. Elle a de mauvais goût, Marie, non, c'est pas ça. Marie, mais qu'est-ce que tu fais? Elle écrit des papiers. Je le note au cas où si je trouve. J'écris. Parce qu'après, j'oublie ma réponse. Elle oublie, en fait. Voilà. Vous savez, au bout de deux secondes, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est terrible, ça. C'est un miracle, je trouve. Vous êtes qui, vous, monsieur? Vous êtes chauve? Je m'appelle Cédric le Belge. Très bien. Vous êtes Patrick le Belge. C'est ça, exactement, c'est moi. Voilà. Elle a un chignon, non? Chignon, c'est ça. Mognon, chignon, ourson. Elle a l'anus tout mouillé. Ça, c'est original. Tu vois, c'est pas ça. C'est pas un truc en once. La passe coupante 70, elle mouillou. El Mouyou. Non, c'est pas El Mouyou. C'est pas con, El Mouyou. C'est vrai. Elle est mignonne, nous dit tout simplement Momo. Non, c'est pas ça. Elle est grognon. On mange un filet mignon pour Anna. Non plus. Marie, mange mon pognon. Romano aurait pu dire ça, ouais. Mais il lui donne rien, donc non, c'est clair. Elle a des gros tétons. Mais ça finit pas en haut. C'est vrai, vous galérez un peu. Elle a un morpho. Ouais, c'est pas en haut. Peut-être vous donner un indice. Tiens, bon, vous avez une idée, vous nous laissez vos messages. Bah, ça défile, regarde déjà tous les messages qui arrivent. Ouais. Elle est toute nue, nous dit Aliane. Et dites-nous si vous avez une. J'ai l'air d'un con. Une idée. Dans l'équipe, Romano, tu proposes quoi alors? Putain, mais j'ai rien à dire. Oh, bah t'as rien à dire pour une fois, c'est rare ça, dites donc. Karim, rien? T'es un peu. Non. Marie, rien. Elle a écrit à Doctissimo. Hein? Putain, Romano, t'es pas loin. Ah ouais? Ah ouais, t'es vraiment. Ah putain, mais dis-tu sens mais ça, comme toi. Ça. Ah ouais? Tu mériterais un peu plus qu'elle a écrit un porno dépendance. Non. Bon, bah, cherchez. Un indice, Romano, c'est pas mal. Cherchez, trouvez, indice, ce qu'a dit Romano, putain. Ça peut vous aider. Je sais pas, vous avez vu comme ça. Vous envoyez ça tout de suite. Génie, super. Vous envoyez ça et juste après PNL, j'espère qu'on aura le gagnant ou la gagnante. Allez-y, proposez au 41759 sur l'appli Skyrock. C'est gratuit, téléchargez l'appli, envoyez-nous vos messages. Et avec le Skyrock.fm, le temps d'écouter PNL. Et on a le gagnant ou la gagnante, on espère en tout cas. J'espère que vous allez trouver cette histoire-là. C'est ça qu'il faut traduire. Mais Et voilà, une idée, vous nous faites signe. Et juste après PNL, on en reparle et on vous donne la réponse. PNL, c'est Nas sur Sky. The Morning Show. Dans le Morning de Default sur Skyrock, on t'offre 1500 euros toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Et ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné, Fabien. Ouais, Fabien. Bravo, Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une supérette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. Vous me donnez 200 euros, on n'en parle plus. Eh ben tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle moi. On se fait de nouveaux amis. C'est soprano. C'est qui le soprano? Soprambaba. Non mais vous êtes un des

qu'on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non, non. Ok, je m'en balais. Je crame une clope dans la. C'est pas ce. Vois ma. Je suis pas à moi. Le Yankee veut ça. En menotte dans la. Au palais, je sens la. Je rappe que pour la. La street ça pue là. Je vois le monde, je vois ça. En poster, j'ai là. Tu crois, je veux le. Et tout ce qu'il y a de. Sa mère là, AMD. Je suis totalement paix. PNL, et tout le monde écoute ça avec le casque à fond, c'est cool. C'est PNL sur Skyrock, on écoute Na. Difool, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Ah, puis j'ai une surprise pour l'équipe aussi, il faut que je vous en parle. Là, la grande surprise ah d'ici ouais, vrai, vendredi, ouais. Une surprise qui va faire plaisir à toute pour l'équipe. Pour Samy, t'as dit, gros. Pour Samy en particulier, oui. Et tu sais pas ce que c'est la surprise. Non, mais comme vendredi, Soprano cette semaine, vendredi, Planète Rap, peut-être tu vas y aller. C'est un rapport, c'est un rapport. Ah, peut-être que tu vas y aller, gros, au Vélodrome. Non, mais je suis sûr, il y a un truc avec Soprano. Oui, Soprano est l'invité de Planète Rap, 20h-21h, toute cette semaine, pour son album L'Everest. Sopra est là, dans les studios de Skyrock, jusqu'à jeudi et vendredi, il fait l'émission en direct de Marseille. Ouais, au stade Vélodrome. En direct du stade Vélodrome qui sert rien que pour eux, pour Soprano, pour Fred, pour Planète Rap, pour Sky. Moi je pense que c'est un truc pas agréable pour Samy. Non, c'est pas ça. Ah, si. Pourquoi tu dis ça, Marie? Surprise, Samy, toute l'équipe. Je pense plutôt à des piqûres, un truc dans le genre. Bravo, Marie, c'est bravo. Bravo, Marie, elle est géniale. Ouais, elle est géniale, Marie. La grippe, le vaccin contre la grippe. C'est pas maintenant la grippe. Si, il est arrivé. Si, ça y est, c'est maintenant. J'ai reçu le papier, moi. Ouais, on a reçu les papiers. Ouais, mais laisse les gens un peu le tester, on sait jamais. Eh bien, non. D'ici vendredi. On se fait piquer. Alors attends, faut... mais il est. Ouais. Je mène pas parce que moi j'ai su le papier, j'ai même pas carté la date. Ah, il est pas dispo. Il est plus dispo, c'est la rupture de stock. Si, c'est maintenant. Faut se vacciner. Il faut se vacciner contre la grippe. Donc, 9 vaccins contre la grippe, ce sera dans la semaine avant vendredi. Donc, peut-être demain, ça m'est surprise. On verra, tranquille. Si tu nous vois arriver avec des aiguilles, hein. Ou alors jeudi. Je suis pas là, alors. Ou peut-être jeudi, je suis pas là. Ou alors vendredi. Ou peut-être je suis pas là. Voilà. Jeudi, vendredi. Je vais demain. Faire comme Cédric, je vais me péter la clavicule. Ah, vas-y. Je vais rester chez moi pendant un mois. Donc, hop, je suis tranquille. Donc, on vaccine l'équipe contre la grippe et on lance notre appel aux infirmières, aux infirmiers, aux étudiants infirmières, étudiants non, infirmiers. Non, pas d'étudiants. Voilà, tu veux pas d'étudiants? Non, un peu. Ouais, on préfère autant des gens compétents. Non, une fois, je me suis fait piquer par une étudiante, gros. J'avais un hématome sur le cul ou sur l'épaule, je sais plus, laisse tomber. Ah ouais, mais j'ai jamais eu de problème. Des gens confirmés. Moi non plus. Avec les éditeurs de Sky et les médecins, les infirmiers, les infirmières qui sont venus. Si, une fois, il y en avait eu. Ah, ça y est, Samy, c'est confirmé. Le vaccin est là depuis hier. C'est vrai? Eh ben oui. Mais il y a des gens qui l'ont fait déjà, faut voir les retours, tu vois. Mais il est très bon, le retour. Excellent, le retour sur les vaccins. Ça sert à rien du tout. Mais sûr que si. Mec, tu dis ça comme ça, aucun retour. Peut-être il est foireux. Moi je suis content du vaccin parce que et chaque fois depuis qu'on se fait piquer, on tombe jamais malade. Samy va devenir tout rouge. Ah super, Samy et la piqûre. Ben, ça, rouge, peut-être plus blanc, tu vois. Oui, vert même. Ouais, vert. C'est Jeanne qui disait que t'allais devenir tout rouge. Jeanne du 38. King nous dit Samy et la piqûre, mort de rire. Ah tiens, big up à Iknot. Salut. En salle de travail, accouchement avec ma femme, avec Skyrock en fond sonore. Bisous l'équipe. Ah bah salut. Prends le temps d'envoyer un message. Arrête de gueuler, putain, j'écoute l'émission. Oui. Arrête. Allez, pousse. Bon courage, bon courage. Ah, je peux vacciner Marie avec ma bite. Je ne suis pas infirmier, mais je peux quand même le faire. Non, message de Charlemagne, 16 ans, qui veut te vacciner. Non, mais Marie, est-ce que tu nous fais la même comédie que l'année dernière en ne voulant pas te faire vacciner? Mais je me suis fait vacciner. Non, il y a, c'est quand? Il y a 2 ans. Non, il y a une année, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais ouais, parce que qu'elle était bourrée. Là, ah, je l'avais fait, d'ailleurs. C'est vrai qu'il faut pas mélanger l'alcool et les médocs. Tu l'as fait, ouais. Bah ouais, je l'ai fait. Donc le vaccin est valable et efficace au bout de 15 jours. Moi, j'ai un rêve. Oui. Quoi, comment ça est efficace? Un rêve. C'est que Cédric, il revienne, ouais. On lui fait le vaccin, il y a une merde, il repart. Ah, J'ai un rêve. Aïe, ah, un rêve. Non, mais tu sens bizarre tes rêves, toi. Franchement, je pense que je me pisse dessus. Tiens, voilà, je reviens. Bam, vaccin le soir même. Voilà, ça va pas du tout. Donc, vous êtes infirmier, infirmière. Vous avez des infirmiers, des infirmières dans votre famille. Vous leur faites signe. On a besoin de se faire piquer, là, d'ici la fin de la semaine. Vous nous laissez vos messages au 41759. Et il y en a qui attendent ça avec impatience. Bah ouais, je vois le poteau du 95 mort de rire, le poteau Samy. Samy va gueuler encore 30 ans avant de se faire piquer. Non, mais ça va, les gars. Et pas c'est 30 ans, mais au moins 2 minutes, tu vois. Ah, faut pas que tu sois relou, hein, Samy. Hein. Non, bah sinon, on commence avant 21h. Mmh. Comme ça, à 21h, j'ai le temps de me préparer. Non, sinon, on t'attache cette année. Ouais, on va l'attacher. Ah, jamais, ça va. C'est le vaccin contre la grippe. Il y a Azer qui nous dit, mais c'est quoi le vaccin? Bah, c'est le vaccin contre la grippe, tu fais le vaccin. Une seringue, elle fait 20 cm au moins. Mais non, mais. Oui, mais sérieux, on prend un brancard, on t'attache dessus et tu fais pas chier, quoi. Et on te pique. Ah, non. Non, mais c'est vrai, hein, j'ai déjà vu, ils font des fois à l'hôpital avec les gens agités. On va y réfléchir. Voilà, t'es agité, on va faire comme ça, là, tiens. On va t'attacher. Non, mais si vous avez des calmants, des trucs, des méthodes pour être un peu plus zen, quoi. Tiens, il y a Bleu, là, qui nous dit, moi, je suis pas infirmier, mais je peux venir vous piquer, c'est facile, j'ai déjà piqué mon chien. Ouais, mais c'est super, horrible. C'est sympa, ouais. Merci. Je sais pas si on va te prendre, toi, hein. Ouais. Non mais tu sais Samy, tu pourrais être sous antidépresseur, hein. Moi mon beau-père il a ça. Pourquoi? Parce que non mais parce que il a peur des aiguilles. Non mais quand il va chez le dentiste, tu vois, mais il tombe dans les pommes mais à tous les coups. Mais antidépresseur mais ça c'est non mais ça il calme. Ah ouais, mais ils sont en fait parce que les premières fois où il y allait, tu sais, il lui disait ouais, je vais tomber dans les pommes. Pas, Et le mec il disait non, ça va aller monsieur et bim, il tombait dans les pommes. Et tombait à chaque fois et au bout de 2-3 fois parce que le mec il avait d'autres rendez-vous derrière, et ça lui niquait du temps quoi. Donc il droguait. Ouais, il lui a dit non, mais il lui a prescrit tu sais des calmants quoi. Il lui a dit ouais, vous en prenez avant de venir. Ouais, mais vas-y, je et il me disait mais genre mais maintenant il arrive, il s'allonge sur le truc mais il est défoncé. Il est éclaté, ouais. Il est stone, il fait ouais, il me charcute la bouche sans plus rien quoi. De quoi te défoncer, Samy, t'inquiète. Ouais, bon. Fume un joint, tu seras plus détendu, nous dit Florian, 22 ans. Là, on c'est va pour faire toi, ça Samy, localement. Ça, tiens. Ah, ouais. Et un beau message de ma chaîne YouTube qui nous dit il a 18 ans, Difool, quand il a eu sa tendinite, et je rajoute, et qui souffrait le martyr. Ouais, mais il a pas il venait à Skyrock, et Cédric ne vient pas, c'est qu'il a vraiment peur de Romano. Merci à toi, merci, ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que t'en penses de cette. Non mais c'est magnifique déclaration, j'en suis ému aux larmes. Tu nous fais pas le coup de Cédric hein Samy, tu viens attention. Non hein. Non mais je viendrai mais on va voir tranquille, faut que trouver un infirmier. Tiens, Cédric il est là ou pas? On va l'appeler, t'inquiète. Ah, attends, moi, là, j'ai gagné avant. Quand même s'il veut se faire piquer. Je suis en train de lire les effets indésirables du vaccin. Mais il y en a pas. Bah si j'avais fait imprimer ça là. Mais il y a rien. Vaccin grippo trivalent. Non mais de toute façon si tu regardes tous les médocs, il y a des effets secondaires hein. Tiens pour un peu il y a un mec qui est mort avec du Doliprane hein. Ouais. Non mais c'est vrai, tu sais. Parce qu'en fait, j'avais vu un truc une fois. Ils en parlaient, tu sais, quand un médicament, ils le mettent sur le marché. Oui. Au moindre effet secondaire qu'il y a, ils sont obligés de le signaler, c'est la loi. Genre, si t'as un mec qui vomit avec un médoc, ils vont mettre attention vomissement. Ouais, voilà, alors que ça a pu arriver qu'à un seul mec. Donc tu risques d'avoir attention malaise sur la piqûre de la. Ah non, mais c'est possible, ouais. Bon, j'ai le gagnant pour le bug de Romano. Et il y en a un qui a trouvé, c'est hallucinant quand même, hein. Parce qu'on a galéré. Non, mais j'avais bien aidé, hein. Oui, mais pareil que t'as bien aidé. On va voir pourquoi. Ouais. On a Théo en direct de Nancy avec nous. Il est où, Théo? Salut Théo! Je te mets à l'antenne. Allô Théo? Salut Théo. Salut, ouais. Salut Théo. Comment ça va? Ça va. Ça va. T'as réussi à traduire ça, toi, écoute. Mais le. Eh ben, c'est pas facile. Ouais, alors, c'est pas elle avait un mignon, c'est pas il est tout mou, c'est pas gnou. Mais le. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Théo? Et elle est sur Doctissimo. Pas elle mal. Est sur Doctissimo. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule, j'ai dit ça tout à l'heure. Non, elle est inscrite à Doctissimo. Non, elle a écrit, t'as dit elle a écrit à Doctissimo, ce n'était pas la bonne réponse. Bravo, Théo, vérification. Samia, pardon, c'est la deuxième. Elle est sur Doctissimo. Ah putain, rien à voir. T'as vu, même en live, on comprenait absolument rien de ce que tu disais, Romano, quand même. Ah mais je suis dégoûté, j'avais donné la bonne réponse. Ah t'étais pas loin, quand même. À deux mots près. Eh ben tu gagnes pas FIFA 17 puisque le FIFA 17, on te l'offre à toi, Théo. Bravo. Bien joué. Merci, vous déchirez. T'as ton jeu de foot, c'est toi qui as déchiré ce soir parce que vous êtes pas nombreux à avoir trouvé. Il y en a trois qui ont trouvé la bonne réponse. Bah c'était pas évident. En tout. Et toi, t'étais le premier, Théo. Félicitations. Enfin, trois avant que Romano vous donne l'indice. On va dire ça comme ça. Ouais. Après, il y en avait plus. Il y en a d'autres qui avaient trouvé, Samy, ou pas du tout? J'ai arrêté à Théo, mais je crois qu'il y en a qui étaient pas loin comme toi. Mais Théo, vraiment, c'est le seul qui a trouvé proche, tu vois. Enfin, bravo, Théo, champion. Bien. Et voilà. Et sinon, Doctissimo avait été repéré, mais la phrase exacte que tu nous as donnée, Théo, était. Elle est sur Doctissimo. Eh bien, bravo, Théo. Tout félicitations. Simplement. Bravo, bravo. Elle est sur Doctissimo et FIFA 17 arrive chez toi à Nancy. Allez, hop. On va t'envoyer ça à la maison, Théo. Bravo. Tu kiffes FIFA 17? Théo? Ouais, je suis là. Ah, tu t'es mort. Théo, ouais. Bon, si tu kiffes FIFA, tu vas kiffer FIFA 17. C'est l'émotion. T'inquiète, c'est normal. C'est ça, ouais. Bon, peut-être un autre bug à traduire avant minuit au moins. Hein. Allez, un autre FIFA 17 à gagner. Préparez-vous. Faites comme Théo et repartez avec votre jeu FIFA 17. Salut Théo, salut tout Nancy. Salut, éclate-toi bien. Salut Nancy. Et juste un truc, on parlait des bahuts. T'es au bahut encore, Théo ? Ouais, en première. En première. Est-ce que t'as des habits que t'as pas le droit de mettre dans ton bahut ? Ou alors est-ce que ton bahut, il est cool, toi ? Non, ça va, c'est assez cool. Ouais. Bah, il est cool, tout va bien. T'as de la chance. Très bien, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a les bahuts qui sont serrés, t'as même pas le droit de mettre des t-shirts avec des motifs dessus, c'est RL qui nous laissait le message. Là. Ah, mais c'est vrai, on a eu genre les dessins animés, tout ça, t'as pas le droit. Interdit. Salut Théo, ne quitte pas. Salut, ouais, Théo. Bonne soirée. Bon, on a Phil qui est au téléphone avec nous. Attends, on me dit qu'il y a de l'aluminium dans les vaccins, c'est très dangereux, mais l'État ferme sa gueule. Mais oui, c'est le complot, c'est le complot. Complot. Mais il y a un complot dans les vaccins, mais bien sûr. Il y a écrit risque fréquent de. Putain, de putain. Non mais attends, de fièvre, malaise, frisson, fatigue, réaction locale, rougeur, gonflement, douleur, ecchymose. Mmh. Voilà. Tu vas faire tout ça, Samy, tu vas tout avoir. Myalgie, je sais même pas ce que c'est. Myalgie, waouh. Waouh. La myalgie, waouh. Waouh, c'est chaud. Ça a l'air de faire peur. Donc on se pique avant la fin de la semaine, là, en direct. Wow. Pour le vaccin contre la grippe. Il y en a qui disent, j'ai Dark Walls qui disait, oui, méfiez-vous, les vaccins, c'est dangereux parce qu'il y a la maladie dedans. Bah, c'est le principe d'un vaccin. Bah oui. Ouais, bah ouais. Ça apprend à ton corps à lutter contre la maladie qu'on te met affaibli dans le corps. Non mais parce que maintenant il y a tout un truc, une polémique. Quasiment tout le monde, on s'est fait vacciner quand on était petit. Ouais. Et maintenant il y a plein de parents qui veulent plus le faire parce que soi-disant les vaccins c'est pas bon. Bah Romano qui est encore tout petit continue de se faire vacciner parce qu'il est tout petit. Bah moi, le vaccin contre la grippe ça marche. Ouais moi aussi. Non mais tu sais il y a même ceux qui la théorie du complot tout, ils disent que genre dans le vaccin il y a une puce et après genre le gouvernement. Il faut pas être débile non plus. Ça va la parano. Non, mais oui, mais tu sais, vous savez, pour nous surveiller, le gouvernement, il n'y a pas mieux que nos téléphones et nos réseaux sociaux. Exactement. Hein. Ouais. Ils savent absolument tout sur nous. Les Illuminati. Bah, bien sûr. Les Illuminati nous espionnent. Ils sont là. On a vérifié qu'il n'y en avait pas dans le studio à 21h parce qu'on vérifie chaque fois les Illuminati. Bon, on est tranquille. Bon, merci Dark Walls pour le message et merci à tous les autres. Phil est avec nous en direct d'Orléans. Salut Phil. Bah, si tu le mets pas à l'antenne. Espèce de connard. Bonne idée, Marie. Et t'apprends à faire ton boulot, du con. Alors. Oh là là. Oh là là. Quand j'étais en train de parler, quoi. Et ouais, t'as pas entendu quand tu parlais. Bah ouais, j'étais forcé. J'étais l'autre connard, il t'avait pas mis à l'antenne. Salut, Phil. Mais ouais, non mais. Je dis allô, je dis bonjour l'équipe, et puis là, j'entends, mais t'es pas à l'antenne. Bah ouais. J'avais pas appuyé sur le bouton. C'est ça. Donc j'appuie sur le bon bouton. Bon, salut donc, Phil. Salut, Phil. Salut. Bienvenue sur Sky. Ouais, ça va bien, t'as 26 ans et t'es à Orléans, toi. Ouais, et ben ça, je salue Yacine d'Orléans qui a gagné hier 1 500 euros hier matin dans le morning. Il a gagné. Ah bah bravo. Yacine. La chance. Il est à l'écoute de Sky. Ah ouais, ça fout les nerfs quand t'habites à côté. Bah écoutez ouais, le morning. C'est ça. Et répondez Skyrock, c'est tout simple. Hein. Bah oui. Meilleur moyen pour gagner 1 500 euros, hein, Romano. Et ouais. Tu t'es inscrit au 720 aujourd'hui, t'as envoyé 1 500. Mais tous les jours il s'inscrit, je crois. Ah, chut. Il y en a beaucoup chut. Qui s'inscrivent, mais ils sont pas tirés au sort. J'essaye hein, de passer inaperçu. Ah bah c'est pas tout le monde. Ceux qui s'inscrivent qui sont tirés. Hein. Bravo à Yacine d'Orléans. Flavie a gagné. On l'avait dans l'émission hier. Flavie et Julien de Caen, ils ont gagné. Oui. Là, mais j'ai trouvé une nouvelle technique. Roméo à Alon, il a gagné ce matin. Et Aurore à Quimper ce matin aussi. Je vais mettre un faux nom. Ah, parce que t'as l'impression que si je vois ton nom, je le dirai pas. Bah ouais. Ah ouais, mais tu prends pour qui? Non, non, mais en plus, ce logiciel, il tire au sort. Donc on a un logiciel là, on lance le truc, ça tire un numéro. Ouais, donc il y a pas de raison que ça te tire pas toi. Ouais. Ouais. À moins que dans le programme, je sois banni direct. Tu crois qu'il y aura des salauds qui auraient fait ça? Non, mais je vais prendre un faux nom, je vais essayer. Tu prends quoi comme nom? Bah, je le dis pas. Si tu prends Cédric le Belge, ça marche pas non plus. Non, je vais prendre un truc mieux quand même. Un truc. Mais il est là, Cédric, il est où d'ailleurs? Parce qu'on entend plus. Il est là. Je suis là. Ah, tu es là. Alors, toujours en shorty, baby? En caleçon, mon pote, torse nu. Oh. Pourquoi tu veux me rejoindre? Non, merci. Ça va aller. C'est sympa. Cédric, j'ai un petit message pour toi. Ouais. Écoutez bien, est-ce que vous reconnaissez cette personne qui a laissé un message spécialement pour Cédric? Salope! Ah, tu as reconnu? C'est ton chéri. Poule pondeuse! Tu es une poule pondeuse, Cédric. Ah non, je reconnais pas du tout. Tu reconnais pas? Comment vas-tu, boule de pu? Comment vas-tu? Tu vois qu'il te connaît bien. Je vais te frotter le dos. Oui. Ah, tu as reconnu? Bonjour, vermine. Salut les filles. Ah ouais, vas-y, appelle-moi vermine. Ah ouais. Appelez-moi boule de pu. Je lance le hashtag de la soirée ce soir. Hashtag Cédric boule de pu. Vous envoyez tout ça sur vos super. Twitter, n'hésitez pas. Et on te fait monter en TT comme hier, Cédric. TT mondial, hein. Il est pas pété, mon pété. Oh là là. Il vénère. Ah ouais, je suis une vermuine. Oh ouais. Moi, je suis une boule de pu. Ah ouais. Moi, je suis ta biatch, Jérém Star. Ouais. C'est Jérém Star. Traite-le, vas-y, Jérém. Salope. Ouais. Mais il va vraiment pas bien dans sa tête. Eh, tu sais qu'il te restera bientôt. Ah, mais il kiffe, hein. Il sera bientôt dans ton bain. Hein. Ouais, bien sûr. Tous les deux ensemble dans ton tu bain. Tu seras dans le sien, quoi. Je sais pas comment vous ouais, arrangez comme après, si vous organisez ça. Hein. Bon, si vous branchez sur Skyrock, Cédric a un fantasme et on l'a fait croire la semaine dernière qu'il terminerait dans le bain de Jérém Star. Il a compris que c'était une blague et depuis il nous fait un peu la gueule. Ouais, c'est ça. Donc, Jérém, si tu nous écoutes. Fausse joie. Jérém Star, n'hésite pas à aller faire un tour dans le bain de Cédric. Je sais, c'est pas un moment facile, mais tu pourras lui dire tout ce que tu veux. Tout. Salope. Tout, si tu veux, salope. Si tu veux. Poule pondeuse. Poulpe, tu pourras le traiter de poule pondeuse. Mais il pond que de la merde, hein, Cédric, hein, pour l'instant. Hein. Voilà. Actuellement, ouais. T'es content? Ah, ça fait plaisir, ouais. Bonjour, bonjour, Vermine. Ouais, ben oui. Oh, arrête, Jérém Star. Non, mais c'est marrant parce qu'on vous demandait les stars que vous aimeriez rencontrer. Vous nous disiez Rihanna, je sais pas, Rihanna, Soprano, Eminem, Maître Gims, les PNL, qu'on voit nulle part en plus, PNL. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas, designer, qu'on va passer tout à l'heure, peut-être. Brrra. Eh bien non, Cédric, toi, tu réponds Jérém Star, c'est original. Bah non, pas Jérém Star. Bah si, Cédric, ça va, n'aie pas honte. N'aie pas honte, hein, y a pas de honte, hein. T'as le droit d'aimer Jérém Star. Non, mais tu le kiffes. Hein. Ouais, de danser devant lui s'il vient te voir. Salut Jérém. Salut les filles. Salut les filles. Les autres qui te répondent salut Vermine. Et l'autre qui te répond. Comment vas-tu, boule de pu? Ah ouais, c'est marrant comme fantasme. Si vous avez des potes qui sont comme Cédric, n'hésitez pas, vous pouvez faire un club. Ah ouais, mais sans problème. Hein. Faites une chaîne YouTube, vous mettez les meilleures vidéos de Jérém Star et c'est la classe. Ah ouais, clair. Ah bah oui, clairement. Hein. Ah, une idée pas mal, hein, Cédric, ça. Hein. Ah bah là, trop, ouais. Quel beau cadeau vous lui faites il à Cédric. Emballé. Vous êtes vraiment trop cool avec lui. Merci. Alors ça, c'est gentil, c'est Franco qui nous a envoyé le message. Merci, Franco. Bon, alors, Phil, toi, tu nous appelles d'Orléans, mais je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi tu nous appelles? Tu vas tout nous expliquer, dis-nous. Alors, du coup, en fait, pour faire simple, oui. En fait, j'ai rencontré une personne qui en fait est en couple depuis 5 ans. Mm-hmm. Depuis un an, ça se passe, enfin, pas forcément bien. Mm-hmm. Et donc, du coup, je l'ai rencontré via un site, un réseau social. Ah, voilà. Encore, c'est la soirée, dites donc. Ah ouais. oui, tout à l'heure, j'ai entendu aussi sur Smax là. Ouais. Ouais. Du coup voilà. Et puis donc en fait le feeling est super bien passé. Enfin voilà, on s'entend super bien ensemble. On est bien quand on est ensemble. On est amoureux l'un de l'autre. Mais le problème c'est que du coup en fait elle est retenue en fait par sa relation à côté. J'étais un amant quoi. C'est le côté alors, excitant gros, aussi peut-être. C'est peut-être ça qui vous c'est peut-être ça qui vous tient comme ça. Alors le souci c'est que bon je peux pas aller dans des détails particuliers et tout mais en fait depuis un an donc on a passé plusieurs week-ends ensemble tout ça s'est super bien passé et mais en fait, son mec lui se doute de rien. Ah ouais, alors pour le moment non mais je sais pas sa meuf elle se barre en week-end. C'est vrai, c'est en galère, en fait, il est content, lui. En fait, elle avait un truc de prévu, donc en fait, si tu veux, il le savait, mais du coup, moi, j'étais dans l'invitation. D'accord, ok. Ouais, elle savait pas qu'elle allait rencontrer son mec, mais elle savait qu'elle devait bouger ce week-end. Enfin, savait qu'elle devait bouger ce week-end. Bah, ce qu'il faut mais faire. Le souci, c'est que du coup, en fait, la journée, elle travaille, donc le soir, parfois, elle vient chez moi. Et donc, du coup, elle reste avec moi la nuit, enfin, bon, voilà. Et puis, du coup, après, quand elle retourne chez elle le lendemain, elle est en stress, enfin, il y a déjà eu des violences. Il m'empêche de sortir, il lui prend son téléphone. Je pense que c'est le bon moment. En plus, il dit que ça se passe mal depuis un certain temps entre eux, c'est le bon moment pour qu'elle laisse tomber cette histoire, non? Voilà. Alors, le truc après, voilà, c'est qu'il y a eu des petits messages, comme des tentes de perche, tu vois, des messages qui fait que, vas-y, dis-le, en fait, mais du coup, c'est les représailles, en fait, c'est vraiment à la peur. Donc, en fait, chaque fois qu'elle lui dit, je vais te laisser tout ça, l'autre, il pète un câble, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est juste si des personnes ont été dans la même situation, dans le sens où ils étaient un petit peu l'amant de cette personne, sachant que, voilà, elle est amoureuse, elle veut être avec moi, machin, enfin, tout ça. Non, mais c'est ce qui est bizarre, c'est comment, elle a quel âge? T'as 26 ans, elle a ton âge, à peu près? Ouais, à peu près, ouais. Bah, putain, 26 ans, elle devrait pouvoir décider, un mec qui lui tape sur la gueule, dont elle est plus amoureuse, puisqu'en plus, elle le fait cocu, pourquoi elle reste avec? Est-ce qu'elle est vraiment sûre de vouloir le quitter? Bah alors le truc c'est justement c'est que le fait n'est pas là, elle veut le quitter, mais le problème c'est justement la peur. C'est-à-dire que elle a peur qu'il la tape. Bah ouais. Ah bah dans ce cas-là elle va porter plainte hein. Ah ouais, il a pas l'air ouais, mais il y a des choses qui font que justement elle ne peut pas forcément utiliser cette voie-là. Je peux pas trop en parler en fait. Ah, il fait des trucs. Pourquoi elle l'a tapé elle aussi, non ? Non. Ah, parce que parfois on parle souvent des mecs qui tapent sur les meufs. Elle est dans le même milieu que le 17 en fait. Ah, la police ? Voilà. Ah. Bah, les policiers ont le droit de porter plainte comme les autres. Oui, également. Oui, oui, mais le problème, c'est qu'après, ben, du coup, tu sais, enfin, les gens y parlent, etc. Enfin, ouais, elle a peur de ça aussi, ouais. Voilà. Ouais, bah, enfin, si elle a plus peur de ça que de se faire taper sur la gueule. Non, mais il faut qu'elle se tire. Elle a qu'à avouer à son mec qu'elle se fait gibonner par un autre, tu vas voir. Ouais, non, attends, l'enfer, faut pas dire pire, ça. Et le pire, c'est que le pire, avec un ami à moi et tout, on lui a montré, parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes, je pense, s'informent, le nombre de femmes mortes par jour, à cause de violences conjugales, à cause de plein de choses comme ça. Sympa vos soirées à vous, tiens. Ouais, c'est des discussions. Donc il a eu lui casser la gueule. Il y en a plein qui ont dit ça d'ailleurs, hein. T'es pas le premier, hein. Moi j'ai une méthode, bon de lâche mais j'ai une méthode. Ah, surprenant. Non mais moi la méthode, cette meuf là, la meuf elle vit avec son mec. Ouais. Ouais. Bah ce qu'il faut faire c'est que un jour quand son mec il est pas là, elle va récupérer toutes ses affaires, elle prend tout ce qu'il y a à elle et elle se barre et puis terminé. Ouais, c'est clair. T'as copié ça, l'appartement est aux deux noms. Ah merde. Ouais. Ah oui. T'as copié le message de Cook, Romano. Non mais sinon c'était une solution hein. Même chose, qu'ils prennent toutes ses affaires quand il est pas là, qu'elles prennent toutes ses affaires quand il est pas là et huit, elle se barre. Et je disais, il y a plein de mecs hein, qui nous laissaient des messages, Ali qui nous disait ouais si on tape sur ma meuf, moi je défonce le mec. Vas-y gars. Ah ouais, c'est vrai que ça rend fou hein. Non mais c'est vrai que moi quelqu'un qui tape sur une oui, mais bon, qui tape ça. En général j'aime pas. C'est... Oui mais si ça arrête d'aller défoncer le mec, c'est toi qui vas avoir des emmerdes, tu vois. C'est... Puis ça peut mal se finir aussi. Oui, et puis tu sais pas sur qui t'as affaire, sur qui tu tombes quoi. Ah, mais y a pas un grand frère ou quelqu'un qui peut venir avec elle quand elle dit que c'est fini et. Si elle était à la police, qu'elle lui file un coup de taser, message de Kima, elle a pas quelqu'un qui peut l'aider, non? Malheureusement, bah c'est ouf d'être dans la police et de pas savoir ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Parce que dans ces cas-là, il y a pas 36 solutions, tu vois, Phil. Je vais pas te. Non, mais. Pas, non, pas mais... te raconter des conneries. Il faut qu'elle se barre, mais tout de suite, elle se non, barre. Non, mais je vois ce qu'elle. Parce qu'elle, en fait, elle a peur que ça se sache dans son taf et que ça lui porte préjudice. Bah, c'est pas une honte de se faire taper sur la gueule. Ouais, hein. Ouais, c'est non, mais une non. Honte. C'est le mec qui devrait avoir honte de lui taper sur la gueule. Victime, hein, c'est pas. Ouais, on ne tape. C'est pas un homme qui tape sur une femme. C'est une tapette, on nous dit là. C'est Kim qui nous laisse le message sur le 41759. Je comprends pas, sachant qu'elle a toi, elle t'a toi. Pourquoi elle ne part pas avec toi? Tu vois, Nana, elle comprend pas pourquoi. Moi non plus d'ailleurs. C'est bizarre, mais parfois, tu sais, dans des histoires d'amour, on sait pas tout, on sait pas comment ça se passe. Voilà. Après, bon, il y a d'autres choses. Enfin, je peux pas non plus en parler parce que du coup, on sait jamais, la personne se reconnaît ou autre. Enfin, bon, voilà. On sait pas si elle a les coudes, je sais pas du tout. Mais c'est pour ça que j'essaie de donner le moins d'informations quand même. Qu'elle ramène la brigade. Des choses font que, elle est, j'en ai parlé à Marie, je crois, tout à l'heure au téléphone. Il y a des choses qui font que elle est attachée sans vraiment être attachée en fait. C'est vraiment la crainte en fait, la peur. Elle a vraiment peur quoi. C'est la peur qui bloque, nous dit Amandine. C'est ça en fait que t'expliques. Qui bloque quoi? Qui bloque le fait qu'elle se barre, parce que là, il faut se barrer dans ces cas-là. Il y a pas 36. Je le disais, comme on dit en Bourgogne, il y a pas 36 solutions. Bah ouais. Parce que on va pas tourner autour du pot. Ouais. Non mais oui, il faudrait qu'elle se barre. Mais bon, après toi tu dis qu'elle peut pas. Mais... Tu vois, à un moment donné, elle va pas continuer comme ça pendant, je sais pas. Et toi, t'as jamais eu envie, parce que moi, on m'explique, je sais pas, je suis amoureux d'une meuf depuis un certain temps. On m'explique, elle m'explique qu'elle se fait défoncer la gueule par son mec. J'ai quand même envie de faire quelque chose, tu vois, pas forcément d'aller lui péter la gueule, mais pas loin quand même. Je sais pas, t'as jamais eu envie, toi, ça, de... Si, mais le problème, il est pareil, c'est que du coup, ça veut dire que le fait qu'elle le craigne, même si moi je vais là-bas, que je mets un coup de pression ou autre, le problème, il va être simple, c'est que du coup, lui, il va tout savoir. Si ça se trouve, elle va quand même se faire fracasser. Ça empire les choses. Se faire fracasser, voilà, c'est pas possible que tu dises ça, toi. Bah, tu vois, Phil, c'est pas. La meuf, elle a le droit de se barrer quand elle veut. Non, mais moi, je pense que. Bon, Romano pense déjà. Oui, alors, ça, vraiment. Première nouvelle. Notez-le. Non, mais on reprend la méthode de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une journée où le mec est pas là, elle récupère ses affaires. Et après, l'histoire du bail avec, pour l'appart, elle le gère à distance. Voilà, mais il faut plus qu'elle ait contact direct avec ce mec. C'est clair, elle est dangereuse. Bah oui, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous, si vous pensez. Là, le mieux, c'est qu'elle se barre le plus vite possible. Toi, tu peux lui filer un coup de main. Je sais pas si t'as une bagnole ou un pote qui a une bagnole. Demain, vous y allez, vous débarrassez le truc et est terminé. Ah ouais, et puis comme ça. Et après, à distance, elle est déjà avec le proprio de l'appart et dit ouais, je me barre, je veux m'enlever du bail. Et puis à distance, il aura du mal à lui mettre un pain, je pense. Bah, il vaut mieux la mettre en sécurité, quoi. C'est... En plus, elle est dans la police. Voilà, le mec, il tape une meuf qui est dans la police. C'est que le mec, il a l'air quand même bien arrangé, lui. Ah ouais, pour arriver à taper une meuf qui est dans la police. Ah ouais, c'est un stouffe. Et oui, il est bien arrangé, le gars, là, ouais. Tu le connais, ce type, toi, Phil? Non, je le connais pas, J'ai jamais vu, j'ai même pas vu de photos de lui et je veux pas voir parce que du coup ça me mettrait encore plus les nerfs et puis du coup je le verrais dans la rue, je pourrais pas faire le mec genre mine de rien, genre. Ah bah c'est pas facile, si tu sais qu'il tape sur ta meuf, ouais c'est clair que c'est pas ça. Ah ouais, tu vas pas dire ah comment ça va mon pote. Bah, dites-nous comment vous vous réagiriez. Elle est pas claire ta meuf, elle joue sur les deux tableaux, nous dit Estelle. Non, mais moi ce que Estelle je pensais Luna. Au début, tu vois. Ouais. Comme on a déjà eu l'histoire, une meuf qui sort avec un mec marié et le mec va dire ah je vais la larguer, mais là je peux pas, ma femme elle est en dépression et si je la largue ça va pas aller. Ouais, ça c'est et ça dure, ça dure et au final le mec il quitte jamais sa femme quoi. Bon, si vous voulez réagir là-dessus, si vous avez une solution, parce que c'est vrai que c'est relou à vivre comme histoire. Je comprends ta situation, ouais, Phil, le fait de pas avoir envie de rentrer trop dedans. Après elle est majeure, en plus elle est keuf, donc ouais. Tu vois, si, moi je comprends. Tu vois, elle est keuf, elle connaît la loi, elle la fait respecter, elle se fait taper dessus et elle fait même pas respecter la loi à la maison. Alors qu'elle devrait lui. Je sais pas, un coup de taser, c'était bien cette idée là que vous avez laissé tout à l'heure. Là. Non mais ouais. Déjà, tu tires dès que ton mec te frappe quoi. Ah oui, direct. C'est clair. Bah ouais, tu vois, ton mec qui voulait t'arracher un bras, Marie, tu t'es barré. Ouais, c'est lui qui est parti surtout. Ah. Oui, bah oui. Tu l'as foutu dehors. Ah bah oui, je l'ai foutu dehors. Quand même, toi, il était chez toi, donc. Ouais, c'est ça. Pas oui, c'est vrai que tu te serais barré, t'aurais été con sur l'histoire. T'étais pas l'obligé d'un cadeau de ton appart. Oui, mais il voulait partir avec mon bras. Non, mais c'est vrai, quand on vous menace, ça peut arriver également dans le, ça peut arriver dans le sens inverse. Il peut y avoir des. Bah, il y a des hommes battus, hein. Bah oui, on en parlait. On était tombé sur les chiffres. D'ailleurs, je les ai pas là, mais on était tombé sur des chiffres, c'est énorme. Non mais c'est vrai parce que en plus ouais c'est que les mecs qui l'ont déclaré hein. Parce que je pense qu'il y a plein de mecs qui ont honte de se faire savater par leur femme. Ouais, bon, ça, un mec est souvent plus baraque qu'une meuf, donc un mec qui tape une meuf, c'est vrai que c'est choquant. Il y a plein qui laissent des messages là. Bon, on y revient tout de suite. On va essayer de t'aider, Phil, et puis d'aider surtout ta copine. Mais faut vraiment qu'elle se barre. Hein. On y revient tout de suite. Tu bouges pas, Phil. Hein. Merci. De rien. Designer Panda, la musique à Designer, on dit. Blablabla. On écoute le son de Designer et puis dans un instant, on va revenir à une grande affaire. L'affaire. Attention. Là aussi, c'est un couple. Kim Kardashian, Kanye West. We are real rock stars and I'm the biggest of all of them. Ouais, tu es la meilleure, le plus grand, la plus grande rock star du monde entier. Ouais, c'est lui qui se la raconte un peu là. J'adore. Ouais, c'est Kanye West. I am the number one most impactful. Exactement. Artist. Ouais, tu es le number one most impact in the world. Oh, yeah. Ah, ouais, ça c'est sa femme. Ça. Donc il y a des nouveaux. Comme elle a l'air intelligente. Il y a du nouveau, il y a une vidéo qui est sortie. Kardashian et Kanye West. Et sur la vidéo, on voit vraiment des trucs chelous. Vous savez que la semaine dernière, on vous disait que l'histoire était bizarre. C'est le complot, les Illuminati. Ouais. Non, bah, vous disiez que c'était bizarre quand même. Oui, l'histoire des JO. Vous avez raconté le fait qu'ils voulaient les JO à Los Angeles, que Paris, qu'ils voulaient faire passer Paris pour une ville. Sans concurrence avec Paris. C'était pas très sécure. Ouais, la sécurité n'était pas respectée et tout ça. Donc Kanye West doit faire l'ouverture des JO. Mais s'ils les ont, hein. S'ils les ont. Mais d'ailleurs Rome ils se sont retirés là. Ouais, Rome c'est fini. Ouais, c'est officiellement. Ça y est, le mec du CEO italien il a dit on arrête. Ça sera Berlin, je crois, Paris ou Los Angeles. Ah, Hambourg, non? Hambourg peut-être. Enfin, ce sera l'Allemagne, Paris ou Los Angeles. Et donc cette histoire des bijoux de Kim Kardashian, elle est chelou. Strange. Du nouveau. Strange. On vous dit tout. Strange affair. Le complot. Complot. Le complot. Dans un instant. Complot strange affair. Oh là là, j'adore de la compote. Ouais, c'est ça, ouais. Au caca. Oh. Le caca, c'est bon. Ah, t'as un monstre. Donc, on vous dit tout dans un instant. Après, Designer et Panda qu'on écoute tout de suite sur Sky. Il y aura du Sadek et du Gradur et The Weeknd aussi. Quand Soprano sort son nouvel album, il choisit Skyrock pour te le présenter en exclu. Ouais, ouais, c'est Soprano. Sa nouvelle tournée qui démarre le 8 mars 2017 en France avec Skyrock. Planet Rap. C'est Soprano dans Planet Rap. Soprano, tous les soirs dès 20h. Et vendredi soir, Planet Rap Soprano, en direct du stade Orange Vélodrome de Marseille. À suivre en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Après, par exemple, avoir fait une certaine période de service civique, je voulais savoir déjà ce que ça pouvait nous apporter. C'est une expérience et ça peut être l'occasion de la découverte d'un milieu professionnel. Mais ça peut être une expérience plus large. D'une manière générale, ce que nous disent les jeunes volontaires, c'est un moment où on a estimé qu'ils étaient capables de mener à bien une action, de prendre des responsabilités et donc ils sortent de là beaucoup plus sûrs.

credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, only killers on their hands. Legacy, family, why is it panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then nigga pull up your band, hope your killers understand me. Panda, panda. Skyrock, Romano. Mais vous êtes qui, monsieur? Mais je ne suis pas monsieur, je suis pas Mela. Oh, ça suffit. T'as la même voix que moi alors que moi je suis un mec. Difool. Vous êtes vraiment des branquignols, sérieux. Branquignols, j'ai bien noté le mot que je n'avais pas entendu depuis avant l'an 2000. Cédric. Ah bah nickel. Ah bah génial. Ah bah c'est Michel au téléphone. Ouais. Ah bah tout de suite. Ah bah génial. Marie. Bah ouais, les deux. Non, sucer en branlant. Tu peux faire les deux en même temps, ouais. Samy. Non. Bonjour Samy d'abord. Ouais, bonsoir tout le monde. Et Karim. Est-ce que des fois tu t'arrêtes et tu prends des prostituées? Difool Radio Libre. 21h minuit. Tous les soirs sur Skyrock. Ouais, sur Skyrock, on est là jusqu'à minuit en direct au 01 53 40 30 20. Les dernières news, c'est tout le temps sur Skyrock à n'importe quel moment. Voilà, on est les dernières news sur la fèbre Kim Kardashian, les bijoux volés à Paris. On vous donnait déjà 2-3 pistes la semaine dernière, on trouvait ça chelou. Eh bien écoutez, on a eu du pif une fois de plus, je dois le dire, j'ai eu du pif. Ah ouais. J'ai eu moins de pif pour les Jeux Olympiques, alors c'est pas à Berlin, hein, c'est à Budapest en Hongrie. Ouais. Mais ils sont racistes là-bas, faut pas y aller là-bas. Ouais. C'est pas les étrangers, c'est con parce que les Jeux Olympiques, t'as tous les étrangers du monde qui viennent. Ah bah là, c'est clair, ouais. Faut pas y aller. En même temps, ils ont déjà fait les JO en Chine. Non, là, ils les aiment bien de toute façon. Là. Ouais, mais le président de la Hongrie, c'est un gros raciste. Ouais, c'est clair. Ouais, mais. Il aime pas les étrangers, faut pas lui donner les JO. Donc ouais, Paris, Los Angeles. Ils les aiment bien, gros. Et pour l'affaire Kim Kardashian, donc on avait parlé de cette histoire des JO, les JO qui doivent se faire à Los Angeles, donc ça sera un coup monté. Des États-Unis avec Kanye West qui devrait faire la première partie des JO à Los Angeles. Donc il faut que Paris se fasse éliminer. Et donc ils se sont fait voler les bijoux à Paris. Enfin, ils auraient simulé un vol de bijoux à Paris. Pour ça, c'est gros. Tu sais, on ne sait jamais avec les Illuminati. Ouais, c'est ça. C'est eux aussi gros que son cul, quoi. Mais là, ils ont pas retrouvé. Mais ils ont pas retrouvé un diamant, là. Si, ils ont retrouvé. Les keufs, ils ont retrouvé un diamant et il y aura peut-être une empreinte. 29 000 euros. Le prix. Ouais. Ah ouais, sur 10 ils l'ont trouvé dans la rue en fait quand ils sont barrés en marchant comme ça dans la rue. Ils ont laissé tomber un truc quoi. Non. Si. Allez, putain, t'imagines, tu passes par là gros, tu 29 000 balles. Tu trouves le truc, voilà. 30 000 balles. Après t'es accusé d'avoir volé Kim Kardashian, tu te retrouves dans une merde pas possible. Ah ouais, c'est ça le truc. Ah oui, faut faire attention. Bon, il y a une vidéo qu'on va vous mettre dans les réseaux de Sky, vous allez pouvoir aller mater. C'est une vidéo qui est filmée dans l'appartement de Kim Kardashian, l'appartement où elle a été volée. Elle est en petite tenue. On la voit avec la police elle après le braquage et sur cette vidéo, on voit qu'elle est toute tranquille à la maison. Bizarre. Qu'est-ce qu'on voit d'autre de bizarre là-dessus? Ouais, elle est toute tranquille, elle est assise sur le canapé. Alors qu'elle a été ligotée. J'ai le son de la vidéo. Vas-y, Romano, on exclut sur Skyrock le son de la vidéo. C'est ça? Waouh! Ouais! C'est ce que t'écoutes, Romano, dis donc. Yeah! Ah, mais c'est ça! Tu zouk! C'est quoi le son de la vidéo? C'est Zouk Love ce soir. Oui, il y a un problème, Romano, il était dans un moment Zouk Love. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais je sais même pas d'où ça vient, à mon avis, avant la vidéo. Tu zoukais, c'est pas une vidéo de cul, t'as regardé? T'as pas regardé une vidéo de cul aux Antilles? Ouais. Ouais, il y a un problème, Romano. Et Romano, il regardait une vidéo de cul aux Antilles. Ah ouais. C'était Défonce-moi le cul en Guadeloupe. Ouais. Ou Sex on the Beach. Sex on the Beach en Martinique, je sais pas, un truc sympa. Ah, ça y est. Vas-y, montre ton film de cul. Vas-y, Romano. Ouais, mais bon, putain, on voit pas grand-chose. Bah, décris-nous ce que tu vois, puisque t'as la vidéo, on vous la met sur les réseaux là. Là, on voit un appartement. Ouais. C'est pas mal. Ils disent aussi que la porte a pas été forcée, que Kim Kardashian aurait ouvert. Ah ouais. Ouais. Ah, il y a les keufs, ouais. On la voit. Ouais, on la voit, elle était assise là. Ça a été tourné par une personne présente sur les lieux. C'est vrai qu'elle a pas l'air. Elle est habillée comment? Elle est habillée genre en jupe noire. Ah, c'est bon ça. Elle est assise. Ah, c'est bon. Mais genre, tiens, elle a la main un peu. Elle a la tête posée sur la main. En même temps, elle attend quoi. Et elle fait un FaceTime. Elle est toute tranquille sur le canapé. Fini la vidéo. TV no taken. Fini la vidéo. On vous la met sur les réseaux de Skyrock, le Facebook de Skyrock. Elle fait quoi? Elle fait un FaceTime. Skyrock. Et elle fait un FaceTime, ouais. On la voit sur le canapé. Elle fait un FaceTime. Mais la meuf, elle vient de se faire ligoter, elle fait un FaceTime. Ouais. Ouais, c'est ouais. Bon, après. Ouais, tu seras tout choc, toi. Exclusivité mondiale selon Radar Online, un site. vidéo, c'est lui qui a diffusé la vidéo. Okay. La porte n'a jamais été forcée et la star est toute calme sur son canapé, pas du tout choquée par ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils disent les Américains sur leur site là. Donc c'est quand même un petit peu bizarre. Donc, c'est pilouche. Ceux qui nous disaient la semaine dernière que c'était chelou cette histoire, vous étiez plein, même nous on avait trouvé ça bizarre. Chelou. Eh bien. Strange affair. Exactement, Romano. Strange case. Strange affair. Strange case. Kim Kardashian serait peut-être. Serait peut-être plus vicieuse qu'on le pense si elle s'est vraiment fait voler pour de vrai, qu'elle a vraiment été agressée. C'est terrible parce que vous avez vu, on croit en rien aujourd'hui. On croit en rien, bah ouais, c'est clair. Et c'est ouais, quoi, après la meuf, c'est quand même la reine du buzz, hein, donc. Ouais, c'est ça qui est suspect. Ouais. C'est vrai. La meuf a quand même été connue par une sextape. Ouais, c'est vrai. Ouais. Que sa mère lui avait dit de refaire ce qui n'était pas assez bien. Ouais, oui. Tu imagines le truc. Comme si tu faisais une sextape, tu la montrais à ta maman. Ah ouais. Et tu dis, ah non, Marie, refais-la, c'est de la merde. Et là, Kanye West l'a fais-toi bien déglinguer, quoi. T'imagines. Kanye l'a repéré comme ça. Et ouais, Kanye. Et ouais, ouais. Et depuis, il s'amuse avec. Bon, elle est super ta sextape, Kim. On l'a tous vue, tous. It's so cute. Oui, it's so cute. Vous entendez comme elle parle les Américains? Ouais, c'est vrai, ouais. It's so cute. Si vous voulez parler américain, vous les filles, vous faites tout comme ça. Mais il y a beaucoup qui parlent du nez. Yeah. Ouais, toutes quasiment, ouais. Ouais, c'est vrai, hein. It's elles ont le nez refait. It's so cute. Elles ont quoi? Le nez refait. Ouais, elles ont peut-être le nez refait. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour, bonjour Kim. Bonjour, ouais, Kim Kardashian, c'est mignon. Hein. It's so crazy. It's so crazy. C'est une prostituée de luxe, on dit Kim Kardashian. Un peu. Ouais. Un peu. Oh. Allez, un peu, Kim, si, un peu. Allez, allez gentille. Bon. Bon, on vous tient au courant de la suite de l'histoire. Et donc, les vidéos, vous pouvez les faire tourner. Elles sont sur nos réseaux, le Facebook de Sky. Le... Ah, il y a un milliardaire qui s'est fait voler aujourd'hui. À Paris. À Paris, là, c'est Speedy Gonce. Mais c'est la folie, les man. Putain, j'ai oublié de jouer à l'euro million en parlant de millions. Ah, je t'avais dit ce matin. Voilà. J'ai fait un pari ce matin dans le morning avec Romano. J'ai dit, tu dis tous les. 166 millions. Il me fait chier deux fois par semaine avec l'euro million, jamais il joue. Et après, il se plaint, je gagne jamais. Tiens, dites-nous si c'est tombé, là. Putain, c'est tombé, c'est un putain. T'aimerais bien avoir 166 millions sur ton compte comme ça qui tombe. Ah, mais sans jouer, tu les auras pas, tu sais. Ouais, je sais bien. Eh oui. Oui, ça, c'est certain. Bon, on a Sadek et Gradur qui arrivent. C'est bon, ça. Un gros son de Sadek et Gradur qu'on va retrouver. Un Gradur qu'on a écouté ce matin dans le morning avec Franck Ribéry. Et si vous avez un hôtel, ou alors si vous dormez dans un hôtel un jour et que vous êtes à côté de... Si tu nous écoutes, Gradur, tu fais du bruit à l'hôtel. Hein. Pareil pour Ribéry. Si vous dormez à côté de Franck Ribéry et de Gradur, ça fait du bruit. C'était à 8h du matin. T'as pas entendu ça, Marie? Non, j'ai pas entendu. Ah bah tiens, écoute bien, parce qu'on était, on est sur les stars. On était avec nos stars internationales, ouais. Kim Kardashian, Kanye West. Exact. Là, on file chez Gradur et Franck Ribéry, qui était dans un hôtel ce week-end. À Paris. Où ça? Ah ouais. À Paris. Ouais. Tranquille. Où ça? Ils rentrent. Tous les deux dans la même chambre. Ils rentrent deux soirées en même temps que toi, Marie. Vous en entendez 8h du matin. 8h du matin, ils rentrent. Et là, vous entendez Franck Ribéry et Gradur rentrer tranquille. Ouh là là, mais t'es sapé comme jamais. Ça, c'est devant l'hôtel. Sapé comme jamais, je valide. Ouais, c'est bon. Voilà. Ça, c'est devant l'hôtel. Et t'entends Franck Ribéry qui hurle des mots incompréhensibles, des onomatopées, sans doute. C'était prêt. Donc il y a Franck Ribéry derrière. Après, donc ils arrivent dans l'ascenseur de l'hôtel et ils fument. Ils fument dans l'ascenseur, frère. Voilà, donc tu les as dans ton hôtel, t'as l'alarme incendie qui se met en marche à 8h du matin alors que t'es en train de finir ta nuit. Et là, 8h du mat. Bonne nuit, 8h du matin. See you tomorrow. Viens, on va faire la FIFA. C'est 8h du matin. On va faire un FIFA. Ils rentrent de soirée. Viens, on va faire un FIFA, viens. Bonne nuit, 8h du matin. See you tomorrow. Viens, on va faire un FIFA. Va dormir, gitan. Il y a quand même qui a envie de dormir. J'ai la voix cassée. Gradur, il a envie de dormir. Donc vous avez imaginé, vous êtes dans un hôtel à cette heure-ci. 8h du matin. Dans les couloirs de l'hôtel. On prenait bien sourire. J'adore son rire. Ah ouais, j'adore le rire. Génial, son rire. Bon, en tout cas, ils ont. C'est vrai que ça fait du bruit, mais moi, ça fait du bien de voir des gens. Voilà, cette vidéo, on va vous la mettre aussi. Elle est sur les réseaux de Sky. Bon, on va vous la remonter là. Vous allez pouvoir la mater également. Donc, il y en a deux. Il y a, moi, j'ai bien aimé le va dormir gitan. On nous dit là sur les messages. Moi aussi, c'est bien. FIFA à 8h du matin après une soirée un peu arrosée, c'est pas facile. Vous êtes champion, les mecs. Bravo. Ah ouais, bravo. Ouais. Bravo, Gradur. On écoute Gradur. 60. Hein? L'euro million. Ah non, il fait chier avec mon euro million, Romano. Le tigre resté bloqué. Non, mais il est tombé, je crois. Il est tombé. Oui, il est tombé. Il est tombé où? C'est un enculé de Belge. Oh, allez. Cédric. Le mec à lui tout seul. Un de tes compatriotes, Cédric. Ouais, lui ou elle d'ailleurs, mais. Ouais. Le Belge. J'ai pas joué, moi, non plus, putain. Ouais, je suis là, j'ai pas joué, moi, non plus, putain. Mais aujourd'hui, t'as fait quoi? Ça a été quoi, le programme de ta journée? Oh, bah, il s'est baladé toute la journée, sauf entre 6h et 9h, et entre 21h et minuit. Il allait faire, je sais pas, un petit footing sur les bords de Seine, tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre avec sa clavicule cassée? Je sais pas, t'as dû aller bouffer 3, 4, 5 fois ce matin, 3, 4, 5 fois cet après-midi. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Un petit foot. Un rugby aussi. Pas mal. Sympa la journée, dis donc. Voilà, ouais, c'est sympa. Hein. Bah, heureusement que tu te reposes entre 6h et 9h et entre 21h et minuit, Cédric. Ah bah oui, quand même, un minimum. Voilà, mais c'est quoi les horaires déjà? C'est celle que j'ai, les horaires des émissions, je viens de te les donner là. Ah ouais. Eh ouais. 6h, 9h, 21h, minuit. Ah mais tu vas revenir? Bah oui, je vais revenir, connard. Il y en a plein qui disent, t'es pas payé parce qu'il faut rien de sa vie. Par exemple, il y a Michael78, et je sais plus qui a envoyé, depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, il envoie des messages. Tu l'as vu? J'espère qu'il est pas payé, puis il en fout pas. J'avais pas vu, mais c'est pas faux, Michael du 78. Ah, mais t'es pas payé, hein. Bah non, je suis pas payé, connard, je paye par la sécurité sociale. Ouais. Et voilà, et après, la France est en faillite. Le gros trou de la sécurité. Des gens comme toi, c'est fou, ça, quand même. Eh oui, Cédric se repose, c'est bon. Depuis un mois et demi, quand même. Et donc demain, t'as ton rendez-vous avec le médecin qui va te dire. Je vais pas avoir un jour ce que j'ai, parce que franchement, tu vas te dire. Attends, tu vas pas. Je peux dire que je te prédis. Voilà. On fait à Paris. Si je me casse la clavicule un jour, le lendemain, je suis là, moi. Tu pètes la clavicule en deux. Eh ouais, monsieur, eh ouais. Bah, tu fais ça sans truc là où tu te déboîtes les pieds. Romano franchement... était déjà beaucoup plus malade que toi. Il a failli. Qu'est-ce que t'as failli avoir? Il a eu une appendicite en plein milieu de l'émission. Alors il c'était de la gastro. Je m'étais pété le genou. Il s'est pété le genou. Et Gros. Il s'est pété le bras. Tu t'es tout cassé. T'avais rien, toi. Gros. Il s'est pété le bras. J'étais en vrac. Quoi, pété, pas complètement. Hein. C'était des petits trucs. Hein. Mais Cédric, franchement, bien joué. Hein. Bah ouais. On vient des vacances d'été. Tu reviens 15 jours. Tu repars un mois. T'as bien géré le timing. Avec un peu de chance, tu tires jusqu'à la Toussaint. Ah là, je suis en direct de Marseille. Alors attends, Cédric, j'ai reçu les dernières audiences, les audiences de l'émission d'hier. Ça continue de grimper. Tu sais que la courbe est à la hausse, mais alors d'une façon hallucinante depuis un mois et demi. Ouais, ça pas, j'écoute, ouais. C'est la même émission. Hein. C'est peut-être un peu mieux. Regarde, hein, les audiences, elles ont encore. Ah non, mais c'est hallucinant. Hein. Hallucinant. Mais qu'est-ce qu'on a changé dans l'émission? Je sais pas. Je sais pas. On a rien rajouté. On a peut-être enlevé un truc. Je sais pas. Ouais. Bizarre. C'est bizarre. Non, mais genre demain soir, t'es là? Demain matin, à 10h, je serai. Je sais pas trop. Pas dit, faut se calmer. Faut écoute, j'essaie de démonter Jiren Star. De me mettre comme toi. Ah, je vais l'exciter, dis donc, si je continue comme ça. La vie, elle est belle quand même. Ah. Demain, t'as rendez-vous à quelle heure, gros? 8h30. À 8h30, faut que je sois à la clinique. À 9h30, je vois le chirurgien. Ah, très bien, tu nous écouteras demain matin. Ah, oui. Eh ben c'est bien. À 8h, je suis dans le taxi, je vous écoute. Parfait. Eh ben on aura de la star qui va nous écouter demain. Et là, je pense que Diffoul, il pète un plomb. Si tu te fais opérer, si gros. Si le Belge lui annonce, voilà, je me fais opérer de la clavicule. C'est reparti pour un mois et demi. Et c'est dans ce cas-là, le Belge tire jusqu'à Noël. Diffoul, il va péter les plombs. Tu sais, et avec la chance que t'as, Cédric, ils vont t'opérer, hein. Non, voilà, on t'entend plus, Cédric. Et parle bien dans ton téléphone. Et vous savez, c'est le premier à vous chier dessus quand vous passez à l'antenne et qu'on vous entend mal. C'est-à-dire que, bon, ça peut arriver, tu parles dans ton téléphone, moi aussi ça m'arrive. Et Cédric, il est là, voilà, parle bien dans ton téléphone. Moi aussi, je parle mal. Tonique. Attends, là, tu m'entends là? Et toi, ça y est, là, c'est mieux. Là, c'est mieux, tu vois, quand on fait attention. Cette espèce de con Diffoul, à chaque fois qu'il me dit un truc, ça m'arrive. Alors, tu seras gentil de pas me souhaiter une opération. Non, mais je souhaite pas une opération, Cédric, ça va. Ça fait déjà 2 mois que t'es pas là, donc. Non, mais je pense que psychologiquement, il faudrait une assistance pour Diffoul ici. Ouais. Si tu annonces que tu te fais opérer, je pense qu'on sera obligé d'amener des cachets. Cédric est en train de gérer un transfert. Il va vous laisser, il va quitter Skyrock pour aller travailler avec Jerem Star dans son bain. C'est ça, Cédric? Tu vas pas nous faire un coup de pute comme ça, Cédric? Tu veux pas nous laisser pour Jerem Star? Mais jamais de la vie. T'as, il y a Team Racing, il a fait une pas mal. Non, TM Racing, pardon, 18 ans. Oui. Moi, 2 jours après avoir signé mon contrat, j'ai explosé mon poignet. 4 mois d'arrêt et 3 broches. Le mec, il a dit, il est content de boucher. Pour un poignet. Ah, mais en même temps, le mec, c'est bon. Eh ouais, il a eu 3 broches quand même. Il faut putain. Eh ouais, comme on dit. Ah putain. Bon, bah écoute Cédric, on verra demain, on aura des nouvelles demain soir. On vous tiendra au courant, vous serez les premiers informés, comme pour Kim Kardashian. Peut-être avant la fin du morning, hein. Ça dépend si je vois le chirurgien plus tôt. Hein. Comme pour Yves, bah, tu nous dis, tu nous appelles demain alors. Ouais, t'inquiète. Oh là, bon là, il y a un problème, ils vont m'opérer aussi du visage. Le chirurgien l'avait mon visage. Non mais ça, c'est... Je plus tard. Ça. Non mais là, demain, c'est juste la clavicule, rassure-nous. Ouais, non, demain, c'est que la clavicule, ouais, c'est chirurgien pour la clavicule. Et les côtes, ça reste comme ça, ouais, de toute façon, il n'y a rien à faire, ça. Bah, les côtes, j'ai un peu mal, mais ça va, ça se répare tout seul, ça. Et ton anus, ça reste comme ça aussi. Non, l'anus, c'est bon, c'est reparti comme avant. Voilà, comme en 40. Comme en 40. Voilà, je suis liquide, nickel. Mais tu sais que rien que ça, c'est pas normal. Non, mais tout va bien. Non mais t'as chier dur ou mousse aujourd'hui? J'ai chier dur. Non, j'ai chier dur aujourd'hui. T'es malade, non? Malade, et malade. Non, tout va bien, au contraire. Wow, connard, ouais. Non, mais ça, j'irai voir un médecin plus tard pour ça, ça c'est pas important. Bah, c'est pas important, t'as la chiasse continuellement depuis des années. Je serais toi, je m'en l'important, c'est la clavicule. Ah ouais, mais enfin, de chier, c'est on n'exagère pas en plus. Non mais d'avoir de la diarrhée perpétuelle, ce n'est pas normal, Cédric. Oui, c'est pas normal non plus, ouais. Mais vous savez, quand on vous raconte ça, parce que c'est marrant, parce qu'il y a Sam qui s'occupe des réseaux sociaux dans le morning, qui vient d'arriver dans l'équipe du morning, il est tout nouveau, il a 12 ans. Ouais. C'est Cédric qui l'a embauché. Cédric embauche. Voilà, j'ai été le chercher en sixième. C'est mon maître. Et Sam, il faisait, parce qu'il écoutait l'émission avant de travailler ici, et il fait, mais je sais pas si c'était vrai tout ce que vous disiez, en fait, si. Romano passait matinée à chier. Ah non, on parlait de toi Cédric là sur le coup. Ah mais toi aussi mon pote. Eh bien détrompe-toi, exceptionnellement en général le lundi matin Chimaras. Eh ben lundi matin que dalle. Non mais matin vous avez une partie du morning qui était à l'arrière. Bah oui, parce que une partie du morning du lundi matin est faite en direct des toilettes par Romano. Non mais c'était le lundi d'avant. Non parce qu'en général le week-end je picole pas mal et le lundi je l'évacue en crotte. Et ça pendant qu'on vous réveille le matin. Mais par contre, bah non mais c'est mon heure pour chier. Rien, oh, moi j'ai remarqué Rémi des infos, il chie sa race. Ah ouais, il chie aussi. Il est malade, il est comme toi. Putain, mais il est comme toi, ouais. C'est abusé. Ouais. Ah, tu c'est abusé. Ouais, ouais, non, bah Cédric, tu ne sens pas bon non plus. Ah, hein, il est content de carrière. Ah, mais moi je supporte mon odeur, je supporte pas la tienne, gros. Et ouais. Ton odeur, tu la supportes, bah, t'as bien du courage. Ou alors tu as un problème de gay. C'est un surhomme, Cédric. T'es un super héros, Cédric. Ah non, mais si. Ça pourrait arriver à super toi. Tu es Pas pire que Rémi, gros. Rémi, c'est abusé ce qu'il fait. Ah ouais, Rémi, moi, gros, ça sent les antilles, ça sent tout mélangé en même temps. Ah bah l'autre fois, j'ai failli dégueuler, quoi. Ça sent les antilles. Je voulais aller pisser, j'ai pas pu. C'est dur, hein, la vie. Ouais. Ah, vous avez vu, hein. Bon, tiens, pour te remonter le moral, Cédric. Comment vas-tu, boule de pu? Alors, ça va. Jérém Star, tu nous as dit donc que c'était un star que tu aimerais rencontrer. Et là, on a Bob qui est au téléphone avec nous, qui voulait réagir pour ça. Bob en direct du 02. Salut Bob, il est où, il est là? Salut, l'équipe. Ouais, Bob. Salut Bob. Salut Bob. Donc, tu as entendu, Cédric aimerait rencontrer Jérém Star. Je connais pas. C'est lui. Bonjour, Vermine. C'est un mec qui fait des interviews de stars de la télé-réalité dans son bain. Ouais, c'est ça. C'est son concept et Cédric aimerait terminer dans son bain. Ah ouais. Ça, le couronnement. Ouais, mais bon, quand même. Non mais t'imagines le couronnement de la carrière. Ouais. Non mais ouais. Un truc. Ah bah ça. Tu te retrouves dans le bain de Jérém Star. Ah ouais. C'est beau. Ah, moi je serais Cédric, j'irais. Ah, mais il va y aller. Je sais pas Cédric, j'y vais pas. Non mais il va y aller. Moi non plus. Cédric, il va y aller, t'inquiète. On est sur jamais le de la vie, mais jamais de la vie, gros. Et donc toi, tu t'appelais pour réagir par rapport à ça? Lui, il a déjà rencontré une star. En fait, moi, j'ai déjà rencontré plusieurs stars, mais une en particulier qui un jour m'a fait un peu bader, quoi. Je savais qu'il fumait, mais j'étais à Amsterdam avec trois potes. T'as rencontré Snoop? Et non, pas du tout. Wiz Khalifa. Stallone. Stallone, en fait, qui était dans un coffee, parlait avec le patron. Il faisait quoi? Il fumait des joints? Sans fumer la tête? Il fumait des joints, c'est ça. Ah, Stallone, il se drogue. Dans la table d'à côté. Adrien, passe-moi un joint. Adrien, fais fumer. Mais il est pas tout jeune, il a quel âge? Il a 70 ou au moins 60 ans. Bah, ouais, je sais pas du tout, mais. T'as fumé toi aussi, Non, si, t'as fumé, pas. Ah, si, là, t'es rabat, là, un peu, là. Bob, t'es foncedé, là. Putain, merde. La décompression du boulot. Ouais, c'est ça. En fumant un gros joint. Stallone, il a fait tourner Loinge ou pas? Non, pas du tout. Ben, on y a pas parlé, en fait. Moi, c'était pour savoir. En même temps, quand tu as des sacoffies, tu fais pas tourner ton. Non, mais moi, tu connais pas. Non, mais moi, j'ai compris. T'étais tellement défoncé. 70 piges. Et en fait, il était tellement défoncé, gros, qu'il a vu Stallone dans un coffee. Non, apparemment, c'était lui. Non, mais après, même au début, on a cru que c'était un sosie ou quelque chose avec des potes, quoi. Mais, quand on l'a vu, en fait, sur le coup, prendre des photos avec le patron, c'est pas étonnant. Oh merde, c'est vraiment lui, quoi. Pourtant, j'en ai vu. J'étais saisonnier à la base, je travaillais même encore. Et j'en ai vu plusieurs des stars, mais Stallone qui fume des ouanges. Il y a quelques mois, il y avait la fille d'Obama qui s'était fait cramer aussi. Elle fumait des ouanges. Amsterdam, ouais. Elle était là-bas et tu sais, il lui avait mis des agents de sécu et tout. Ah oui, obligé. Stallone était Stone, nous dit Samy. Non, mais moi, je sais pas. Karim, je suis pas, pour une fois que t'as dit un truc pas con, t'étais pas complètement défoncé. Ouais, t'étais pas rabat, et je sais pas, il y a un mec un peu baraque qui est rentré, ou je sais pas, ils ont mis le son de Rocky. Rocky. Tiens. Ils ont mis le son de Rocky dans le coffee shop parce qu'en Hollande, ils adorent Rocky. Ouais. Ah, et là, tu t'es dit. Oh, les gars, il y a Stallone. Putain, trop fort le coffee shop. Ah, Bob. Trop bien, la pub. En fait, c'était juste un poster au mur. Ouais. Oh, putain, il y a Stallone au mur. On a tapé des barres, on avait envie de tuer Adrien. T'aurais dû faire une photo, genre. En plus, bien défoncé, quoi. Bah, ah ouais, t'as pas de photo. T'aurais dû, mais bon, non, pas du tout. Ah ouais, t'étais défoncé si t'as pas fait la photo, si t'étais défoncé. C'est Amsterdam, hein. Ah, c'est Amsterdam. T'es resté combien de temps à Amsterdam, toi, Bob? Oh, bah, j'y étais plusieurs fois ce week-end-là. C'était un week-end de deux jours, en fait. Ah, d'accord, juste un week-end, d'accord. Je croyais que tu travaillais là-bas. Non, il a dit, il a travaillé en Corse, et en Corse, t'avais vu pas mal de stars. Ouais, ouais, j'en ai vu pas mal en Corse. Ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup l'été, ouais. Qui se défonçait la gueule ou pas? Ah, bah, normal, hein. Normal, toi. Très bien, on peut lancer un sujet. On n'a jamais lancé celui-ci. Vous avez rencontré des stars qui se défoncent la gueule. Réagissez sur le 41-759, l'appli, tout ça. Et t'as vu qui? En star. Ah, en star. Bah, j'ai vu Tony Parker. Ouais. Sur son yacht, en train de foutre le bordel avec tous ses amis, à mon avis. Tu l'as vu de loin, alors? Bah, posé sur son yacht. Moi, je travaillais sur le port de Calvi, en fait, en Corse. Ah, cool. Donc, en fait, je le voyais direct. Yannick Noah aussi. Ouais. Ah, fonce-dé, lui, non? Bon, tranquille, lui, en mode nature, quoi. Claquette, short, prochaine bouteille d'eau. T'as eu de la chance. T'as vu Yannick Noah en claquette, il est sur pied nu. Toujours du pied. Bah, c'est clair. À mon avis, il était défoncé. S'il a mis des claquettes, s'il était pas pieds nus, Yannick. J'avais une feuille devant, une feuille derrière. En fait, plein de monde, quoi. Vincent Lagoff. Waouh! Alors, on reste deux cran là. T'as gardé les meilleurs, mais c'est l'idole de Romano. Ah, je cherche, je l'ai dit tout à l'heure en plus, je cherche un. Non, mais c'est marrant. Et il y en a qui sont venus te voir, t'as discuté avec, ou alors c'était juste les amis? Non, ils sont carrément venus manger en fond d'un resto, du coup, je les voyais directement. D'accord. Ils sont sympas ou t'as des gros cons? Vas-y, balance un gros con. Bah, le plus sympa, ça a été Crashman. Je m'y attendais pas du tout avec la porte. Crashman. Je crois, non, c'est pas Crashman. Jean-Luc Crashman, ah, c'est ça. Jean-Luc Crashman, et 12 coups de midi. Ah ouais, parce que justement, lui, on nous avait dit qu'il, a priori, il était pas super sympa, tu vois. Ouais. Comme quoi, ça n'est pas peut-être des mots. C'est vrai, tu l'avais arrivé. Il était dans une journée cool, il était avec sa famille, la porte aussi, Ah, Bernard Laporte. Ah, le show. Bernard Laporte. Ouais, lui, il est cool. Ouais, avec ses lunettes. Ouais, ouais, bah, ils étaient ensemble. En oh, fait, le roux, lui. Oh là, je vais faire un plaquage. Je vais plaquer le petit Bob, là. Cédric, t'es encore là? Oui, il souffre. Ouais, je suis là, ouais. Eh, toi, t'avais rencontré Jean-Luc Reichmann, il t'avait mis à l'amende, je crois. Ouais, franchement, il était pas sympa, moi, j'ai pas trouvé cool. Après, ça dépend quand tu vois les gens. Mais ça dépend comment tu l'as abordé aussi. Si un jour il est énervé, si t'es arrivé vers lui et que tu lui as fait. Salut les filles. Non, j'ai pas fait salut les filles, non. Tu m'avais montré avec des potes, en fait. J'ai un pote à moi, je voulais faire une photo avec lui. Devant un stade à Lens. Oui. Et le mec était là avec un mec genre qui se prenait pour un keuf et ça racontait le mec genre. Mais t'es sûr que c'était lui déjà? Non, c'était lui, ouais, j'ai reconnu sa gueule. En fait, il allait voir Nagui, il lui fait ouais, Jean-Luc Reichmann, je te vois à la télé. Il a une tache sur la gueule là. Mec, rien à voir. Les taches de vin. Mais est-ce que dans la vraie vie il fait des bruits? Bah là, il a pas le temps de faire de bruit là, tu vois, il a fait le mec. Mais après, c'est vrai, ça dépend dans quelle. S'il a une journée de merde. Quelle circonstance, ouais. Et que tu le rencontres et que t'arrives. Non, mais je vois bien genre, je vois bien Cédric arriver, tu sais, en toute discrétion. Voilà, il y a Jean-Luc Reichmann. Ouais, Jean-Luc. Là, t'as le stade, tout le monde qui arrive. Non, ouais. C'est tous les Lensois. Ouais, Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc. Ah. Je comprends qu'il ait été plus sympa avec Bob qu'avec toi. Du coup, il y a Amy qui l'avait avec toute sa classe. Il avait été super cool. Il a fait une photo. Ouais, regarde, ouais. Super gentil avec les gens. Jean-Luc Reichmann nous dit Amy. Il a signé un autographe et fait une photo avec toute notre classe à Paris pendant un voyage. Donc, tu vois, c'est vraiment toi, Cédric, en fait. C'est ça. Bah ouais. Bah oui, c'est ça. Et alors, tu nous as dit le super gentil et un super pas gentil? Un super pas gentil, non. Bah la gaffe, quoi, quand il était con dès le matin, un petit peu con. C'était le matin, son café. Bip bip. Ah, vous avez mal fait le web, avant de con. Ouais, en fait, Johnny bip, Depp aussi. Et Johnny Depp et Vanessa Paradis que j'ai croisé aussi. Et alors? Là-haut. Bon, seulement croisés, hein, ils sont pas venus manger au resto. Ah, t'as pas sauté John Taxi? Non. Et lui, il était déguisé en pirate des Caraïbes. Et elle a marché à Jean Taxi. Ouais, je suis sur mon bateau. T'as raison, ouais. Oui. Bon, bah merci. Il a la même tête. Bah, cool, bah merci à vous. Bah, merci du coup de fil. Et si vous avez des trucs à raconter comme ça, n'hésitez pas le soir à nous parler. Jennifer a travaillé à l'aéroport. Le plus sympa qu'elle a vu, c'est la fouine, a dit. La fouine était sympa. C'est cool. Il est sympa, le grand Lafouine. Oui, sympa. Elle bosse et à Roissy. Savoir s'il y avait moyen de gratter un petit maillot Skyrock. Eh bah, il y a moyen. Ah bah, avec plaisir. Allez, on t'envoie le maillot dans le 02. T'es où dans le 02? 51. Neuilly Saint-Front, entre Château Thierry 60, je sais pas. D'accord. Petit patelin. Eh ben, salut, petit patelin. Apparemment, oui. Salut Bob, raccroche pas. Allez, merci, ciao. J'ai vu des stars, mais sobres. Ah ouais, d'accord, ok. Donc. Non, mais vous pouvez nous dire aussi si vous avez vu des stars sobres et des gens cool. Pourquoi tu ris? Parce qu'avec Karim, on a vu un message drôle. Mais vous n'allez pas comprendre si vous ne connaissez pas. Il y a Olivier d'Espagne, il a dit, moi, j'ai vu il y a 13 ans Pierre Lègle et Sonny Anderson. Mais Pierre Lègle, c'est un joueur. Genre, il a une moustache et tout. Je sais pas. Sonny Anderson, je connais. Ouais, c'est lyonnais, non? Ouais, maintenant, il est sur Lyon, le sport. Ouais. Si, ouais. Ouais, à Marseille Pierre Lègle aussi. Ouais. Pierre Lègle et à Monaco aussi. Ouais. D'accord. Très bien. Pierre Lègle, bon. Bon, Romano, t'as un bug à nous faire traduire dans un instant. Allez, si vous voulez, pour un FIFA 17 encore. Et ouais, un FIFA 17. Et puis, on a plein de réactions aussi qu'on a eues depuis tout à l'heure pour Phil. Vous savez, avec la meuf... C'est l'amant, ouais. T'es l'amant de cette meuf, Phil. Il est sur quelle ligne, Phil? Parce que j'ai plus sur la 4, je crois. Sur la 4. T'es là, Phil? Allô? Ah, voilà, ouais, je t'ai trouvé. Donc, Phil d'Orléans, en 26 ans, et donc tu sors avec une meuf depuis... Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Moi, bon, ça va faire un mois, à peu près. Un mois? Ouais. Attends, moi j'avais... Ah ouais, ça, oula, ah moi je pensais un an. Ah moi je pensais que ça faisait plus longtemps. Ah ouais, ah, non. Ouais, mais un an qu'il est en embrouille. Bon, elle est avec un mec et ah ouais, mais elle va peut-être pas te laisser tout de suite parce qu'on en... Pour résumer l'histoire, Romano, vas-y, parce que je vais avoir du mal. Alors résumer l'histoire, t'as rencontré cette meuf, elle a un mec. Comme tu résumes bien. A priori, cette meuf, bon, avec le mec, ça se passe pas super bien, d'après ce qu'elle t'a dit. Il est violent avec elle et en gros, elle aimerait le quitter pour se mettre avec toi, mais elle a peur des représailles. Voilà, alors... elle m'envoyait des messages. En fait, tout à l'heure, j'ai envoyé un message, machin. Et tout à l'heure, là, elle m'a renvoyé un message en me disant comme quoi qu'il fallait pas que je l'appelle, qu'elle avait réussi à récupérer son téléphone, que demain elle ne va pas au travail, qu'elle ne peut pas sortir, qu'il va la suivre, qu'elle est dans l'autre chambre et qu'elle ne peut plus que j'envoie de SMS. T'as les preuves de tout ça, toi? C'est pas tombé sur une meuf qui, je sais pas, enfin, tu vois. Non, franchement, non, loin de là, franchement. Non, parce que tu as jamais vu le mec, toi, tu en sais rien de cette histoire. Non, mais en fait, je sais où elle habite. Oui. Je sais où est-ce qu'elle habite, tout ça. Non, mais tu connais pas le mec. Oui, après, tu vis pas dans leur maison, quoi. Ouais. Tu vis pas avec eux, tu vois pas ce qui se passe réellement. Ouais, mais ça se trouve, elle a même pas de mec, elle vit toute seule. Et puis la meuf qui dit au bout d'un mois, qu'elle a envie de se mettre avec toi, qu'elle veut le quitter, tout ça, c'est quand même, ça va vite, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, cette histoire. On a des réactions, on va les prendre, Phil, hein, tu bouges pas. En fait, regarde, le truc, c'est que, c'est vraiment la peur, je pense. En fait, ça va plus, je pense que moi, en fait, du coup, dans l'histoire, mais est-ce que t'es sûr que ça va plus? De quoi? T'en sais rien. Est-ce que c'est pas le même truc quand un mec il est avec une meuf qui saute comme ça et qui dit ah je vais quitter ma femme et là je peux pas, alors écoute elle est en dépression. Ouais, c'est vrai, je peux pas, parce que pour un peu elle est dans ce délire là, mais dans l'autre sens. Quand même, faut se méfier. La meuf peut raconter n'importe quoi. Bah tu vois, il y a Patrick qui nous laisse un message. Ils passent du temps ensemble, ils discutent. Je pense qu'elle joue pas la comédie tout le temps, quoi. Enfin, j'espère. Bon, en tout cas, oui. Bah si c'est bon, si c'est pas la comédie, c'est triste, quoi. Bah, si c'est pas la comédie, faut qu'elle se barre. Même sans toi, je veux dire, elle est pas obligée d'avoir un autre mec pour quitter ce type. Un type qui te tape, faut enfin, partir. C'est pas un cas isolé, hein. Il y a plein de nanas qui sont dans ce cas-là, malheureusement. Mais il faut partir. C'est ce que vous disiez d'ailleurs. Il y a des filles qui laissaient des messages tout à l'heure et qui avaient vécu à peu près la même chose. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disaient c'était pas facile de se séparer parce qu'on a l'impression de quitter quand même quelqu'un qu'on a aimé, tout ça, donc c'est compliqué. Un mec qui te tape sur la gueule, bon, logiquement, c'est assez... Bon, bouge pas, il y aura Alex qui est avec nous. Il est où, Alex? Ouais, Alex. À Sarreguemines. Salut l'équipe. Qui a été amant, mais salut Alex. L'histoire s'est mieux passée, vous allez voir. Ouais. Ouais. Ça va, Alex? En fait... Non, tu vas nous raconter dans un instant, parce pas qu'on de mette, panique, Alex. Faut qu'on mette les dernières pubs de l'émission. Ah, mettre un peu de pub pour payer mon salaire. Et c'est très cher. Ah, Romano, arrête de gratter de l'argent. Ah, mais là, j'ai pas le choix. Là, on est obligé de passer de la pub. Eh ouais. Après, ça dès qu'il gradure. Faut bien vivre. Exactement. Et puis Estelle aussi, qui a un petit conseil pour t'aider aussi, pour aider les meufs à qui ça arrive. T'es là, Estelle? Oui, bonsoir, équipe. Bonsoir, Estelle. Comment vas-tu? Salut, Estelle. Mais ça va, bonsoir, ça fait plaisir de vous entendre. Bah, c'est gentil de nous appeler, surtout pour aider Phil et cette histoire qui est un peu compliquée, parce que c'est vrai, elle te met dans sa vie déjà, dans tout ce qui se passe dans sa vie. Au bout d'un mois déjà, tu sais tout. Après, tu sais pas si c'est vrai. Après, elle te dit qu'elle veut pas te montrer des photos du mec. Après, t'as jamais vu le mec. Tu as jamais vu ce qui s'était passé. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de... Ouais. Mais est-ce qu'elle est déjà arrivée, par exemple, avec une marque? C'est une marque. Oui, oui, oui, elle a des marques, genre au niveau du au niveau des, tu sais là, les bosses là, au niveau de la main là. Tu vois, je sais pas, les phalanges. Ah, les phalanges. Voilà, au niveau des phalanges et tout. Ouais, ouais, elle a des marques, elle a des comme des coupures. Ça c'est plutôt quand tu tapes ça. Ouais. Tu as des ouais, marques au niveau ouais. des phalanges. Ouais. Elle a des, enfin, ouais. mais c'est des coupures quoi. Elle a une autre trace aussi au niveau du poignet, de l'avant-bras où c'est comme si c'était coupé. Mais t'es sûr que c'est pas elle qui se le fait quoi. Après bon, on est peut-être complètement parano, ouais, mais non, mais depuis t'as dit que ça faisait quand même que vous étiez ensemble. Après, je comprends. En fait, après, je comprends dans le sens où, enfin, je vous dis ma version. Donc après, forcément, vous savez pas, vous voyez pas les choses en vrai. Attends, donc en fait, c'est vraiment sur des dires. Mais je peux vous garantir que c'est pas une personne fausse. C'est enfin. Je connais depuis un mois. Ah, bah, oui, quand tu la vois, et que, enfin, j'ai déjà vu le gars l'appeler. T'as déjà rencontré des. T'as déjà rencontré des gens, au bout d'un mois tu connais pas les gens. Ouais, mais là c'est différent, ils ont quand même des relations intimes, ils passent des week-ends ensemble, ils discutent. Alors je suis peut-être complètement parano, mais bon. Ouais, je pense que vous êtes un peu parano. Mais non, mais dites-nous ce que vous en pensez. Non, franchement, c'est marrant quand tu mets. Toi aussi, Romano, t'es parano. Ah ouais, non. Avec Romano, on est deux gros parano. Non, parce qu'à ce moment-là, tu sais, bon, qui t'a parlé cash. Tu sais, si, admettons, bon, peut-être que c'est vrai, hein, attention, on n'est pas dans l'histoire. Non, mais si c'est vrai, elle est dans la police, elle comprend pas qu'il faut se barrer, tu vois, c'est quand même chelou. Si bah, c'est... elle a peur, elle a honte. Non, mais les marques, pour moi, ça serait plus genre le mec. C'est à lui d'avoir. Un mec qui tape une meuf, il va plus lui mettre une tarte, tu vois. Mmh. Non, oui, plutôt alors... que des marques sur les phalanges, ouais. En général, quand t'as des marques sur les phalanges, c'est toi qui tapes. Ouais, je sais pas. Bon, on en sait rien. Après, il y a des mecs qui tapent pas sur le visage, justement, pour pas que ça se voit, hein. Oui, peut-être aussi. Bon. Je ne sais pas. Ce n'est pas ma spécialité. Mais en tout cas, si ce qu'elle t'a dit c'est vrai, Phil, faut qu'elle se barre. En plus, elle devrait savoir. Elle est dans la police. Bon, on y revient de toute façon. Ça va être intéressant. On va en parler ensemble. Dites ce que vous en pensez. Allez-y. Et puis nous, on écoute Gradure et Sadek et Gradure sur Sky. Dans le morning de Default sur Skyrock, on t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné, Fabien. Ouais, Fabien. Bravo, Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une. Une supérette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. Vous me donnez 200 €, n'en parle plus. Eh ben tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle moi. On se fait de nouveaux amis. C'est soprano. C'est qui le soprano? Soprambaba. Non mais vous êtes un des tranquilles ou quoi? Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui? Sortir avec Romano? Ah ouais. Oh. Toi aussi, réveille-toi avec le morning de Default tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1 Tera Collector Final Fantasy XV, la console Collector Xbox One S Battlefield 1 Vermilitaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr sous condition de réservation. Concert Skyrock. Proche, écoute, hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un journal de la Sniper revient sur scène. Sur scène, ils ont choisi Skyrock. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert unique. En concert avec Skyrock, 22 novembre, Zénith de Paris. Toutes les infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Tic-tac-tic, c'est l'horloge biologique qui s'emballe. Parents, au 71777, quand aurez-vous un bébé? Très bientôt, pas tout de suite. Parents, P-A-R-E-N-T, au 71777. Nos experts vous diront quand, vous diront combien. Un bébé? Votre enfant? Parents, au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. 21h minuit, Default, Radio Libre, tous les soirs sur Skyrock. Et le son que j'avais promis, il arrive, Sadek Gradure. Et dans une demi-heure, on vous offre, même pas une demi-heure d'ailleurs, on vous offre Joule, les concerts de Joule à gagner sur Sky. Je traînais dans le soir, empilé, poche vide et les gobelets. Nickel casino, je les ai fait, j'en sais de croupier. J'étais au Clio, dans les poches, j'avais un féfé. Hein? Bah tu connais. C'est toujours le même putain d'épisode. Ils vont encore faire semblant de nous aimer. Ils nous verront toujours comme des microbes. Peu importe la taille de leur télé. Pourtant tu m'en veux, tu m'en vis. La sacoche est remplie. Je crois que je vais tout baiser. Finir sur BFM TV. Bébé, tu le sais. Si je pense pas te voir, c'est que je suis dans la merde. Un jour, je viendrai sans prévenir et je te dirai Anna. planète. Avec tous cinq sur la même canette. Vécu dans la précarité, pas la même planète. J'ai ma vie pour le genre, même si c'est la merde. Tous les jours, les cœurs vous emmènent. Sa mère, un jour, je partirai loin d'ici et je te dirai oh, allez. J'ai explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on se tire dessus, tirons-nous d'ici. Sur Skyrock, c'était Sadek et Gradure. Le gros son, encore un gros son découvert sur Sky. Salut Gradure qui nous a bien fait rigoler ce matin dans le morning avec Franck Ribéry, c'était marrant. Oui. Ouais, Gradure à l'hôtel. Bon courage si vous êtes dans la chambre à côté. Bon, salut Gradure. Gradure, Sadek et The Weeknd et les Daft Punk à écouter avant minuit. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Ah, merci à vous pour tous les messages que vous laissez. Messages de soutien à ta copine, nouvelle copine. Phil en direct d'Orléans avec nous, avec la story que tu nous as racontée tout à l'heure. Alors, on va écouter les témoignages d'Alex et de Estelle. Alors, Alex, c'est une belle histoire puisque tu es l'amant d'une femme et que ça s'est bien passé puisque toi, elle s'est barrée avec toi au final. T'as 25 ans et tu es à Sarreguemines. Bonjour. Ouais, c'est ça, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, t'as donc cette meuf, tu l'as rencontrée où? Moi, en fait, cette meuf, je la connaissais depuis toujours. Oui. Et avec le temps, on s'est perdu de vue. Puis elle a eu une aventure avec un homme, pareil, pendant 5 ans, comme Phil. Donc, ça, c'était son histoire. C'est excitant d'être l'amant d'une fille déjà prise. Faut pas que ça dure longtemps. Ça peut être chiant, quoi. Au début, c'est excitant. Romano, il a piqué carriole à un Italien. Ouais. Mais il a eu de la chance parce que un bourrin d'ailleurs. Oui, qui chiait la porte ouverte et Cariole au bout d'un moment elle pouvait plus l'entendre péter, donc elle a décidé de choisir Romano qui pète discrètement. Ouais, qui faisait des cris chelous aussi. Je pète avec classe. Et il poussait des cris d'animaux. Non mais c'est vrai que c'est un côté excitant toi c'était excité ou pas cette histoire de savoir qu'elle avait un autre mec et qu'elle te choisissait toi et que vous aviez une histoire secrète. C'est clair. Elle mettait du piment en fait dans tout ça quoi, parce qu'à la base moi elle c'était simplement un plan cul, quoi. Hein. Oui, pour toi, c'était un plan cul au départ. Voilà, c'était un plan cul, et après, au fur et à mesure de se voir, t'es tombé amoureux. Les sentiments commencent à naître, et voilà. C'est ce qu'on souhaite à Phil aussi. Voilà, ouais, c'est ce que je lui souhaite. Le truc que sa femme doit faire, c'est que elle doit se poser avec son compagnon actuel, et qu'elle doit lui expliquer que ça va plus et qu'ils doivent se quitter sans lui dire qu'elle a trompé, quoi. Mais pour cette histoire, en fait, c'est assez simple. Si elle se fait taper, il faut qu'elle se barre. Alors c'est vrai que c'est pas facile tout le temps. C'est d'autant plus simple. Si elle a pas envie d'aller porter plainte, elle peut se barrer sans porter plainte. Après, si le mec la poursuit, tout ça, il va falloir voir ça. Oui, il faut qu'après que le mec il se détende aussi, oui. Voilà, ça c'est bien. Après, la justice, elle parlera d'elle-même, de toute façon. Non, mais alors, un gros coup de pression si elle a un grand frère ou quelqu'un, tu vois. Voilà, ouais. Il y a un message qui m'a fait rigoler. En plus, c'est un message, c'est 15 ans dans le 78 qui nous a laissé le message. Merci à toi 15 ans, et c'est vrai que t'es pas con. Il fait, c'est simple l'histoire. Elle se barre et Phil la protège. Et si Phil sait qu'elle se fait taper, il va porter plainte. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. C'est vrai. Il est pas con, 15 ans. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Donc c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est plus simple. Quand on est dans l'histoire, je te comprends, Phil, c'est un petit peu plus compliqué là. Estelle, toi t'es à Lille et. Oui, je suis à Lille, oui. C'est arrivé à ta meilleure amie, ça, toi. Oui, voilà, c'est encore d'actualité maintenant. Ah merde. Donc j'ai ma meilleure pote qui est avec quelqu'un depuis 5 ans. Elle a eu un petit bébé qui a 4 mois. Donc lui il l'a frappé. J'ai été témoin plusieurs fois. Elle a eu la lèvre gonflée, etc. Mais elle te le disait. Elle te le disait et puis je le voyais, mais je le voyais surtout, voilà. Ah bah, souvent on le dit pas. Non mais genre il lui a jamais tapé dessus quand t'étais là, quoi. Non, il n'y a pas osé le faire devant moi, non. Il y avait peur des représailles, je pense, ou que je dise quelque chose. Et donc, je lui disais souvent de partir, mais je pense que ces hommes-là, ils ont une emprise psychologique sur la personne. Ah, mais c'est vrai, ouais, aussi, ouais. C'est ce qu'on dit, ouais. Exactement, ouais. Ils ont une emprise, même si elle, la personne, elle s'en rend pas forcément compte. Ma meilleure pote en question, elle se rend pas forcément compte de l'emprise qu'il a sur elle, je pense. Et elle a rencontré quelqu'un avec qui elle est plus ou moins depuis 2 mois. Donc elle a dit à son ex-compagnon qui l'a frappé, d'ailleurs ils vivent encore ensemble, de partir. Mais il veut pas. Et puis elle, je pense qu'elle a pas le courage de le faire parce qu'elle a pareil peur des représailles. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il la prenne en main et qu'il l'aide. À dire, prends tes affaires. Barre-toi, dégage. Dégage de là. Tu dois aller de la fin. Ah, on en revient à mon idée d'aller chercher les affaires quand elle n'est pas là. Ah oui, je suis tout à fait d'accord, Romano. Il faut la prendre par la main parce que ces personnes-là, elles ont besoin d'aide, même si elles le diront pas forcément. Et c'est vrai qu'elles ont besoin d'aide. Et puis au moins, elle saura qu'elle n'est pas toute seule et qu'elle peut compter sur toi. C'est quoi, ça, c'est voilà, elles ont besoin d'une aide. Elles le disent pas forcément, mais je pense que dans le fond, elles attendent que ça. Après, si tu t'es attaché à cette personne, à cette fille, toi, Phil. Non mais bon, c'est normal, ça te touche, c'est bien, prends-la en main et tu vois, ça lui donne de la force. Même si par la suite ils restent peut-être pas ensemble, au moins il aura la fierté de se dire qu'il a aidé quelqu'un quand même. Oui, et puis sur le moment t'as pas envie de le faire. Donc, c'est vrai qu'une meuf qui se fait taper, bon, quelqu'un qui se fait taper, c'est pas super, mais une meuf qui se fait taper, c'est grave. Voilà. C'est moche. Ouais. Si l'amour entre guillemets ça peut aider, parce que moi j'ai pas pu l'aider malgré que je le dise, des fois on est aveugle, et encore maintenant, il faut qu'elle prenne ses affaires, je lui dis constamment. Mais si lui il peut l'aider, qu'il le fasse et qu'il attend pas. Non mais surtout s'il lui gonfle le visage, quoi, c'est quand même. Surtout voilà, j'ai ma meilleure amie, je lui ai déjà dit plusieurs fois, écoute, si tu vas pas porter plainte ou que tu réagis pas, j'irai le faire pour toi, parce que on peut pas laisser une personne. Ouais, ça doit être frustrant pour toi en plus de rien pouvoir faire. C'est frustrant parce qu'on lui dit constamment et elle dit d'accord et qu'elle agit pas, mais je pense que c'est plus par peur. Oui, c'est ça. Après Phil, il a dit un truc tout à l'heure, il a dit elle a honte. Mais il faut pas avoir honte. C'est vrai que c'est facile à dire. C'est plutôt le mec qui tape qui devrait avoir honte. Ah bah oui, c'est clair. Voilà, ce sera baissé, mais on la met en sous-position, quoi. C'est toujours pareil. Bon, on la rabaisse. Pour résumer, Phil, les conseils qu'on peut te donner, après, tu fais ce que tu veux. Mais les conseils qu'on peut te donner, c'est déjà de rester à côté d'elle. Ouais. Le conseil de Romano, qu'elle se barre et d'aller chercher les fringues et tout le reste. Ah oui, pendant qu'il n'est pas là, ouais. Voilà, vous faites ça une journée ensemble. Ça, c'est pas mal. Si tu t'es déjà super attaché au bout d'un mois, c'est un peu rapide, mais bon, tu t'es peut-être attaché, tu peux la prendre chez toi. Ouais. Tu vois, elle a des solutions au final. Alors, après là, le truc, c'est que en fait, bon, comme elle disait là, la fille Estelle France, ouais. le problème, il est que justement, elle a peur. Combien de femmes aujourd'hui se font frapper, ne disent rien. Ouais, mais bon, ouais, toi t'es là aussi, tu vois. Donc, mais si, là, tu vois, au moins elle t'a parlé, donc c'est bien. Ce que disait Estelle, t'es pas seul en soutien. Tu t'es pas loin, tu peux l'aider, tu peux lui filer un petit coup de main, tu vois. Non, mais déjà, ça va lui donner de la force. Si elle se sent moins seule, déjà, elle en a parlé. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a plein de nanas qui en parlent pas. Oui, c'est vrai, oui. Ou alors si t'as vraiment des couilles, tu la prends et tu lui dis bon maintenant tu vas faire ce on que je te va. Dis. Ouais. Et après j'ai pas envie qu'elle se sente un peu. Si tu dis tout le temps après Phil, au bout d'un moment t'arriveras à rien. Cherche pas de solution. Ouais. Donc au bout d'un moment où tu vas voir le mec, tu lui dis tu te calmes, t'arrêtes de taper sur une meuf, ça m'énerve. Hein, déjà ça peut être une première solution. Ouais. Ou alors tu vas porter plainte à la police parce que tu sais qu'elle se fait taper et tu peux porter plainte, elle te l'a dit. Et c'est ce que disait 15 ans tout à l'heure. T'es pas con toi 15 ans. Et puis troisième solution, je vais faire plaisir à Romano pour. Ah. Enfin, même s'il a volé le message. J'ai rien volé du tout en plus. Tu lui files un coup de main et tu prends les affaires. Ça rejoint la première solution que je disais. Tu lui dis, tu fais ce que je te dis. Oui, ça c'est bien ça. J'ai pas quelqu'un un discours à faire comme moi ou pas. Oui, non, mais là c'était pas. Très beau discours, Difoul. Bravo, président. Bravo. Non, parce que c'est vrai, au bout d'un moment, si t'arrêtes pas de dire alors. Non, mais c'est bien. Et puis si tu connais un peu ses amis ou je sais pas si elle a un frère, une sœur ou je sais pas quoi, tu vois, il faut être tous soudés, je pense. Ça va l'aider. Tu vois, plus on est fort. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, ou quand t'as vraiment envie d'un truc, tu vois, si ça t'est vraiment insupportable que la femme que t'aimes elle se fasse taper, logiquement tu devrais réagir. J'aimerais pas être à ta place parce que c'est vrai que c'est pas ça. Ouais, puis arrête de marcher sur des œufs comme ça. Vas-y, prends le truc en main. Donc voilà, si t'aimes une meuf, tu lui dis d'un coup, tu lui dis voilà, moi j'en peux plus quoi, donc il faut faire quelque chose. Voilà, et c'est vrai que c'est pas facile. Tu le disais, Estelle, même toi avec ta copine, t'arrives pas à lui faire comprendre. Donc c'est vrai que ça sera pas simple. Hein. J'aimerais pas être non, à ta place non plus. Non. Ah oui. C'est compliqué. Non, je le dis encore maintenant. Puis elle vit encore avec, mais c'est compliqué parce qu'on sait forcément que tu vas recommencer à un moment donné et qu'elle est là, elle réagit pas. Mm. C'est pour ça. Si à la personne avec qui elle fréquente, j'ai discuté avec lui. Moi-même, j'y arrive pas et je lui dis si toi tu y arrives, fais-le. Mm. Non, mais déjà, l'avantage, c'est qu'elle a rencontré Phil, elle se sent bien avec lui, je pense que déjà, ça va lui faire du bien. Ouais, déjà, elle s'est confiée, c'est déjà pas mal. Déjà. Ouais, déjà, le fait qu'elle lui en a parlé, je pense que c'est déjà un bon point, et c'est un petit appel à secours pour lui dire, aide-moi. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, c'est ça. C'est vrai, t'es pas contre non plus. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est bien, Estelle. T'as raison. Bon, bah écoute, en tout cas, bon courage. C'est vrai que je te le dis, j'aimerais pas être à ta place. Phil, on va te reprendre, là, tu bouges pas, Phil. Et puis, si vous voulez encore laisser des messages pour Phil, que vous voulez lui filer un petit coup de main, n'hésitez pas, on prend, puis on peut te mettre en contact avec des auditeurs, des auditrices. Les auditrices qui voulaient pas passer à l'antenne, mais qui ont vécu la même chose, et qui t'avaient dit, il faut persévérer, ça sera pas simple, mais au bout d'un moment, elle se barrera, parce que sa situation, en gros, c'est insupportable. Bah, c'est impossible. Etc, etc. Oui, c'est clair, oui. Bon, ben merci en tout cas pour le témoignage. Bisous, Estelle. Bisous, Estelle. Bisous, merci. Si je peux passer une petite dédicace aussi. Vas-y, bon courage pour ta pote. Bah oui. Merci, c'est gentil. Une petite dédicace à Minouche et à MBOB. Eh bien, salut à Minouche et MBOB. Merci, Alex. Et puis, sois heureux avec ta. Merci à vous, l'équipe. Merci, ouais, Alex. Et bon salut, Alex. Il est au boulot, là. Ciao, l'équipe. Eh ben, bon courage au boulot. Bosse bien. Bisous, Alex. Tu fais quoi, Alex? Bisous. Moi, je suis au travail, là. Et il fait quoi, Alex? Tu fais quoi? Je suis Karine. Eh ben, car bien alors. Ah, bah, bon courage. Pour Continental, si vous avez besoin de pneus. Carre-moi une bite dans le cul. Ouais. Voilà, très bien. Salut Alex, merci à toi. Bisous Alex. Et merci pour les messages là. Il y a pas de souci. Voilà, les messages que vous laissez, je sais pas qu'est-ce qu'il y a Ted là qui nous dit s'il aime vraiment, c'est à lui de l'aider. C'est vrai, Ted Difool, t'as raison, c'est pas facile, mais c'est lui qui a décidé de solutionner le problème. Il faut qu'il y aille à fond. C'est bien, faut toujours y aller à fond. Là, mais sur le moment, si t'as envie d'y aller, fais-le. Hein, bon. On a qui au téléphone avec nous? Il y a les stars. Ah oui, les stars et les messages que vous avez laissés. On va venir. Nos amis les stars. Et oui, depuis que Cédric, depuis qu'on sait que quelle est ta star préférée, Jiren Star. Casse-toi avec ça. Ça a lancé un grand débat. Tu sais, un grand débat sur les réseaux sociaux. Jiren Star et deuxième, c'est Mathieu Delormo. Oui. C'est ça. Ah bah putain. Picou les boys and girls. Salut les filles. Bonjour, bonjour Vermi. Il est bien celui-là aussi. Oh ouais, appelle-moi Vermi. Faites une soirée tous les trois, ça peut être pas mal. Hein. Bon, on a les réactions de Maxime. Je sais pas ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il a rencontré, Maxime. Ah bah tiens, en parlant de Mathieu Delormo. On a Kima aussi. Jennifer Thompson, ouais. Qui travaille à Roissy. À Roissy, les pires étaient Laura Malagré et Delormo, des cons. Pourquoi? Et notre crème était Lafouine, adorable. Adorable. Bon, si vous avez rencontré des rappeurs aussi, dites-nous. Romano, tu voulais nous faire découvrir le dernier bug parce que tu as promis que t'allais offrir par générosité. Parce que t'es bon, man. Oui, je suis bon. Ouais. Je suis bon. On demandait un plus facile, donc là, on va en mettre un plus facile. Alors, un bug facile. Juste au-dessus du foot. Allez, facile, et ça vaut FIFA 17. Tac. Ah. Hop là. Donc, on essaye de découvrir ce qu'essaye de nous dire Romano. T'essayes de traduire, Cédric? Vas-y. Kima, t'es là déjà? Kima. Allô. Kima. Oui, allô. Oui. Allô, salut Kima. Salut Kima. On va régler un peu le téléphone. Un peu. Et Maxime de Nantes, t'es là Maxime? Ouais, je suis là aussi. Bon, salut l'équipe. Écoutez, toi. Tu as vu des stars? Oui, il a vu une star. Waouh. Et Kima aussi. Bon, écoutez bien, on va essayer de traduire ça. Maxime, tu vas voir, c'est pas facile. Kima, c'est pas facile non plus. Attention, accrochez-vous, c'est ça. Ah, facile. Axe, qu'est-ce que ça dit? Meuf. Non. Non. Dis quoi? J'ai pas compris. C'est meuf, il a dit. Meuf. C'est qui a dit ça? Cédric. C'est moi. Mais t'as pas le droit de jouer, toi, Kono. Ah, c'est d'abord. Si, du coup, il a dit que je pouvais jouer. Bah, ouais, j'allais dire cette meuf, moi. Tu m'as mal dit. Non, mais c'était cette meuf. Bah, bonne réponse sur internet de Kopocha qui nous a dit cette meuf juste avant toi. Eh ben, tu t'es fait baiser. De toute façon, c'était pas cette meuf. C'était cette meuf. C'est cette meuf. Écoutez. Cette meuf. Voilà. Ça, ça va mieux. Maintenant, je me sens des mots à une syllabe. Non, bah, on va appeler Kopocha qui a trouvé juste avant toi, Cédric. En effet, Cédric, t'as pas de chance, hein. Tu t'es fait baiser par Kopocha. C'est ça, ouais. Il y a les autres derrière qui avait trouvé aussi, mais alors Kopocha, vraiment, il t'a baisé. De peu, mais il t'a baisé. Et Didou, il avait dit extincteur. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, Didou. Ça va, mais t'étais pas loin. Ah, il y en a Juba, il avait dit extincteur aussi. Bah ouais. Et j'ai Nata Chao qui avait dit extinction. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça aurait pu, hein. Ceux qui ont envoyé les messages super vite dès le début du bug, là. Et Johan, je sais pas comment t'as fait pour trouver ça, mais on nous dit, il chante Drake. Ah non, pas du tout, non. I need a one day. Ah ouais, c'est clair. Bon, ben on a Audrey. C'est elle qui a trouvé en premier? C'était elle le message. C'était elle le message. Salut Audrey. Ouais Audrey. Salut. Salut Audrey. Audrey, bienvenue. Eh ben bravo, hein, dis donc. T'as niqué Cédric, mais de peu. Hein. Ouais, rapidité. Nickel. Ah bravo, on fait la vérification du bug, écoutez bien. Mais ça fait longtemps que c'est avec cette meuf. Attends, continue, c'est un peu électro. Pas mal. Et ben voilà, bien joué, tu es très forte. Et on t'envoie ton FIFA 17. Bravo. À la maison. Merci, t'habites... merci, c'est gentil. T'habites où ? À Angers. Et ben, un FIFA 17 en plus à Angers, c'est parti. Il est pour toi, tu me diras s'il est. T'aimes bien les jeux de foot ? Non, mais ça sera pour mon copain, je pense. Ah, tu vois. Ah, c'est mignon. C'est super, les filles. Merci, les filles. Bon bisous, Audrey. Salut à toi. Merci. Salut. Ciao, Audrey. Alors, t'as rencontré qui, toi, Maxime ? Les stars. Dis-nous pas que t'as rencontré Jérém Star. Cédric, qui va être jaloux. Hein. Non, fort heureusement, je l'ai pas rencontré. Fort heureusement. T'aurais pu prendre un petit bain avec lui, ça aurait été mignon. Bah ouais. Non, mais je parlais. Ah, d'accord. Je m'exprime. Bon, alors, t'as rencontré qui, toi, Maxime ? J'ai rencontré un rappeur français. Ouais. Sympa ou pas sympa ? Très sympa. Très sympa. Je l'ai pas reconnu. Ouais. Je l'ai pas reconnu tout de suite. J'ai rencontré la crime. T'as rencontré la crime, mais tu l'as rencontré comment, la crime ? Complètement par hasard. En fait, c'était il y a 2 ans. À l'été, j'étais parti avec ma copine en Espagne en stop. Espagne, ouais. Et sur le trajet du retour, on avait passé la frontière et puis il y a une voiture qui s'arrête, donc deux mecs. Puis en discutant, on lui fait, bah toi, tu fais quoi dans la vie ? Il fait, bah moi, je fais du rap. Je suis rappeur. On l'avait pas reconnu, on fait, bah t'as déjà fait un album et tout. Il me fait, ouais, j'ai mon planète rap sur Skyrock et tout. C'est cool. Donc en fait, t'as fait du stop, il y a la crime qui t'a pris en stop. Ah, trop cool. Ouais, c'est ça. Et moi, je l'avais pas reconnu. Il est sympa, la crime. Ouais, c'est cool. T'imagines, Cédric, ouais, il t'arrive la même. T'étais fan de la crime, toi, Maxime, ou En fait, je pensais que c'était Black Rim. Alors j'envoie un SMS à un pote, je dis, ouais, je suis avec Black Rim en voiture. Ah ouais, tu l'avais pas reconnu, ouais, t'es pas fan du tout. Ah non, il commençait à être un peu connu, quoi, mais c'est vrai que moi, je l'avais pas reconnu. C'est vraiment super sympa, quoi. Non, c'est marrant. Il nous a payé un coca. Bah, on salue la crime, libérez la crime, hashtag libérez la crime. Ouais. Salut la crime. S'il écoute, encore merci. Reviens vite. Et non, mais c'est marrant, parce que c'est comme si Cédric, par exemple, tu te baladais dans la rue entre 9h du matin et 21h, ou entre minuit et 6h du matin, tu sais, que tu fais une petite balade, un petit footing. Pépère, quoi. Ou un petit tennis, quoi. Voilà, un petit tennis. Ouais. Ou que tu vas chercher un truc à manger. Donc, c'est comme si à ce moment-là, passait à côté de toi une baignoire à roulettes avec Jérém dedans. Et qui te prenait en stop et qui te mettait dans sa baignoire. Coucou Verbiz. C'est vrai, hein. Et il écoutait ses sons dans la voiture. Il écoutait ses sons dans la voiture. Ouais, voilà, j'ai trouvé ça bizarre, il écoutait ses sons. Peut-être qu'il avait préparé un album, qu'il écoutait son album et t'as peut-être découvert sans le savoir son album en exclu international avant tout le monde. Parce que moi j'avais fait Marseille avec Laura Luciano, la FF, une fois on était en décapotable, il écoutait la FF, mais à donf, ouais, et on se baladait dans Marseille, c'était assez drôle. Ah, c'est cool ça. Ouais. Bah, c'est une bonne manière de faire de la promo, hein. Bah, ouais, en même temps, t'écoutes ton son à fond dans la décapotable. C'est vrai, c'est marrant. Il y avait une bonne femme, là, il y a pas longtemps, chez Nagui, là, qui racontait, la meuf était en Corse. Ouais. Et, elle parle avec Maître Gims, et elle l'a pas reconnu, en fait. Et il y a des gens, après, ils lui ont dit, mais c'était Maître Gims. Elle fait, ah, ouais, non, je savais pas qui c'était. Ah, Maître Gims. Ah, putain, ouais. Je l'ai pas reconnu parce qu'il avait mis des lunettes de soleil. Non, mais ouais, il a expliqué, les mecs. Mais il en a tout le temps, hein. Elle parlait avec lui, il avait des lunettes de soleil, il disait, ouais, il était super sympa, mais il parlait rien à voir avec la musique. Tu sais, je devais parler d'un truc, et elle a pas capté que c'était. Chez moi, j'étais chez moi avec une copine. Tu bosses sur Bean maintenant, ouais, sur Canal ou sur Bean ? Canal. Sur Canal maintenant, ouais. Canal. Ouais, je salue. J'étais chez moi avec une copine en pyjama et tout. J'ai un pote qui appelle, Ludo, qui me dit ouais, je passe avec un pote, ok, super. Et on discute pendant une heure. Et à un moment, bon, bah, on fume un petit peu dans le salon. Et il me dit non, mais il faut fumer à la fenêtre et tout pour les compètes. Mais oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Compète de quoi ? Mais ouais. Et j'ai compris une heure après qu'il avait signé Govou dans mon salon. J'étais en pyjama. Ah, tu savais pas qui c'était ? Mais non, je l'avais pas reconnu. Après, il m'a sauté. Ah, il a été reconnu, là. Non, mais on a rigolé. Ah, ça, t'as duré. Non, mais j'ai halluciné sur le moment, quoi. Ouais, puis ça aurait été sympa que tu fasses. Ah, par contre, je déteste l'équipe de Lyon. Il était à Lyon, là. Non, l'époque. Mais non. Les Lyonnais, c'est tous des connards. Non, mais il est cool. Bon, mais moi je l'avais vu pareil avec le même mec dans un resto vers chez moi. Et en fait, moi c'était quoi, il y a peut-être un an. Bon, il était avec Sidney Govou. Et en fait, je parle, tu sais, et je me dis putain, mais sa gueule, elle me dit quelque chose, quoi. Et à la fin du repas, je lui ai demandé, mais t'es pas Sidney Govou ? Ouais. Il m'a dit, ah si, si. En plus, il était passé dans les studios. Ouais, mais chez moi, je m'en souvenais plus du tout. En plus, quoi. C'est Carriole qui l'avait reconnu. Ouais, c'était elle qui l'avait reconnu en première. Première sur le. Et Carriole, numéro 1 sur le foot. Première sur le foot, c'est elle. Ah bah, incroyable. Elle a fait des progrès, des trucs de fou, mais un truc de dingue. Écoutez demain matin, vous verrez. Si on parle de foot, sûr. Ah, on connaît un rayon. Donc toi, la crime, Kima, t'es revenu ? Oui, allô. Ah, ça y est, on t'entend bien, Kima. Salut tout le monde. Salut, Kima. Salut. Donc, t'es à Nice et toi, t'es maquilleuse de stars. C'est ça. Oui, je suis esthéticienne et j'interviens à Cannes dans les festivals ou sinon, des fois, il y a des... T'enlèves les moustaches à des stars féminines, parfois. Il y a des... Dis-moi s'il y a des velues. Oui, si on m'appelle dans leur hôtel, on me demande... Parce qu'il y a des stars, des fois, qui n'aiment pas aller dans les instituts, donc on nous appelle, nous. On leur fait surtout Vanessa Paradis. La moustache. Ouais. Le maillot. Ah, la moustache, sérieux? Je lui ai demandé le maillot. Ouais. Alors moi, ce qui m'a choquée, c'est quand je suis rentrée dans sa chambre, elle était toute nue à poil, ça m'a choquée. J'ai dit, bon, vous pouvez quand même vous couvrir un petit peu, là, non? Non, je suis une star, je suis à poil et je suis le jour où j'ai dit, moi. Et puis, moi, la chatte. Et puis, moi, la chatte et la moustache. J'étais un petit peu choquée, mais bon, j'ai fini le moustache. Travail. Non, mais quelle est la star la plus moustachue féminine? Alors, moi, je lui ai proposé des boules de billard. Hein? Comme dessin. Ça, ça doit être une blague d'esthéticienne. C'est quoi, ça? C'était morte de rire, en plus. Ah ouais. Et tu as raison, Kima, tu as raison. Fais-toi rire. On a fait un peu la totale, quoi. Je lui ai fait un bon massage, le maquillage, pour qu'elle soit prête pour le festival de Cannes. Mmh. Ensuite, il y a eu Johnny Depp, je l'ai vu dans les coulisses. Tu lui as fait le maillot, lui aussi? Non, pas de maillot à Johnny Depp. Non, lui, c'était que la manucure et il était très, très exigeant sur sa barbe. Ah. Alors lui, sa petite barbichette, il n'aime pas trop qu'on la touche. Non, hein, mais le mec, il a une tête de poivreau et l'autre, il bloque sur sa barbe. Il aime pas trop qu'on lui fasse les sourcils. Tu sais, il fait sale maintenant, lui. Ouais, c'est vrai qu'il est sale un peu. Ouais, il a pris un coup de vieux. Ah. Ah, il est sale. Ouais, quand même, il m'a donné quand même un pourboire de 1500 euros. Hein, et j'étais très contente. Ah ouais, donc il est pas sale. Il est sale, mais sympa. Ouais, ouais. Ils sont sympas, les stars. Johnny, si tu nous écoutes, je vais bien aller te faire les sourcils. On va te masser, ouais. Ah ouais, ouais, c'est ah, je te masse pareil. Ta queue, moi. La queue, je suis pas sûr. Mais masser le dos, si pirate des Caraïbes. Et t'as vu qui d'autre? Maître Guy, il est un peu radin, lui, hein. Il a trop fréquenté Romano, tu sais. Ouais, il m'a déçu quand même parce que quand je versais mon tube de fond de teint, si tu veux, ça a giclé un peu sur son visage, il a mal pris. Ah, mais tu lui as fait une faciale aussi, c'est normal. Une faciale au fond de teint. Il s'est crevé un œil. Il y avait la blouse noire, ça a couvert ses. Je crois que Gims, il a pas trop l'habitude de la faciale, c'est peut-être ça, la première. Non, mais ouais. C'est toujours ça, tu sais. Sinon, ton costume, tu viens dégueulasser. Et la star féminine la plus velue, c'est qui? Alors c'est bon, Kim Kardashian, je l'ai vue de loin. Celle-là, j'arrivais pas à l'approcher. C'était plutôt, comment elle s'appelle? Alors Vanessa Paradis, j'avais Pamela Anderson, je l'ai vue deux fois. Mmh. Elle est poilue? Elle est très sympa. Non, mais je te parlais de la plus velue. La poilue. Ah, la plus poilue. Genre normalement celle que j'ai vue, elle peigne en fait à l'oxygène, je sais pas ce qu'elles mettent, mais je comprends pas. Elles ont les cheveux bruns et en bas elles sont blondes. Je comprends rien du tout. Alors je leur ai dit c'est les Amériques, les Américaines. Ah, c'est comme ça. Elle m'a dit qu'on met elles mettent de l'oxygène pour des fois quand elles n'ont pas le temps s'épiler, Ouais, c'est des poils mais blonds quoi. Ok. Voilà. Ok. J'ai une moustache blanche, c'est mignon. Ouais, c'est original. Merci Kima, merci Maxime, merci à tous les deux. Vous quittez pas. Il y a moyen d'avoir un petit portable ou quelque chose pour l'anniversaire dans le monde. Ouais, attends. Non, j'ai un portable, j'ai une tablette. On va pas te lâcher 1500 balles. C'est pour l'anniversaire après tout. Oh bah, on est habitué maintenant. Très bien. Le qui prend goût au luxe, on te donne 1500 balles, on croit que c'est partout. T'es pile des chattes, ça. On t'embrasse, Kima, en tout cas. Raccroche pas, on t'envoie un t-shirt Skyrock à la maison. Et puis, même chose, Maxime. Et tu repars évidemment avec ta Ferrari que tu as demandé au standard. Évidemment. Je n'avais pas demandé à l'antenne. Bon, on t'embrasse, Maxime. Mais ne fais pas le gêner, c'est offert. Non, sur Skyrock, on est comme ça. Royal. The Weeknd et Daft Punk, tout de suite à écouter sur Sky. Et les inscriptions pour la roulette. Vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Vous laissez vos numéros sur le 40. Non, sur la 720. 720, roulette. Pas que je me trompe, le 720, vous envoyez roulette. 720, roulette très très vite. Et vous faites tourner la roulette avec nous. Il y a Jul à gagner. Tous les concerts de Jul sont pour vous, même les complets. On a encore des places pour vous. À Paris, à Marseille, à Amnéville, à Nantes. Ouais. Allez-y, roulette au 720 et The Weeknd et les Daft Punk, découvert dans le morning sur Skyrock. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. Centerpiece, 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, any pain. Nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. Talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Boy sur Skyrock, le son de The Weeknd et les Daft Punk. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et merci à vous d'être là tous les soirs, 21h minuit. Déjà, bah, vous écoutez l'émission, après vous nous appelez, vous réagissez et vous pouvez même gagner Joule en concert avec Skyrock. Roulette au 7-20-20. Et on fait tourner bah, la roulette dans un instant, préparez-vous. Ouais. Et sinon, attention, attention, il y a plusieurs stars que vous avez rencontrées, et je vais en citer quelques-unes. J'ai mangé à côté de Patrick Sébastien. Alors ça, c'est vraiment la classe totale. Génial. Ah, c'est génial. Ouais, c'est Luca qui nous envoie le message. Salut Luca. Il arrêtait pas de crier à table. Oui, c'est un gros beauf. Hey, s'il a pas chanté, t'as déjà de la chance. C'est clair. Ouais, c'est clair. Moi, la dernière que j'ai croisée, c'était Romain Duris. On a pris l'avion ensemble. Très bien, Marie. Tiens, moi, et t'as sucé ou pas? Tu vois qui c'est? Le mec de l'auberge espagnole et tout ça, Romain Duris. Acteur français. Je le croise dans la rue, je pense que je. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, oui, je vois à peu près. Ah moi j'ai vu François Bayrou, tu vois. Ah bah ça je vois qui c'est. Ah ouais. Voilà, il était en costume. Et une fois je l'avais vu, il était en train de boire de la bière dans un bar à côté de chez moi. Il était rouge mais carrément. C'était l'apéro quoi. La bière. J'étais à la table de The Game sur les Champs-Élysées. Ah ouais, c'est pas qui mal, ça. Rocco Simedi. Salut Rocco Simedi. Quentin Tarantino, il y en a qui ont vu Quentin Tarantino le l'acteur réalisateur. Réalisateur. Didier Bourdon. Ça, c'est un des mecs des inconnus. Ouais. Ah, Cortez, il a vu les inconnus. Pas mal. C'est le plus gros, ouais. Ouais. Ouais. C'est le plus gros. Non, mais c'est vrai, c'est le gros inconnu. Ah, ouais, putain, mais il est. Ouais, il a pris. Ah, non, mais il a pris cher, ouais. Bon, bah, c'est marrant, en tout cas, les messages que vous nous avez envoyés. Il y en a qui ont vu la fouine, qui était sympa. Maître Gims aussi, qui était sympa. Moi, j'ai vu de loin Kim Kardashian. À la télé. Très bien, merci. Ah, très bien. Bah, moi aussi, tiens, j'ai rencontré Kim Kardashian à la télé. J'ai vu Cédric aujourd'hui se promener encore sur les Champs-Élysées. Qui a envoyé ce message? C'est l'inconnu. L'inconnu a vu Cédric se balader sur les Champs-Élysées encore aujourd'hui, c'est fou, hein. Mais si c'est entre 9h et 21h, ça va. C'est bon. 9h10, c'est 21h même. T'es là, Cédric? Cédric? Très bien. Il est sur les Champs, je crois. Ah bah. Il est parti en boîte. Ah bah, il est minuit 6. Il est parti en boîte, là. Ah bah, il est minuit 6. Ah ouais, ah bah, c'est fini. Bravo. C'est clavier cool. Minuit 6, terminé. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai pour vous? Si, juste un truc que je vais vous faire écouter, puisqu'on parlait de stars. Alors là, ce matin, on a tapé dans du lourd. Accrochez-vous. Vous étiez à l'écoute ce matin. Romano, je crois que tu as écouté le morning et c'est super. Ouais, c'était bien, ouais. Ouais. Et alors, je parle de qui? Ben, c'est le réveil de star. Oui, avec qui? Attends, j'ai un trou. Ben oui, t'as même plusieurs, regarde. Non mais attends, merde, c'était qui? Julien Lepers. Ouais. Bravo Romano. Non, on en fait tellement aussi. Et ouais, Julien Lepers ce matin. Et on est tombé sur des gens, mais super. On voulait juste vous faire écouter ça. Julien Lepers, d'ailleurs je voulais remercier. C'est Julien Lepers, c'est qui nous a envoyé la photo là, un auditeur ce matin qui nous a envoyé la photo avec Julien Lepers dans un taxi. C'est un taxi qui nous écoute. Ah oui, merde, putain, je me souviens plus. Ouais. Je sais plus quel est ton. Qu'est-ce qu'il a, Cédric? Il est au bout de sa vie. Ah ouais, il a une voix, mais d'outre-tombe. Qu'est-ce que t'as, Cédric? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ah ouais, je me suis endormi, c'est tout. Il a pris la morphine. Ah, c'est ça. Il a pris sa morphine, Cédric. Mais t'en prends encore? Non, je crois que j'ai des trucs codéinés là. Il est accro. Ouais, il est complètement défoncé. Ouais. Mais Cédric, on t'a vu aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Il a pris ton truc. C'est normal? Tu fais les mêmes bruits. Je suis pas sur les Champs aujourd'hui. C'est normal que tu commences à me parler comme une biatch. Ta gueule. C'est dingue, les cachets, l'effet que ça te fait, c'est ouf. Ah ouais, c'est direct. Ça se sent tout de suite. C'est vergonde. Coucou vermine. Ah, t'es une grosse vermine. Je vais te montrer la vermine, tu vois. Ah, il veut te montrer sa vermine, c'est chaud. T'es une grosse boule de pute. Ta gueule. Bon, Cédric, on va laisser la place à une grande star. Ta gueule, ouais, maintenant. Le réveil de star tous les matins, et ce matin, c'était donc Julien Lepers. Ouais, parce que Julien Lepers va faire danser avec les stars. Ouais. Ah ouais. Moi, je plains la danseuse qui va être avec lui. Ah ouais, ouais. Qui va faire mal à la tête. Ah oui, il va lui manger la tête, c'est sûr. Ah ouais. Allô? Je n'entends pas. Voilà, c'est lui. Oui, attends, j'entends rien parce que là, on met la musique dans la douche, j'entends rien. T'entends, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce délire? Attends, je ferme la porte, j'entends rien. Bonjour. Oui, bonjour. C'est qui? C'est Marie-Noël. C'est Marie-Noël. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, oui. J'ai des questions pour vous. Oui. Oui. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Bah non, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de ballon dans Question pour un champion. Parce que Julien Lepers. Pour m'en défaire, nous. Hein. On ne souffle pas, on ne dit rien. Bah moi, je ne regarde pas de trou, hein, moi, ça va. C'est quoi ce délire? Et je te passe Arnaud. C'est Arnaud. Arnaud sous la douche. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Je sais que tu nous adores. Ouais, et vous êtes qui? Le J, le U, le L, le I, le E, le N. Julien Lepers. Julien. J'ai des questions pour vous. Oui, bah je t'écoute, ouais. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Il n'y a pas de ballon dans Question pour un champion. Attention. Non, pas du tout. Je regarde pas de gens Question pour un champion, je regarde jamais. Julien Lepers. Ah, d'accord. Il est content. Question pour un champion, ça m'appartient. Ah bon? Ah oui. Donc tu gagnes du pognon, alors. Mon cul. Ah bon? Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Rien du tout. Une turlute? Non, même pas. J'aimerais bien. Ah bon? Bah ouais. Bah tu vas voir une dame qui s'occupe de ça, puis elle va t'arranger ça. Miam, miam, miam. Ah, voilà. Je me mets à genoux devant toi. Non, mon gars, tu peux t'amuser, tout seul. J'aime bien quand on me flatte. Ah non, j'arrive pas, moi. Mais là, je m'aime beaucoup, j'ai envie de m'embrasser, là. Oh, tu me casses les couilles, toi. Faut pas m'emmerder. Ouais, bah moi non plus, d'ailleurs, je te coupe, là. C'est toujours ce qui arrive avec Julien. J'appelle les flics tout de suite. Oui, vas-y, Julien. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est toujours ce qui arrive, au bout d'un moment, il te mange la tête. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Direct, ouais. Voilà, on remercie la famille, donc la famille d'Arnaud et sa femme. Ah, Marie-Noël. Marie-Noël. C'est Marie-Noël. Marie-Noël qui répondait à toutes les questions que lui posait Julien Lepers. Ah, pourquoi? Et une star. Tu vois, Cédric, si t'arrives pas à rencontrer Jerem Star, peut-être qu'on te mettra en contact avec Julien Lepers. Ouais, j'entends ça. Tu pourrais lui apprendre tellement de choses. Lui qui a posé des questions à plein de gens, il te poserait plein de questions, tu répondrais des trucs, vraiment, ça l'impressionne. Ouais, moi, je préférerais quand même Jerem Star. Je sais, on est toujours sur le coup, Cédric. On m'a de leurs mots, s'il vous plaît. Bon, ouais, on te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. Voilà. Là, a priori, il va bien dormir, il a pris ses trucs. Là, c'est... Vas-y, bon courage pour demain. Il est shooté. Ah ouais. Et on a bonne chance, ouais, Cédric. Bonne chance pour demain. Hein. Bah oui. Et bonne chance au chirurgien aussi. Surtout. Et là, on a Sabrina au téléphone avec nous. Salut, Sabrina. Bonsoir. Oh, t'entends Cédric qui te fait un bisou sensuel. Elle va repartir. Non, reste là, Sabrina, reste avec nous. T'as 24 ans, t'es à Paris, tu veux gagner Joule? Oui, c'est ça. Eh ben, t'as bien raison, on y va. Ouais. C'est Joule, la roulette qui tourne. C'est Joule. Skyrock t'offre Joule en concert dans la ville de ton choix. Joule sur Skyrock. Et Joule, pour toi, Sabrina, on fait tourner la roulette. C'est parti. Tu fais quoi dans la vie, Sabrina, toi? Je suis à l'école encore. Ah, bien. Bon courage pour demain. Tu commences à quelle heure demain? 9h. Ah. Ou 6h, nous. Ouais. Et nous, c'est pour faire de la radio, c'est sympa. Bah oui. Et bah, Sabrina, tu viens de gagner deux places pour Joule. Merci beaucoup. Et bah, de rien, Joule, il est à Paris, c'est complet, mais les places sont sur Skyrock. Vous pouvez les gagner hein, demain matin dans le morning avec nous. Les prochaines à choper, on te fait de gros bisous, Sabrina. Merci, mon allô, courage. Allô. Oui, j'entends une voix masculine derrière toi qui veut te voler ton téléphone, Sabrina, c'est attention. Mon mari, c'est mon mari. Je peux vous donner un numéro pour les familles le matin, là. Donne. On peut l'utiliser pour les doubles appels du soir aussi, hein. Non, comme ouais. Tu veux. Ah, ouais. Ah bah si c'est tu plus choisis. Du matin, ça marche aussi. On est là le matin, le soir, de toute façon. Parce que moi, je vous écoute le matin, le soir, j'ai du mal à écouter. Ah. Bah écoute, on te le fera pour le matin, mais donne-nous si c'est un bon comme on aime, hein, tu sais. Hein. Ah bah oui.

Ride, le son des 21 Pilots pour démarrer l'émission ensemble sur Skyrock. C'est presque avec vous, je souhaite la bienvenue, je vous rejoignez. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée avec l'équipe de Radio Libre. On est parti donc avec du bon son toute la nuit, c'est Urban Music non-stop. On vous accompagne avec le son d'Alonso qui arrive, Travis Scott également, un son qui cartonne aux États-Unis avec Young Thug pour Pick Up the Phone. Et tout de suite, voici le Escrew avec Démarre sur Skyrock. Mets le coco et on démarre. Hey. Mets le coco et on démarre. Certains se sont mariés jeunes, mais restent avec le squad tous les soirs en criant Bendo sous Marie-Jeanne. On voit le pain, on se prépare sur la musique de Ray Charles. Pas sur la flûte de Marion Maréchal. Le pain en décapotable de firme allemande. Y'a pas de meilleure toiture que le firmament. Nouvelle session assise du mat, y'a 7 places, mais c'est assise sur moi. J'écrivais mes lignes à l'arrière de mes copies. J'avais juste envie de mes clips et mes tant pis. Maintenant ma vie paraît mieux qu'un ego trip. Et les jolies filles dans mes clips et mes copines. Quand je dis femme qui rit est à moitié dans ton lit, mes copines de Colombie me répondent ja ja ja. Et je ris, c'est qui la fille de Égérie? J'ai plusieurs chéries que tu connais déjà. Parce qu'on ne vit qu'une fois, tant mieux. Faut apprécier ce qu'on a. J'ai pas trouvé ma voie, tant mieux. Je vais mener mes combats, que t'aies ou non la foi en Dieu. Faut penser à ceux d'en bas, j'ai l'impression de me voir en eux. Faut apprécier ce qu'on a. Mets le coco et on démarre. Mets le coco et on démarre. Je reste en ville que pour quelques jours. Je veux lire mon nom sur tes lèvres douces. Je veux que t'écoutes ce son et que tes fesses bougent. Et qu'on amène le bendo dans les fêtes de Bourges. J'attrape la Mustang par la crinière. Décapotable et j'ai le vent comme soin capillaire. Monte du côté passager mais fais-toi discrète. Tu me dis que t'aimes flirter bien que tu sois fidèle. Tu tiens le volant pendant que je roule mon spliff. Je te dis que tu m'attires et que t'es plutôt mon style. T'as une feuille de cannabis tatouée sous le nombril. Quand je l'ai aperçu, non je n'ai pas su me contenir. Wow, wow, on ne vit qu'une fois. Le temps passe, je ne m'y habitue pas. Je sais que t'as peur. Et cela qui que tu sois. Mais le temps va s'arrêter si tu roules avec moi baby. Hey, ton sort est entre tes mains. C'est comme quand tu bombardes en pleine côte en tes mains. Le son nous entraîne. Y'avait ceux qui cherchent après, ceux qui restent à thème. On a quitté l'école et c'est vrai que depuis le temps presse. On va chercher les frères qui sortent du pénitencier. Pas grand chose a changé depuis les mises en scène. Juste les oreilles qui sifflent avec la médisance. Parce qu'on est qu'une fois, tant mieux. Faut apprécier ce qu'on a. J'ai pas trouvé ma voie, tant mieux. Je vais mener mes combats, que t'aies ou non la foi en Dieu. Faut penser à ceux d'en bas, j'ai l'impression de me voir en eux. Faut apprécier ce qu'on a. Mets le coco et on démarre. Hey. Mets le coco et on démarre. Mets le coco et on démarre. Hey. Mets le coco et on démarre. J'ai mon Coca-Cola, cola au volant. Côté passager, une pouffe un peu trop collante. Macaï, pas besoin d'être nombreux. On te met le but avec le goal volant. T'as la cote après la conquête. Donc Macaï, cause pas avec la goal, sinon la côte jet. Tu tapes dans la planche, faut pas qu'on te guette. Sinon rafale dans les côtes de la coquette. Ma gueule, tu connais mes codes depuis l'époque du collège. Yeah, yeah. Y'aura que des colères. S'il y a l'ombre d'une trace de commerce, monte dans la Clio avec 2-3 mecs de commerce. Qu'on démarre capter des grosses tasses de gonesse. Yeah. Si y'a les potos, on est là, ma gueule. Mets le coco et on démarre. Mets le coco et on démarre. Hey. Mets le coco et on démarre. Mets le coco et on démarre. Hey. Mets le coco et on démarre. Mets le coco et on démarre. Hey. Mets le coco et on démarre. Number one for hip hop and R&B. Yeah. Oh yeah. Ooh. Oh. Yeah. Travis Scott, Tucker, Tucker, baby. I just went got my door. Pull it off and I'm gone. Then I go up a four. Then I roll up, then roll up. Then I'm calling your whore.

mistakes it would take till you leave. And I'm left with my hand and my face all red in the face looking at you like, wait, I know I ain't a saint. If it ain't too late, well, I can't keep on losing. I run away so fast, but my heart like gold, but it break like glass. I'ma get old and I act so young. Baby, you so cold, never had no son. You don't wanna grow up, you're the no fun. So when I get home, I'ma give you some, make it feel like, when I hit that drum, you're the game free. I'm getting no, yeah, it's complicated. Got you frustrated. Get home late and you don't trust me, baby. You way too drunk, you don't know what I'm saying. You can drive my car, don't drive me crazy. Complicated, got you frustrated. Every single night I keep you waiting. You say you don't care, that's what you said. We both know that's a move. Okay, we be fighting, we be reuniting. Kiss me, touch me, tease me, me excited. Got a devil who is who, trying to get through to you because I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you. Where the hell you from? Where you taking this trip to? Wait, don't move, don't say to. I can't keep on losing you. Where the hell you from? Wait. Can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on.